Quandam, Rexque Futurus. Épisode 27, La Post-Vulgate, partie 1, la suite du roman de Merlin. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quandam, Rexque Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et on est heureux de vous retrouver avec certes un peu de retard. On a eu quelques imprévus qui nous ont empêchés de sortir l'épisode à temps. C'est la fin d'année. C'est le thème cette année, n'empêche, ça fait plusieurs fois qu'on le fait. Effectivement. Et puis on a aussi beaucoup fait cette année d'épisodes hors série qui du coup parfois parasitent un peu le programme. Récemment, on a fait un épisode en direct en anglais avec l'émission arthurienne Arthurian Mythia. Où on discute un peu de nos textes favoris arthuriens. Donc bien sûr, c'est en anglais. Si vous ne parlez pas l'anglais, c'est un peu dommage pour vous. Mais si vous parlez l'anglais, ça fait un autre podcast que vous pouvez aller voir. Il regarde beaucoup plus la pop culture récente, beaucoup plus des films, des séries télé récents. Et du coup, on est de retour aujourd'hui pour vous parler d'un des derniers grands cycles En français. Bon, en français, on va un peu étendre la définition dans le prochain épisode. Exactement. Pour plusieurs raisons qu'on va vous exposer. Mais effectivement, on va vous parler du dernier grand cycle en prose français avant sa postérité, disons. Celui qui a le plus de postérité, assez clairement, puisque c'est celui qui va inspirer Thomas Malory dans sa rédaction du Morte d'Arthur, la traduction donc en moyen anglais tardif de toutes les aventures arthuriennes, qui va être en fait la canonisation, du moins dans le monde anglophone, de la matière de Bretagne, et surtout à travers sa publication, son impression et son édition imprimée, et le succès qu'elle va avoir notamment au XIXe siècle, va représenter pendant longtemps une espèce de canon arthurien de base, à l'aune duquel en fait toutes les versions un peu anglophones et même les versions francophones d'une certaine façon sont mesurées. Donc le texte qu'on va vous aborder aujourd'hui est un peu l'une des graines qui va mener à Malory. Mmh. Et en cela, il est particulièrement intéressant, malgré une histoire, disons, compliquée. Et alors, le cycle dont il s'agit, je ne sais pas si je vous l'ai mentionné déjà, c'est le cycle qu'on appelle de la post-vulgate. Alors, on vous avait dit, quand on parlait du Lancelot Graal, que le terme de vulgate était un peu déprécié. Pour post-vulgate, en fait, c'est un peu difficile, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres termes assez pratiques. C'est un cas un peu marrant, c'est une espèce de reliquat où le mot composé survit plus longtemps que le mot de base. C'est un peu comme, en français, on ne dit pas disé, on dit dite, mais par contre, on dit médisé ou contredisé. Et là, c'est un peu pareil, où vulgate, on a arrêté de le dire, mais post-vulgate... Bon, ça dépend où, hein, parce que les anglophones n'ont pas tellement de scrupules à parler de vulgate. C'est ça. Mais en français, c'est vrai que ça, c'est un truc... Et c'est encore pire parce que Fanny Bogdanoff, qui est celle qui a un peu à main nue exhumé et porté ce cycle à bout de bras pour dire « Regardez, c'est un cycle !» Et puis, elle l'a fait pendant si longtemps et si bien qu'au final, tout le monde a fini par accepter qu'effectivement, c'était un cycle. Elle a choisi de lui donner le terme de roman du Graal parce qu'effectivement, c'est comme ça que parfois, il se présente lui-même. C'est ça, c'est intéressant parce que c'est un cycle très différent du Lancelot Graal, justement, alors que le Lancelot Graal a grandi semi-organiquement à partir à la fois du Merlin de Robert de Boron et du Lancelot en prose qui était né au début du XIIIe siècle et qui a fini par accaparer une histoire du Graal un peu inspirée du Joseph, une mort d'Arthur et une quête du Saint Graal, disons eux-mêmes dérivés de, en partie pour ce qui est de la mort d'Arthur, d'éléments préexistants, notamment... canonique, disons, des chroniques, cette phase de la matière de Bretagne qu'on a explorée en plus de détails dans notre première année du podcast, le Lancelot Graal a ce côté vraiment très patchwork, alors que la post-vulgate, justement, au contraire, semble avoir été conçue de A à Z comme un projet unique par un auteur, ou en tout cas un compilateur dédié qui a voulu donner un roman plus compact, plus dense, plus centré sur Arthur aussi, alors que le Lancelot Graal, finalement, allait vraiment beaucoup vers Lancelot comme personnage central. L'auteur de la post-vulgate semble avoir voulu recentrer tout ça sur Arthur. Et surtout, il lui a donné vraiment une structure nette. On le verra dans les textes qu'il a écrits. il se réfère à une structure tripartite dont le texte qu'on va étudier aujourd'hui forme une partie des premiers et deuxièmes chapitres. Et il lui donne justement ce titre de livre ou de roman du Graal. Mais c'est un peu le titre, ou le titre, disons, que donnent à peu près tous les auteurs de livres qui parlent du Graal, que ce soit une histoire, que ce soit une quête. Donc c'est un peu difficile de savoir si c'est vraiment très utile de s'en référer comme le roman du Graal. On a parlé du cycle du pseudo-Robert de Boron, parce que l'auteur dit être Robert de Boron. Ce qui semble pas être le cas. Ce qui semble vraiment hors de question, on va dire, en termes de chronologie. Mais si vous vous souvenez, ça a une postérité médiévale, puisque le Tristan, en tout cas pour une partie, pour certaines parties, se réfère à un Élie de Boron, qui dit être parent de Robert de Boron, qui a écrit le livre du Graal, et il semble effectivement qu'il y a un rapport assez net avec cette post-vulgate. L'autre, ouais, on parle aussi du pseudo-Robert de Boron, ou autrement, on pourrait parler de... je sais pas, livre du Graal, cycle ultérieur. Le terme de post-vulgate est bien pratique parce qu'il est finalement assez clair sur ce qu'il est et il est assez... du coup, il est resté en emploi. L'auteur de la post-vulgate semble avoir voulu en faire justement un texte plus centré sur Arthur et pour ça, il s'est basé en partie sur un des premiers grands romans à avoir compilé un seul récit à partir de sources tirées de la vulgate. Il s'est basé sur une première version du Tristan en prose. Pour vous rappeler, si vous vous rappelez de notre épisode d'août, le Tristan en prose a connu plusieurs rédactions. Et alors, il y a différents consensus, on en parle un petit peu, mais il semble clair qu'il y avait une version, en tout cas primitive, basique du Tristan en prose, qui a servi d'inspiration et qui a fourni quelques matières à l'auteur du cycle de la post-vulgate. Et en retour, il a influencé les versions ultérieures de ce Tristan. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une bonne partie de ces récits de la post-vulgate qui se retrouvent dans le Tristan, et c'est comme ça qu'ils sont connus. Quant au reste, elle n'a pas très bien survécu, cette post-vulgate. On lui connaît un texte principal dont on vous a parlé aujourd'hui, c'est cette suite du roman de Merlin, et des versions, disons, ultérieures de la quête del Saint Graal, de la mort d'Arthur, et également, en partie, de l'histoire del Saint Graal, qui sont, eux, connus surtout par leur traduction, essentiellement en portugais puis en castillan, qui sont connus par des éditions imprimées. Et puis évidemment, par l'adaptation plus libre qu'en a faite Mallory. Donc c'est une œuvre très composite. Et puis aussi la partie de la quête du Tristan en prose qui aurait été influencée par ça. Voilà, c'est pour ça qu'on sait qu'elle était en français. Et puis du coup, vous avez un débat un peu éternel sur est-ce que c'est le Tristan en prose, quelle version a influencé quoi, c'est-à-dire que les deux partagent des motifs, lequel est venu en premier, et puis du coup, il y a un débat assez féroce sur certains points, d'autre part plutôt un consensus qui avec le temps s'est formé. Aujourd'hui, ce qui semble à peu près sûr, en tout cas, c'est que cette post-vulgate s'ouvrait avec une version de l'histoire d'El Saint Graal très semblable à celle dont on vous a parlé. On va pas revenir dessus. Il y a quelques altérations qui ont été faites pour la mettre en conformité avec le reste. Ça, on le sait par les versions ultérieures. On en reviendra peut-être un peu dessus, mais pas en détail, puisqu'elles sont très mineures. C'est suivi par le Merlin tel en prose, le grand texte tel qu'on le connaît, qui était lui-même suivi d'une suite composée à partir d'un bout de la suite vulgate du roman de Merlin, puis à partir d'une suite inédite qui nous est conservée essentiellement, qui a été connue d'abord avant même la suite vulgate du Merlin, parce qu'elle se trouvait dans un manuscrit du roman de Merlin qui s'appelle le manuscrit Hut, qui a servi notamment à l'édition du roman de Merlin par Micha et qui est conservé à la British Library aujourd'hui et qui est nommé d'après son donateur, hein, Henry Hut. Cette suite un peu particulière est incomplète, elle s'arrête au milieu d'aventure du Morholt de Gauvin et Divin, et on sait qu'il existe une version qui continue ces aventures-là, qui se trouve dans un manuscrit parisien. C'est ce texte-là aujourd'hui, cette suite du roman de Merlin dont on va vous parler, puisque c'est un peu elle qui a permis en fait, de découvrir qu'il existait ce cycle. Il était suivi par de la matière qui a été un peu perdue, dont il existe seul un fragment aujourd'hui, qu'on appelle la folie Lancelot, qui servait de lien entre qui servait à former cette partie centrale en fait du roman de la post-vulgate, ce que l'auteur appelle la deuxième partie, entre le début le temps aventureux en fait et le début de la quête, qui s'inspirait beaucoup de parties du Lancelot, du Tristan, et qui se terminait avec le début de justement la quête proprement dite, qui elle ressemble un petit peu à la quête vulgate dont vous a déjà parlé, mais s'en distingue quand même assez nettement par son propos, par son contexte et par ses thèmes qui sont un peu différents. Elle est même suivie d'une mort d'Arthur en partie inspirée de la Vulgate également, mais avec d'autres thèmes de nouveau insérés. Et ces deux parties-là, qui sont connues à partir donc des fragments qu'on trouve dans les versions, disons, ultérieures du Tristan en prose et dans les versions, bien sûr, portugaises et cassianes, on les traitera le mois prochain, puisque c'est l'autre grand bout, en fait, qui diffère avec le cycle tel qu'on le connaît. Donc, de ce cycle fragmentaire, on va vous parler uniquement aujourd'hui de la partie originelle, vraiment, qui a servi à le conjecturer puis à le découvrir. C'est cette suite du roman de Merlin. Qu'est-ce que tu as pensé de la suite du roman de Merlin, Laïs? Honnêtement, j'ai beaucoup aimé la lire. J'ai lu, pour ma part, la traduction de Stéphane Marcotte, qui a été publiée chez Honoré Champion en 2006, qui est un peu devenue une espèce de... qui est devenue un peu un classique de ce qu'on va étudier en littérature médiévale. J'ai l'impression c'est un peu un des incontournables qu'on va donner. Je crois qu'elle a été au CAPES ou à l'agrégation, je ne sais plus, en lettres à un moment donné. Ce qui est peut-être motivé, qui a été motivé peut-être par la traduction, justement, il existe en tout cas une espèce de trouvé chez un éditeur français. On a fait une version clé qui est pratique si vous voulez en savoir plus dessus. Donc c'est vraiment un texte assez long quand même. Oui, il fait quelque chose comme 600 pages. Presque 700, je crois. 700 pages pour. En traduction en tout cas. Pour avoir le tout, moi j'ai beaucoup aimé, disons, je trouve qu'il y a beaucoup d'action, c'est assez facile à lire, il y a assez peu de répétitions, les sujets changent relativement bien, c'est assez facile à comprendre, c'est beaucoup moins difficile à suivre que par exemple la Vulgate ou le Tristan peut l'être par moment, où vous devez vraiment vous rappeler, enfin vous avez une demoiselle qui débarque et puis vous savez plus du tout d'où elle sort. Là, c'est l'intrigue est beaucoup plus concentrée, et personnellement j'ai trouvé que c'était une lecture assez agréable, et aussi je trouve assez intéressant de voir le début de beaucoup de motifs qui vont devenir absolument essentiels par la suite. Typiquement, on a déjà dit que Morgane avait déjà commencé sa transformation en méchante sorcière enchanteresse, mais dans le Lancelot et dans le Tristan, Morgane c'est surtout l'ennemi des amants parfaits, c'est-à-dire qu'elle avait une histoire d'amour qui a capoté, et puis maintenant elle est l'ennemi de Lancelot, elle est l'ennemi de Tristan surtout, puis elle veut faire exposer leur relation adultère. Là par contre, Morgane ça devient vraiment l'ennemi d'Arthur qui veut même le détrôner en fait, ce qui va devenir en fait ce qui est basiquement le canon de son personnage maintenant. Ouais, elle a ce rôle beaucoup plus noir dès le début, on lui dit très vite qu'elle détestait Arthur en fait, qu'elle faisait genre d'être une bonne amie à lui, de bien s'entretenir avec elle, avec lui, de le protéger, puis dès le début elle va commencer à lui voler Excalibur, elle va commencer vraiment à lui faire des coups fourrés. Moi j'ai beaucoup aimé également, j'ai lu essentiellement la même version que toi, je l'ai supplémenté par la version la traduction massive de l'intégrale de la post-vulgate et de la vulgate dirigée par Norris Jellessy en 5 volumes en anglais. Alors c'est une traduction extrêmement complète, qui a pas tout mais qui est très complète, parce qu'elle ajoute notamment elle n'hésite pas à recourir à des fragments s'il faut vraiment avoir plus de texte, et elle est probablement une des meilleures façons d'appréhender l'entier de la post-vulgate, qui est difficile à appréhender dans son entier parce qu'il n'y a pas beaucoup de traductions françaises, il me semble, notamment des parties ultérieures. Pour ce qui est du Merlin, alors là on a l'avantage d'avoir comme une version française assez accessible, mais elle offre une alternative intéressante si vous l'avez en bibliothèque. Je n'irai pas jusqu'à dire allez la chercher avant tout, parce que pour le Merlin c'est pas très très utile, mais elle offre un outil bien pratique, et surtout elle est la seule à offrir une traduction, on en reparlera, mais des fragments qui se situent entre la fin des manuscrits, disons plus ou moins complets de la suite du roman de Merlin et le début de la caste. Donc elle offre un aperçu de cette partie intermédiaire qui n'a été pour l'heure qu'édité que par Fanny Bogdanov dans un volume qui s'intitule La folie Lancelot, et qui est donc été seulement traduite, je crois, par cette édition du tout. Donc c'est difficile à trouver une version de cette partie-là. Je crois pas que tu l'as lu du coup, enfin tu as peut-être parcouru la version... J'ai parcouru un peu La folie Lancelot, je connais disons le déroulement des intrigues, j'ai lu en tout cas plusieurs résumés. Puis après, certains de ces éléments sont connus à travers le Tristan, donc on vous a parlé notamment des aventures autour de la... un des éléments qui m'a frappé justement, c'est dans cette histoire, c'est l'histoire de Gaëriette justement, qui tue sa mère, donc c'est le personnage de Morgoz, même si elle n'est pas nommée, qui le retrouve au lit avec la Morgane. Un truc que j'avais pas compris, c'est pourquoi Lot n'intervient pas là-dedans, c'est qu'en fait Lot est mort, et la mort de Lot assez tôt dans le récit, c'est aussi quelque chose qui m'a assez frappé dans la version de la suite post-vulgate, donc la suite du roman de Merlin, parce qu'on vu que c'est la première suite connue, on l'appelle pas la suite post-vulgate en général. Lot meurt aussi, il me semble, dans les premiers faits du roi Arthur. Il se fait tuer par Pélinor. Voilà, mais il meurt aussi dans la version vulgate, mais il meurt plus tard, il me semble. C'est moins central. Alors que là, c'est vraiment un fait très marquant et qui fait que Gauvin jure, qui a 11 ans à l'époque, jure de le venger. Ce qu'il fera évidemment en tuant Pélinor, puis après en causant la mort d'une bonne partie des frères de Perceval, qui est le fils de Pélinor dans cette version. Ça déclenche un cycle de vengeance qui est clairement un des thèmes, un des fils rouges en tout cas de ce cycle de la post-Vulgate, c'est-à-dire cette espèce de cycle de vendetta là entre les lignages de Lot et de Pélinor. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la post-Vulgate est à la fois plus mondaine, c'est-à-dire qu'il y a moins de. Les côtés très religieux de la Vulgate qu'on a mentionné notamment quand on étudiait la caisse puis un peu l'histoire qui était très liée au message particulier de la caisse d'El Saint Graal qui était pas très cohérent avec le reste, n'y s'y retrouve pas directement. Par contre, l'auteur de la post-Vulgate semble être quand même beaucoup plus sceptique surtout le phénomène courtois. L'inceste de naissance à Mordred est mis par exemple en position centrale dans la suite, c'est ce qui ouvre le manuscrit Ut, et il était quand même une position centrale aussi dans le manuscrit de Cambridge qui ne souffre pas directement par cet incident là mais qui insère cette version originale, on l'a vu avec l'histoire des barons. Il est donné une importance centrale dans le fait que ce sera ça qui va causer la chute du royaume d'Arthur. Le péché, l'erreur sont vraiment des trucs très marqués, l'adultère, on est beaucoup plus négatif par rapport à tout ça. Et du coup, le résultat, c'est que même si le texte est moins ouvertement religieux, il est quand même plus sombre et plus, disons, il offre un message moins positif que, par exemple, pouvait le faire le Lancelot, je trouve. Dans le Lancelot, on a Galeot, Lancelot, qui n'ont pas de problème à être des chevaliers très honorables, alors qu'ils sont vraiment pas forcément extrêmement... ils ne suivent pas exactement les règles de la bonne conduite en société. Là, on est quand même, il y a plus de conséquences, disons. C'est plus sombre, c'est plus triste, il y a plus de morts un peu tragiques. Les chevaliers des tables rondes ont tendance justement à s'entretuer pour un oui, pour un non. Ce qui est assez intéressant aussi parce que d'un autre côté, les bons chevaliers par opposition comme Perceval par exemple, rappellent toujours que non, ils ne devraient pas le faire. Et il y a une vision beaucoup plus effectivement sceptique de tout le projet arthurien là-dedans. J'ai l'impression. Oui, il y a même des motifs, c'est-à-dire que le motif du don contraignant qu'on a déjà vu plusieurs fois, c'est-à-dire quelqu'un promettez-moi de me donner quelque chose. Le pseudo-arthurien. Donnez-moi quelque chose, et bien sûr on accepte, parce que généralement, des fois il y a un facteur encore plus, genre vous venez d'être adoubé, ça vous porterait malheur de ne pas donner la première chose qu'on vous demande, alors donnez-la moi. Et puis en général, on a dit dans le Tristan, c'est on se barre avec, on kidnappe la femme de quelqu'un, puis du coup, non, je peux rien faire parce que j'ai promis. Là, on a un passage où c'est dans la folie Lancelot, je crois, Eric se retrouve à devoir tuer sa propre sœur parce qu'il l'a promis. C'est mentionné dans la folie Lancelot, mais c'est un incident qui arrive plus tard dans la quest ou dans le. Dans la quest. Alors, il est annoncé avant. Il arrive dans la quest dans la mort. Mais il est effectivement mentionné comme se déroulant dans la quest. Exactement. C'est un des éléments. Et puis justement, il y a la demoiselle qui l'a amené à faire ça. Dit, vous m'avez donné une promesse à moi que vous connaissez pas, et puis vous avez tué votre propre sœur. Pourquoi ? Enfin, vraiment, elle met en question le fait qu'il soit laissé, soit laissé prendre à cette espèce d'obéissance aveugle, finalement. Alors que d'habitude, c'est un motif qu'on ne mettrait pas en question à ce point. C'est donc un texte plus sceptique sur la chevalerie en général, je trouve. C'est aussi un texte de façon intéressante, beaucoup plus entrelacé. Il y a beaucoup d'allusions qui vont dans l'un sens et dans l'autre. On dit, ça interviendra plus tard, comme le fait référence tel autre livre. Et beaucoup à l'interne, ce qui facilite la tâche de le reconstruire, en fait, ce qui permet à Bogdanov, en fait, de vraiment dire, ça, cet incident qui est mentionné comme qui va se dérouler, on le trouve pas dans la Vulgate, mais on trouve dans cette version portugaise qui nous permet de dire que voilà. Donc il y a vraiment un entrelacement plus fort et qui est moins pénible à suivre que celui de la Vulgate, que celui du Lancelot Graal, ça c'est clair. C'est peut-être justement une trace que c'est un remaniement de la Vulgate, donc justement toutes les pièces avaient été posées par la Vulgate de manière un peu brouillonne peut-être, comme on l'avait vu, et puis là par contre, comme c'est un projet peut-être plus unifié, on a peut-être quelque chose de plus manufacturé pour avoir moins d'incohérences. Régulièrement, il dit d'ailleurs, ça n'empêche pas qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même. Même si c'est peut-être aussi imputable aux copistes et à des problèmes liés aux manuscrits eux-mêmes. Mais la traduction de Marcotte, effectivement, régulièrement mentionnée. Alors là, cet événement-là, ce ne sera pas repris après. Il dit qu'il va faire ça, mais c'est en contradiction avec. Donc il y a quand même des contradictions. Mais je trouve effectivement que le projet de l'auteur est assez net. Il le dit d'ailleurs, s'il mettait tout, la partie centrale de son roman serait trois fois plus longue que tout le reste, donc il faut qu'il coupe et au pire il vous renvoie au livre de Lancelot, à tel livre, au livre du cri par exemple, au conte du cri, le récit du Bray, pour plus de détails sur tes événements. Donc il y a vraiment un côté, on prend l'essentiel, on résume s'il y a besoin. Par exemple, dans La Folie Lancelot, certains événements qui impliquent Lancelot sont très très résumés. La Folie Lancelot elle-même est assez résumée. Oui, mais j'entends typiquement le bannissement de Lancelot de la cour. Au lieu d'avoir des dialogues et vraiment des cours, on a l'impression de se retrouver face à l'analyse de Losette, en fait. C'est vraiment un résumé. Il résume parfois énormément, mais ça a pour conséquence de rendre le récit quand même beaucoup plus digeste que si on était passé par les mêmes péripéties racontées épisode par épisode. Donc il y a vraiment un côté disons plus smooth, ce qui peut expliquer aussi le fait que ce côté moins fastidieux permet un ton qui est plus dans le roman que parfois c'est particulièrement visible pour la suite du Merlin, qui dans sa version vulgate est extrêmement historique, là est beaucoup plus justement romanesque. On l'a appelé parfois suite romanesque, même si c'est plus sombre. Paradoxalement, la façon dont les événements se déroulent, vous pourriez être en train de lire un Mérogis, littéralement, parce qu'il y a un incident qui est inspiré de Mérogis d'ailleurs, mais on pourrait être en train de lire du Père Lesvos ou quelque chose comme ça, sans trop de problèmes, parce que le ton est vraiment proche de suite ces chevaliers qui vont en quête d'aventure. On en suit un, on ne suit pas des guerres interminables entre vendetta d'ancêtres qui se tapent dessus depuis 15 générations, quoi. On va peut-être du coup en profiter pour enchaîner justement sur la question même du cycle, c'est-à-dire la controverse littéraire qu'il y a eu, qui a été surtout portée par Fanny Bogdanoff, sur ce que t'en penses. Comme tu l'as dit, ce cycle, il nous en manque en tout cas des bouts. C'est-à-dire, même avec La Folie Lancelot, entre la suite du roman de Merlin et La Quête, on a l'impression qu'il nous manque des bouts. C'est-à-dire que pour vous situer, à la fin de ce que Roussineau, lui, finit son édition de la suite du roman de Merlin, Galahad est un enfant, et puis lors de La Quête, il a, je crois, 16 ans. Donc il y a quand même une dizaine d'années qui semblent nous manquer. Même avec La Folie Lancelot, on n'arrive pas complètement à les combler. Donc est-ce que c'était voulu? Est-ce qu'on était censé les combler? Parce qu'après tout, dans la préparation à la quête du Lancelot n'était pas non plus super habile dans la manière dont on faisait s'écouler le temps, pas toujours très cohérente. Mais du coup, par exemple, Roussineau a résumé un peu la position pseudo-sceptique en disant « S'il n'est pas assuré qu'un cycle nouveau, postérieur à la Vulgate du Lancelot Graal, ait jamais été composé dans son intégralité, la suite du Merlin présentait en elle-même suffisamment d'annonces et d'aventures inachevées pour éveiller l'imagination d'éventuels continuateurs et laisser le champ libre aux remaniements et aux interpolations. » Donc soit, même si ce cycle n'a pas été conclu d'une certaine manière, lui dit, en germe dans la suite du roman de Merlin, il y a ce projet qui a pu être continué par d'autres personnes. Et qui a certainement été, de toute façon, qui a été continué par Mallory, par exemple, qui fait clairement un cycle. Je trouve Roussineau extrêmement sceptique là-dessus. Je suis assez surpris de ça, en fait. Surtout en ayant lu Bogdanov, qui est clair et qui me semble, entre Bogdanov et, une version, amendée par, je vais revenir dessus, mais Emmanuel Baumgartner, Bogdanov pointe du doigt le fait que il faut peut-être recommencer d'abord par revenir aux origines. Cette suite du roman de Merlin a d'abord été découverte dans ce manuscrit Uth. Donc, c'est la première suite du Merlin qu'on a vraiment identifiée comme étant un texte à part. On l'a édité et rapidement, en 1887, juste une année après la publication du Merlin Uth par Gaston Paris, il a appris que un érudit allemand qui s'appelait Karl von Reinhard Stöttner, désolé pour la prononciation, avait publié les premiers 70 folios d'un texte qui était jusque-là virtuellement inconnu, un texte portugais, La Demanda do Santo Graal, donc la quête du Saint Graal, qui était conservée à Vienne et qui contenait une version à la fois de la caisse qui diffère de la Vulgate et une rédaction très abrégée de la mort Arthur. Et Paris, là-dedans, découvre qu'il y a des liens entre les deux, parce que, effectivement, régulièrement, comme dans la suite du Merlin où l'auteur mentionna, oui, ça c'est la partie 1, là il y a la partie 2 de mon texte en trois parties, la partie 3 commence avec la quête, la Demanda mentionne exactement ça, le fait que il consiste la troisième partie du livre du Graal. Et en plus, il y a un incident assez important de cette version de la Demanda qui attribue le coup douloureux qui a blessé le roi Méhénier, le roi pêcheur, le roi pêcheur, ça dépend quelle interprétation vous avez, mais Péléan, le roi blessé, a un coup de lance, le coup douloureux. Et cette version fait allusion explicitement à un incident qu'on va voir est dans la suite du Merlin, le coup que donne Balin à ce Péléan, justement, qui ouvre la deuxième partie du récit, et qui ne se retrouve pas du tout dans les versions antérieures du Lancelot Graal. Donc il y a clairement une parenté là. On a commencé à éditer ce texte portugais, on a découvert effectivement qu'il était très cohérent, mais il y avait toujours des doutes, il y avait toujours des inconnus. Par exemple, une grande question, c'est comment on passe de là, qu'est-ce qu'il y a avant, est-ce que l'histoire était, il y avait une histoire du Saint Graal qui en faisait partie, Bogdanov dans les années 60 à prouver que oui, en trouvant des versions portugaises qui comprennent les variantes compatibles avec les deux, notamment sur des histoires de qui, qui fait quoi dans l'histoire. C'est très mineur parce que dans l'ensemble ça reste très similaire. Et puis elle a en fait réussi à combler le trou surtout essentiel, parce que là où la suite du Merlin dans le Merlin Hutte et dans le d'autres manuscrits qu'on connaît, qu'un manuscrit de Cambridge, se termine avec au milieu des aventures d'Yvain, Gauvin et Morold, qui sont un peu continuées par une autre version qui les voit délivrer finalement de la Roche aux Pucelles, il y a un trou assez important, puisqu'on se termine, ce texte se termine abruptement à un moment où en fait, il se termine à la fin des manuscrits. Donc c'est pas comme s'il y avait quelque chose qui enchaînait direct après, puis on peut dire, voilà, ils ont essayé de faire l'enchaînement comme ça. Non, ça termine à la fin des manuscrits. Et surtout, à ce moment-là, Lancelot est un petit bébé, un petit garçon, et Galad et Perceval ne sont pas encore nés ni engendrés. Alors que quand après on découvre la caisse, ça s'ouvre avec l'adoubement de Galad dans la version portugaise. Et dans les versions qu'on a retrouvées plus tard dans le Tristan, en fait, qui ont émergé aussi. Du coup, le consensus est devenu de dire, voilà, il doit y avoir quelque chose entre les deux, mais quoi ? Et alors pendant longtemps, on se dit, est-ce qu'il y avait peut-être un Lancelot ? Est-ce qu'il y avait un équivalent de Lancelot ? Bogdanov est de l'avis que non, elle a trouvé cette folie Lancelot justement entre les deux, qui semble concentrer certains éléments du Lancelot, notamment dans la Gravin, et évidemment une partie de Lancelot lui-même pour relater l'histoire de l'amour entre Lancelot et Guenièvre. Et du coup, ce texte aurait fait le lien entre les deux. Alors, il y a eu pas mal de débats sur la question, mais dans les années 60, Bogdanov a publié son volume qui fait encore, je pense, référence sur le sujet, The Romance of the Grail, A Study of the Structure and Genesis of a 13th Century Arthurian Prose Romance. Alors, toutes les conclusions ne sont pas forcément à jour aujourd'hui, mais jusque très récemment, Bogdanov publiait encore des articles qui sont tout à fait dans cette lignée. Elle était reçue, si vous lisez Le Compagnon du Lancelot Graal en anglophone, par exemple, son article là-dessus est... c'est une version concentrée de ses arguments dedans. Pour elle, l'auteur de cette version en prose, justement, de la post-vulgate, a voulu faire pour Arthur ce que l'auteur du Tristan en prose avait fait pour Tristan. Faire un cycle centré sur Arthur. Et pour ça, il a pris du matériel, notamment sur les questions, toutes les aventures de l'Amorak et des fils de Pélinor. Il les a pris du Tristan en prose, qui était lui-même, qui a lui-même, dans sa première version, qui est plus ancien effectivement que cette post-vulgate. Puis tous ces éléments là ont été repris dans la deuxième version du Tristan en prose. Alors si vous vous souvenez de notre épisode sur le Tristan en prose, vous savez que le consensus aujourd'hui selon Emmanuel Baumgartner, c'est qu'en fait les deux versions, ce qu'on appelle les deux versions du Tristan en prose, sont pas nécessairement antérieures. Il n'y a pas une version une plus courte, plus ancienne, et une version 2 plus récente, mais que les deux dérivent d'une même version qui a effectivement sans doute inspiré cette post-vulgate, qui ensuite dans les deux cas a servi d'inspiration à des éléments différents, les éléments autour d'Agravin, de Gaëriette, de la Morac et des fils de Pélinor pour la version 1, et surtout la caisse qui est très inspirée de la caisse post-vulgate pour la version 2. Donc on vous renvoie à cet épisode pour les questions sur Tristan. Mais aujourd'hui, voilà à peu près le consensus, je pense, en tout cas dans la recherche anglophone, notamment par la recherche de Bogdanov qui a perpétué surtout là-dedans les recherches de son directeur de thèse, je crois, son maître à penser en tout cas, qui était Eugène Vinavert, qui était le grand éditeur de Mallory au XXe siècle. Alors après, il y a sans doute eu un consensus qui a un peu évolué. J'ai pas été tellement au courant de versions plus récentes. Je sais pas si Roussinot représente peut-être là-dedans, disons, un scepticisme plus moderne, plus général. Je pense qu'il y a probablement quelque chose de ça, c'est-à-dire un scepticisme un peu plus, disons, une tendance un peu plus générale à mettre en doute que oui... en tout cas, tout le monde est d'accord que le cycle, on n'a pas dans son intégralité. Donc après, il y a des gens qui vont dire justement, est-ce qu'on peut vraiment parler de cycle ? Mais en tout cas, à mon avis, il y a une tradition cohérente. Est-ce que vous voulez parler de cycle ou pas ? C'est un peu un problème. Ça dépend un peu de votre opinion plus générale de comment analyser ces textes. Mais je dirais qu'il y a une espèce de tradition, à mon avis, un peu rituelle comme ça, où quand on évoque ça, on va dire « Fanny Bogdanov a découvert ce cycle, voilà ce qu'elle a proposé, mais tout le monde n'est pas convaincu. » Et puis alors après, on galère à essayer de trouver quelqu'un qui n'est pas convaincu, qui a développé des arguments. Roussinot cite un article de Latulière qui date de 1978. Ensuite, il évoque les doutes de C.E. Pickford en 1960. Et de nouveau Latulière, qui avait étudié Guiron le Courtois en 1966, pour étayer un peu ses doutes. Et donc, des articles de... Le plus récent qu'il cite, c'est 78, alors qu'à cette époque-là, le consensus sur le Tristan en prose, ou même la post-vulgate, était loin d'être celui qu'il est maintenant, mais il y a aussi beaucoup de textes qu'on n'avait pas édités. Et je pense qu'il y a un scepticisme qui est intéressant sur plusieurs choses, par exemple sur les trois parties. Il dit, le problème, c'est que c'est un peu un topos médiéval d'annoncer trois parties. Typiquement, Guiron le Courtois, on a le scribe qui nous annonce trois parties, alors que quand on lit le truc, on a l'impression que ça cadre pas vraiment. Là, ça marche un peu mieux. même s'il nous manque des bouts. Disons, j'ai l'impression qu'on a une espèce d'habitude un peu malsaine qui est de dire voilà la théorie, mais on n'a pas envie d'y souscrire aveuglément, alors on va quand même essayer de présenter une critique, puis on va fouiller les critiques les plus bazardées qu'on a pu trouver, puis je trouve que c'est pas toujours très malin. Je pense partant de ça, il y a aussi l'idée peut-être un peu trop bédiériste pour le coup, de se dire qu'il y a qu'on a une version particulière et qu'on étudie cette version. Pas dans le sens de « on a une version d'un manuscrit particulier », mais c'est l'idée qu'on a un texte qu'on doit l'étudier pour lui-même et on doit en faire une œuvre complète de A à Z qu'on doit pouvoir étudier après dans un concours, mettre au programme, et on ne va pas mettre au programme un cycle entier pour les étudiants en CAPES ou ceux qui veulent passer l'agrégation. Donc, on va considérer que la suite du rendement, c'est une œuvre, un Bildungs roman arthurien, point. Un Bildungs roman. Et puis que c'est tout. Et qu'il y a une idée qu'on ne doit pas aller chercher trop dans les cycles parce que bon, les cycles, c'est trop compliqué et ça fait trop anglais. Je pense qu'il y a aussi à part ça, je pense que c'est aussi lié au fait que bah, pour la critique anglophone, il y a Mallory derrière et on n'a pas de problème à voir qu'on peut avoir un cycle même composé par une seule personne et qu'on se dit voilà, il faut bien avoir un cycle à la base, alors que les Français vont plutôt être très sceptiques. Il y a l'auteur particulier de chaque texte qui doit être, je sais pas, il y a vraiment une espèce Ce qui est bizarre parce que les Français avaient justement tendance à voir le grand architecte de la Vulgate, mais la post-Vulgate maintenant peut-être que c'est une réaction à ça, c'est-à-dire qu'on a eu trop tendance dans le passé à chercher de ce côté-là et puis maintenant il y a une réaction. Après la post-Vulgate étant extrêmement difficile à étudier parce que du coup vous êtes réduit à part pour la suite du roman de Merlin qui est le seul vrai texte qui nous a été complètement, il est partiel parce qu'il s'achève à la fin, mais dont on a un bout substantiel en ancien français. Tout le reste, c'est soit des fragments dans les Tristans, et les Tristans, personne n'a envie d'y toucher depuis Baumgartner parce que c'est vraiment beaucoup trop compliqué, à part les éditeurs justement qu'on a vu sur le Tristan. Il y a seulement Baumgartner qui, me semble, et qui est encore là-dessus, son livre des années 70, fait encore le consensus sur le sujet parce que c'est le plus fouillé, quoi. Et donc ça m'étonne pas vraiment que la post-Vulgate, devant se reposer sur des versions portugaises, et les romanistes français n'ont pas forcément envie d'aller jusque dans le portugais, surtout du 14e, 15e siècle, il me semble que le côté disparate empêche aussi qu'on ait vraiment quelqu'un qui fasse un truc monumental dessus, qui réconcilie et mette tout le monde d'accord. Mais je crois que tu pointes quelque chose d'assez intéressant et de vrai, c'est quand tu dis les gens ils préfèrent avoir la suite du roman de Merlin, c'est un livre à part, c'est un livre comme ça, puis on peut l'étudier en tant que tel, et du coup vous avez besoin de lire que ça, et puis le reste vous pouvez un petit peu vous en passer. Et c'est un peu ce qui se passe, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, ça ne chevauche qu'assez imparfaitement le plan qui est annoncé par l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur annonce un plan en trois parties, où il nous dit, en fait, quand on se finit la première partie, il nous dit voilà la fin de la première partie, c'est quand... Du début jusqu'à ce que Balin commence la quête du chevalier invisible, donc il y a un chevalier invisible qui tue des gens, ce qui inclurait donc peut-être une histoire du Graal, mais en tout cas le Merlin en prose est le début de la suite du roman de Merlin. Ensuite, la deuxième partie, c'est de la quête de Balin jusqu'au commencement du Graal. Alors si c'est le commencement des aventures du Graal, ce serait un petit peu court comme deuxième partie, ça ferait vraiment très petit, mais donc on pense que c'est vraiment le début de la quête. Donc la deuxième partie, ce serait toute la suite du roman de Merlin qui reste, plus qu'on a perdu entre-temps, on ne sait pas trop. Et puis la troisième partie va jusqu'à la mort de Lancelot et du roi Marc. C'est pour ça qu'on parle volontiers, pour ce qui est de la post-vulgate, de Quest mort Arthur. C'est vraiment un ensemble. Effectivement, si vous regardez, en fait, la mort Arthur est très courte, c'est presque un addendum, un peu comme comme on trouvait les derniers faits d'Arthur dans le Dido Perceval, qui est un peu un addendum à cette quête de Perceval. Donc je pense qu'effectivement, le fait que le premier texte qu'on a eu sur le sujet, déjà, est transversal. C'est un roman, voilà. Et il s'aligne très imparfaitement, mais par des aléas de l'histoire, parce qu'on n'a pas trouvé de manuscrit complet. Du coup, on a peu tendance à considérer comme transversal, puis à se dire, oui, mais bon, de toute façon, les divisions n'avaient pas grand-chose à voir. Mais c'est sûr que si on avait retrouvé l'équivalent pour la post-vulgate de ce qu'est le Dido manuscrit pour cet autre cycle de Robert de Boron en prose, on aurait peut-être plus facilement tendance à se dire, ah voilà, il y a bien une première partie qui ne se chevauche pas exactement, et une deuxième partie différente. Et surtout parce qu'on réchigne à voir dans cette partie un ensemble qui va... je pense, du début de l'histoire du Graal jusqu'à le truc de Balin, parce qu'on a déjà le Merlin, et le Merlin, on le connaît autrement. On connaît cette autre version du Merlin qui est dans notre tête, c'est celle qui est éditée par Micha, c'est celle qui va jusqu'à ce qui va avant la suite. Et du coup, on a pas envie de se dire « Ah, ça représente un texte différent. » Parce qu'on est dit « Non, c'est juste une suite du texte qui est déjà existant, donc on peut pas le considérer comme étant... » Je pense que cette image de Robert de Boron écrivant le Merlin, puis après tout le reste étant des addendums, ça empêche de considérer qu'on pourrait considérer ce texte-là comme un roman à part. Et du coup, ça explique aussi peut-être pourquoi on a voulu chercher une... Bogdanov est très sceptique sur l'idée qu'il y avait un Lancelot entre les deux. Elle dit, ça sert à rien de dire qu'il y avait un Lancelot entre les deux, vu que de toute façon, la division tripartite, elle est déjà bien remplie parce qu'on a... On peut se dire, c'est simplement une suite de cette suite du roman de Merlin qui manque. Mais effectivement, si on part du principe qu'on peut éditer ces romans de façon tout à fait transversale sans tenir compte des divisions que leur imposent leurs auteurs, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui est nouveau ou ce qu'ils y ajoutent, typiquement dans le cas de la suite du roman de Merlin, ce qui est édité, c'est jamais la version avec... On n'a jamais édité de version complète avec le Merlin, l'histoire d'El Saint Graal, et puis le bout de la Vulgate en plus qui était là dans la première version de la suite du roman de Merlin. On édite toujours seulement le texte original, parce qu'on veut vraiment se rapporter à cet auteur magique qui a innové. Et je pense que c'est ça aussi qui dessert un peu la tradition, en tout cas francophone, qui dit qu'on veut éditer que le truc particulier qu'on peut attribuer à un auteur parce qu'on a envie de lui mettre dessus ce truc, même s'il est anonyme, on a envie de lui mettre dessus un impétus assez fort. Et c'est marrant que ce soit les Français, pour moi, qui se concentrent sur cette théorie de l'auteur à tout prix, parce que c'est à la fois étonnant et pas étonnant, mais ça me semble un peu contre-productif sur certains aspects. Avant qu'on fasse une pause musicale, j'aimerais peut-être qu'on présente quelques-uns des renvois, c'est-à-dire des allusions ou des prophéties qui sont annoncées par la suite du Merlin, mais qui vont être accomplies que dans ces fameux textes portugais ou dans le Tristan en prose. Un exemple assez clair, c'est par exemple que Baudemagus sera tué par Gauvain. Alors c'est quelque chose qu'on trouve déjà dans la quest d'El Saint Graal. Il y a quelqu'un qui trouve sa tombe et qui voit la tombe de Baudemagus, qui voit Baudemagus tué par Gauvain. Mais là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui n'est pas raconté, qui est plus vieux que ça clairement, mais qui n'est pas raconté par la suite du roman de Merlin, juste annoncé et qui s'accomplit ensuite dans la Demanda do Santo Graal. Donc ça, c'est un renvoi qui est un peu faible parce qu'on pourrait l'expliquer autrement vu que le motif existait avant. Il y en a un autre qui est beaucoup plus central, c'est cette vendetta dont on a parlé. Pellinor tue Lot, le père de Gauvain, donc c'est pendant la bataille justement, il le chope au milieu du champ de bataille, il l'explose. Et on insiste bien sur le fait que Gauvain, même si c'est un enfant, je crois qu'il a 10 ans à ce moment-là. 11 ans, je crois. 11 ans, il jure déjà, alors les manuscrits ne sont pas tous d'accord d'ailleurs, mais il jure déjà qu'il se vengera un jour et qu'il finira par le tuer. Il y a Merlin qui écrit la prophétie sur une tombe et il dit « Ici, un jour, Gauvain tuera Pellinor ». Il annonce à Pellinor, enfin il y a Pellinor qui abandonne sa propre fille à un moment, on va le raconter, mais il voit une femme en détresse, mais il est occupé, alors il va pas la sauver. Et Merlin lui prophétise, tu n'as pas aidé ta propre chair, la fille se fait dévorer, donc ton propre fils, Thor, un jour tu seras en danger et il ne te sauvera pas. Et donc il y a cette idée-là. Donc il annonce que Thor ne le sauvera pas lorsqu'il sera tué par Gauvain. Mais l'événement lui-même, donc Gauvain qui tue Pellinor, c'est pas raconté dans la suite du roman de Merlin, c'est pas raconté dans la quête ni l'amant Arthur, c'est pas raconté dans la feuille Lanceau, c'est raconté nulle part. Il y a un manuscrit de Guiron le Courtois qui est un autre texte encore plus tardif et encore plus remanié qu'il raconte, mais là c'est probablement quelque chose qui peut-être n'était même pas dans le cycle en fait. C'est probablement quelque chose qui a été raconté, qui a été accompli indépendamment. C'est-à-dire peut-être qu'il était là à la base, mais que là c'est quelqu'un qui a essayé de le reconstruire. De la même manière que dans le Tristan en prose, la mort de Drian et Lamora est annoncée plusieurs fois, donc on dit voilà, ils vont se faire tuer, mais finalement c'est pas accompli sauf dans quelques manuscrits. Donc dans le Tristan en prose, c'était vraiment, je crois, un manuscrit 14400. Et puis là, en l'occurrence, vous avez le BNF 12599 et le BNF 112, qui est ce fameux sur lequel on se base pour la, ces fameux sur lesquels on se base pour la folie Lancelot, qui vont raconter la mort de Drian et Lamora, alors que la plupart s'arrêtent avant. Et puis, typiquement, on l'a dit dans la folie Lancelot, Gaëriette tue sa mère. C'est quelque chose qui est quand même annoncé, c'est-à-dire que le fou marin annonce que Gaëriette sera le meilleur chevalier du monde, un des meilleurs chevaliers du monde, mais qu'il sera perdu à cause de ce crime où il va tuer sa mère. Donc tout ça semble vraiment indiquer pour moi un côté vraiment assez fort de cette unité qui va plutôt du côté, il y a vraiment un cycle uni, il y a vraiment en tout cas une histoire unie, unifiée, dont tous ces textes font partie. Malheureusement, toujours difficile évidemment de dire, ah bah oui c'est sûr, jusqu'à ce qu'on trouve le manuscrit, mais il y a tellement de... Ça me paraît improbable que le contraire soit vrai, quoi. Est-ce qu'on peut vraiment penser qu'il y a cette unique version de la suite du roman de Merlin, puis qu'après le fait que tout soit réalisé dans d'autres textes, c'est purement le hasard et le fait que ils ont lu les mêmes trucs dans le Tristan, ça me semble vraiment très très improbable. Et je suis vraiment de l'avis Bogdanov amendé par suite Baumgartner, hein, parce que Bogdanov est resté dans la version qui avait une version 1 du Tristan, une version 2 plus récente, et que la caisse s'insère entre les deux. Mais je pense vraiment que ces renvois, tout ça, même s'ils sont pas toujours expliqués, peut vraiment nous donner le portrait d'un cycle cohérent et voulu comme complet. Après tout, si on a tellement de ces renvois qui sont confirmés par des éléments pour les versions perdues, soit dans la folie de Lancelot, soit dans les versions portugaises, pourquoi est-ce qu'effectivement ceux qui ne sont, dont on n'a pas retrouvé la trace, n'auraient pas existé non plus? Enfin, ça fait pas sens, moi, de faire référence pour une moitié à des renvois qui vont se passer, puis à moitié pour des renvois qui vont pas se passer. Peut-être juste un mot sur la datation de la post-vulgate, parce que pour le coup, l'avantage, c'est qu'on peut la dater assez précisément. Vous souvenez, grâce au Palamède, dont vous avez mentionné dans l'épisode sur Tristan, le Palamède, qui est la version ultérieure, donc ce qu'on appelle maintenant le Giron le Courtois, mentionné dans une lettre de l'empereur Frédéric. C'est une lettre de Frédéric II qui mentionne qu'il a des cartes quaternions de Giron le Courtois dans une lettre du 5 février 1240, donc il fait un peu un inventaire de cette partie de sa bibliothèque. Donc le Palamède a dû être commencé avant, et comme le Palamède, c'est un peu le Giron le Courtois, c'est un de ses derniers cycles qui inclut tout. Ça veut dire que la suite du roman de Merlin a dû être rédigée avant, et elle a probablement été rédigée après 1235, ce qui est un peu la datation pour la suite vulgate. Donc on est dans ce mouchoir de poche, et tout le monde s'accorde à dire, en l'occurrence là il y a un consensus, ce texte a été rédigé entre 1235 et 1240. Ce qui est effectivement très pratique, et surtout ce qui pour moi exclut vraiment une rédaction avant la version actuelle qu'on a de la version 757, disons, de ce Tristan, quoi. Donc je suis plutôt d'accord avec Baumgartner. Deux mots peut-être quand même sur les éditions et les traductions. Alors là, on va seulement vous parler de celle de la suite du roman de Merlin, pour commencer. Alors évidemment, l'édition centrale aujourd'hui n'est plus celle qu'avait donné Gaston Paris avec... dans la version l'édition basée sur une transcription du manuscrit UT. Aujourd'hui, c'est toujours cette version Drault par Gilles Roussineau qui est la référence en deux volumes chez Drault en 2006, traduite par la version de Stéphane Marcotte, pour le coup chez Champion, dans la traduction des classiques français du Moyen-Âge. Donc vous trouvez la traduction des classiques français du Moyen-Âge sans problème. C'est long, c'est dense, mais c'est écrit assez gros, donc ça va. Il y a un bon résumé d'analyse. À noter que c'est vraiment la version UT avec le supplément des Sommer a appelé dans son édition les The Abenteuer Gaveins, Evains und le Morholz mit den drei Jungfrauen aus der Trilogie des pseudo Robert de Boron, Die Fortsetzung des UT Merlin. Donc c'est une continuation du UT Merlin qui existe dans un manuscrit à part, le manuscrit 112, je crois, de la manuscrit de la Bibliothèque nationale à Paris. Donc, il combine les deux. Il n'inclut pas les incidents du manuscrit de Cambridge de la Vulgate. On en parlera dans une minute. Si vous voulez avoir un plan d'ensemble de tout ça, la meilleure traduction complète, si vous voulez, de tout le cycle, donc qui inclut à la fois ça, cette version de la suite, et la Folie Lancelot, qui avait été édité, on l'a dit, par Bogdanov dans son La Folie Lancelot, en anglais c'est Hither though an identified portion of the suite du Merlin containing MSS BN FR, donc la Bibliothèque nationale 112 et 12599. La seule traduction de cette boue se trouve dans la seule traduction anglaise de la suite, qui est l'édition assez massive du Lancelot Graal, The Old French Arthurian Vulgate and Post-Vulgate Translation, donc dirigé par Norris J. Lacey. C'est donc basiquement un format A4 avec deux colonnes de texte assez serrées. Donc quand vous avez une page dessus, ça vous fait basiquement quatre bonnes pages de texte d'un format poche standard. Donc ça a été traduit par... toute la post-vulgate a été traduite en fait par Martha Asher. Et elle inclut aussi... Alors c'est les volumes 4 et 5 qui contiennent la post-vulgate et donc les deux parties du Merlin, enfin de la suite du Merlin. Les volumes 1, 2, 3 incluent aussi bien sûr tout le reste de la vulgate, enfin du Lancelot Graal. Donc vous avez le Merlin, vous avez le truc, c'est en 5 volumes. Alors vous les trouverez, je pense pas que vous les trouverez, vous aurez de la peine à les trouver à l'achat. Je crois qu'il y a des versions paperback qui se trouvent en ligne, mais sinon vous les trouvez, ça date des années 96, donc vous les trouvez sans problème dans une bibliothèque académique disons raisonnable. Je pense que c'est pratique, disons, parce que ça offre aussi un résumé complet de tout le Lancelot Graal. On vous avait mentionné ça un peu dans nos épisodes de l'année dernière sur le Lancelot Graal. Et surtout, c'est la seule manière d'avoir cette folie Lancelot en traduction qui autrement n'a pas été traduite. Ce qui me surprend un peu d'ailleurs, pourquoi est-ce que Roussineau dit dans son édition, j'ai pas lu son introduction, mais est-ce qu'il dit pourquoi il n'a pas inclus ça dans sa version de chez Drault? Pas exactement, je crois qu'il pense, lui, justement parce qu'il est un peu sceptique sur le fait que peut-être c'est un remaniement plus tardif ou que c'est juste un truc de continuateur, et donc il a voulu se limiter à cette tradition-là. Je pense que ça dépend un peu de son choix de manuscrit. J'ajouterais aussi que si vous voulez juste un résumé de la suite du roman de Merlin, donc là qui inclut pas la folie Lancelot, l'analyse qui est faite par Roussineau sur 24 pages est aussi extrêmement pratique, donc vous avez un très bon résumé Voilà. Pour suivre le texte. Puis, bien sûr, la référence, si vous voulez, à un bon point d'ensemble, si vous arrivez à mettre la main dessus, Romance of the Grail, The Romance of the Grail, donc le bouquin où Bogdanov expose toute sa thèse sur le... Comme vous l'avez compris, Fanny Bogdanov, c'est la personne qui a vraiment exhumé, qui a vrament avancé cette théorie, elle est vraiment associée à son nom, le cycle entier est vraiment... C'est un de ces cas où il y a une personne qui est vraiment la théoréticienne, qui est vraiment... tout avancé. En fait, tu sais à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser au Lancelot non cyclique de Elspeth Kennedy, où c'est un peu pareil, où tout le monde a fini par l'accepter parce qu'effectivement c'est une bonne théorie, mais où tout le monde se sent obligé de dire ah oui, mais c'est pas complètement sûr. Oui, ça m'amuse un peu parce que pour moi ça rentre un peu dans le même. Alors j'ai pas envie de toujours, voilà, de dire toujours qu'il y a toujours ça, mais Elspeth Kennedy, ça me fait penser aussi à René Curtis avec le début du Tristan, ça me fait penser aussi justement avec Fanny Bogdanov. Il y a une espèce de phénomène dans la deuxième moitié du XXe siècle, j'ai l'impression, que dans le monde de la recherche anglophone, où il y avait plus de femmes qui travaillaient dans le monde anglophone par rapport... Enfin, il n'y a pas beaucoup de Françaises, enfin, moins de Françaises travaillaient sur ces choses-là dans l'immédiat après-guerre. Immédiat après-guerre, peut-être pas, mais t'as quand même eu des... Oui, il y a eu des chercheuses importantes, Baumgartner, effectivement, mais c'est plutôt après. Ouais. Elle travaille beaucoup basée sur ce que Bogdanov, Curtis... C'est juste que t'as les Misha et compagnie qui ont vécu jusqu'à 110 ans. Voilà, il y a le terrain qui a été pas mal occupé entre-temps, donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi une forme de scepticisme, disons, qui est pas seulement pour des raisons purement académiques autour de ces certaines théoriciennes, disons. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ça vaut la peine de lire, je pense, la suite du roman de Merlin, et je pense qu'on va vous donner la preuve après une petite pause musicale. Laïs, qu'est-ce que tu nous as choisi pour cette pause musicale ? Je voulais vous passer une chanson de The Jetsons qui s'appelle Hard Times. On écoute ça. C'était Hard Times par The Jetsons, Et on va vous revenir maintenant vous parler de la suite du roman de Merlin, essayer de vous résumer un peu très lentement l'histoire comme on a l'habitude de le faire. Il y a à peu près une dizaine de parties, une dizaine je pense de chapitrages assez évidents. Il y a des intrigues un peu entremêlées, typiquement l'histoire de Merlin et Viviane, l'histoire de Morgan et Arthur. Il y a des moments où on fait une espèce de va-et-vient temporel qui n'est pas complètement évident, mais des espèces de flashback, flash-forward. Puis en plus, il y a Merlin qui n'arrête pas de prédire le futur, donc ça ajoute aussi un peu d'entremêlement à ces histoires. Mais grosso modo, une 9 ou 10 chapitres qui nous amènent ensuite à la folie Lancelot. En tout cas, dans ce qui est l'équivalent, ce qu'on connaît, disons, par le manuscrit Ut, le manuscrit de Cambridge qui contient ce texte contient du coup une version des premières guerres d'Arthur contre ses parents et contre les Saxons qui amène en fait à l'ouverture de cette post-Vulgate, mais qui donc du coup prend du matériel de la Vulgate, notamment. Pour disons, renforcer le climat un peu de méfiance entre Arthur et ses barons, alors que dans la version de la Vulgate, il y a une guerre, mais c'est accepté. La post-Vulgate, c'est accepté rapidement. La Vulgate prend un peu plus de temps. Là, c'est un peu entre les deux, la version de base. Fanny Bogdanoff a prouvé en fait que c'était clairement cette version avec la Vulgate qui était la première, puis qu'après, les rédactions successives l'ont enlevée, parce qu'il y a des allusions difficiles à expliquer autrement dans des multiples révélations. Donc, il semble que dans cette version à la base, Arthur soit révélé une première fois par Merlin, mais les barons sont sceptiques. Arthur gagne ses guerres contre eux, mais ils refusent toujours de l'accepter complètement comme leur roi, parce qu'ils ne sont pas sûrs de sa descendance d'Uther. Et c'est là qu'intervient l'arrivée à la cour d'Arthur de la femme de Lord Dorcany et de ses enfants. Et c'est là aussi qu'va intervenir, dans cette version-là, l'inceste entre Arthur et sa sœur, et la naissance de Mordred. Alors que dans la Vulgate, on nous explique que, c'est un flashback, on nous explique que, en fait, Arthur avait conçu Mordred pendant le Merlin, non pas après, mais pendant les événements du Merlin, le tournoi de l'épée à Camelot, et donc au moment où il a tiré alors qu'il était encore un jeune écuyer, là, c'est vraiment une histoire d'amour entre le jeune roi et sa sœur, dont il a encore un certain doute sur le fait qu'il est sa sœur, parce qu'il ne s'est pas confirmé encore qu'il est le fils du Terre. C'était pas encore dit. Voilà. Mais dans la version qui nous intéresse, ça s'ouvre effectivement après son couronnement avec une grande cour où la femme de Lord Dorcany arrive et où il couche avec elle. Vient ensuite, justement... des premiers combats, une des premières aventures d'Arthur, c'est que justement il rencontre la bête glatissante, une étrange bête, elle n'est pas appelée la bête glatissante je crois, qui porte dans son corps des chiens qui aboient. Bête diverse ou la bête diverse, donc l'étrange bête. L'étrange bête. Il y a un type qui s'empare qui a perdu son cheval en la chassant et qui s'empare du cheval de l'écuyer d'Arthur. Et il dit, puis Arthur dit, oh mais je vais pas vous laisser faire ça, puis il dit, non mais j'ai pas le temps, mais on se battra plus tard. Ce qui est intéressant, c'est que ça intervient juste après un présage où Arthur rêve que son royaume se fait, alors c'est clairement une allusion à la grosse aventure, mais cette intervention d'un monstre immédiatement arrive juste après un rêve où Arthur voit son royaume détruit par un serpent. Détruit par un dragon qui détruit son armée et qui le tue, mais qui le blesse mortellement. Donc il y a vraiment l'insertion d'un élément extrêmement fantastique, magique, juste après un rêve sur un dragon. Je pense pas que c'est lié au hasard, donc il y a vraiment le renforcement que cette histoire, disons, va être beaucoup plus romanesque dans ce sens-là que la version de la Vulgate qu'on connaît. Et donc, il y a à ce moment-là Merlin qui arrive sous l'apparence d'un garçon de 14 ans. Alors, c'est pas complètement de nouveau les manuscrits. Chaque fois qu'il y a un âge, en général, les manuscrits sont pas d'accord. C'est là qu'on a beaucoup d'erreurs. Donc, un garçon de probablement 14 ans qui arrive et qui explique à Arthur qu'il est le fils du Terre Pendragon et de la reine Ygerne et qu'il a commis un horrible péché en s'unissant avec la femme du roi Lot parce que c'est sa sœur. Donc, Merlin le lui révèle maintenant. Arthur le croit pas. Merlin réapparaît sous la forme d'un vieillard pour lui expliquer des choses, notamment il lui explique son rêve, et puis il lui explique notamment que le dragon qui détruit c'est un chevalier qui a été conçu mais qui n'est pas encore né, qui provoquera la ruine du royaume de l'ogre. Et donc il a dit une première fois que l'enfant issu de sa sœur sera la cause de grand malheur, puis ensuite il lui explique son rêve. Il dit pas explicitement que c'est l'enfant issu de sa sœur qui va détruire le royaume, mais on peut le deviner assez évidemment. Et quant à la bête glatissante, elle fait partie des mystères du Graal, et c'est Perceval qui l'expliquera. Parce qu'en l'occurrence, celui qui est en quête de la bête glatissante et qui a défié Arthur, c'est Pélinor, le père de Perceval. Et donc Merlin annonce qu'en fait, c'est un de ses enfants, Perceval, qui l'accomplira. À noter qu'en fait, c'est pas vraiment Perceval qui va l'accomplir, parce que comme dans le Tristan, c'est Palamède qui tue en fait la bête glatissante. Simplement, Perceval se trouvera là, le moment où la bête est tuée. Alors, il dit pas qu'il la tuera, il dit qu'il en dévoilera le sens. Voilà, alors il a réussi à en sortir le sens. Mais donc Arthur revient à Carduel, il convoque tous ses barons, et là il va y avoir une espèce de mise en scène assez sadique où il va un peu essayer de mettre en scène le fait qu'il est le fils d'Uther. Et donc, il y a un des anciens barons d'Uther qui s'exclame, Ulflin, qui accuse publiquement Igerne d'avoir fait disparaître le fils qu'elle a eu d'Uther. Donc il dit, t'avais eu un enfant de lui et tu l'as fait disparaître. Puis il dit, non, ben, je l'ai donné à Merlin, c'est la faute à Merlin. Puis Merlin qui dit, ben, je l'ai donné à Auctor, et c'est lui qui l'a, il en a, je sais pas ce qu'il en a fait. Puis il y a Auctor qui dit, mais je l'ai bien élevé, et je vois qu'il est, et aujourd'hui c'est un grand garçon. Puis il met la main sur Arthur, puis il dit, voilà, c'est Arthur. Donc tout le monde dit, ah, ben, en fait, Arthur est le fils d'Uther. Et donc il y a cette scène où justement, Igerne croit que voilà, la foutre au bûcher ou l'exécuter ou on sait pas quoi parce qu'elle s'est débarrassée de son enfant. Et puis en fait, non, finalement tout a bien tourné. Un jour après ça, donc là c'est un peu la réunion pleine de joie, d'allégresse. Donc là on a la double confirmation, on a eu la scène de l'épée qui confirmait Arthur, et puis maintenant on a en plus l'annonce assez explicite qui descend d'Uther, donc c'est la totale légitimité. Ensuite après ça, une autre aventure, un écuyer apporte un chevalier qui est mortellement blessé, et il y a Giflet, ou Giflet, qui demande à Arthur de le faire chevalier pour aller le venger. Et Arthur accepte à contre-cœur. Merlin lui apprend que le chevalier qui a tué ce bonhomme est celui qui chassait la bête étrange et qu'Arthur a déjà rencontré, et lui dit Giflet est trop jeune et inexpérimenté pour se battre contre lui. Alors Arthur se dit, je peux pas l'empêcher de partir parce que j'ai déjà accepté, donc voilà le don contraignant, j'ai déjà accepté qu'il aille faire ça quand il m'a demandé de l'adouber. Mais Merlin lui dit, dis-lui que s'il se fait battre une fois, il devra laisser tomber et revenir, et s'il fait ça, il aura la vie sauve, sinon il va se faire tuer. Donc voilà ce qui s'est passé. Et Merlin lui prédit aussi, donc là on a déjà dès le début une annonce de la fin du cycle, il lui dit, Giflet, c'est un des hommes qui te sera le plus fidèle et qui sera avec toi au moment de qui sera avec toi au moment de ta mort, en fait, qui sera avec toi jusqu'à la fin. Et il lui dit d'ailleurs, tu auras une mort, il dit à Arthur qu'il aura une mort honorable, et puis il dit, contrairement à moi, il le dit plusieurs fois, il dit, contrairement à moi qui serais enterré vivant, dégueulasse. On va le voir, Merlin est beaucoup trop horny on main dans la suite Vulgate. Non, exactement. La suite, pardon, il est dans la suite Vulgate aussi d'ailleurs, mais encore plus dans la suite post-Vulgate. Et ça se passe encore plus mal. Alors que Giflet est parti, il y a 12 vieillards qui arrivent et qui viennent réclamer un tribut au nom de l'empereur de Rome parce qu'ils disent, bah, il y a un nouveau roi, on va essayer de lui gratter un petit peu d'argent. Arthur dit qu'il tient son royaume que de Dieu parce que bah, il y a quand même un symbole divin qui est apparu pour le confirmer, et donc il n'a pas besoin de donner de tribut à Rome. Giflet est battu par Pélinor, il rentre à la cour. La nuit, Arthur est quand même tourmenté par ça et il quitte son château pour aller se battre contre ce chevalier. Et quand le jour est levé, il rencontre trois bûcherons qui courent après Merlin pour lui couper la tête. Donc Merlin est sous un de ses déguisements. Arthur les disperse et Merlin lui dit, waf, tu cours un grand danger, t'as pas la force pour affronter Pélinor. Arthur s'en fiche, il ne l'écoute pas. Il défie Pélinor. À la troisième joute, il est désarçonné, donc ça se passe assez mal pour Arthur. Suite à un long combat où l'épée d'Arthur est brisée à la garde, donc il lui reste plus que la poignée, enfin, plus que la poignée et la garde, mais la lame est coupée à la base. Et au moment où le chevalier va lui trancher la tête, Merlin lance un enchantement sur Pélinor qui fait qu'il tombe évanoui, enfin qu'il s'endort. Arthur dit, tu as commis un grand péché, Merlin, en tuant ce chevalier de manière traître. Et puis Merlin dit, non, mais il dort juste, je l'ai juste endormi. Et du coup, le roi, ils vont chez un ermite qui va panser les plaies d'Arthur, et le lendemain, ils vont vers un lac près de la mer. Et puis justement, Merlin lui dit, il faut qu'on trouve une autre épée. Alors justement, c'est là qu'on commence à avoir les deux épées, hein. Est-ce que Excalibur, c'est l'un ou l'autre? Typiquement, dans le Lancelot Graal en général, dans la suite Vulgate, Excalibur, c'était l'épée qui était sortie du perron, il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Ici, d'ailleurs, c'est même pas l'épée spécifiquement d'Arthur, puisqu'il a tendance à la prêter un peu à tout le monde. Alors que là, pour le coup, on vient vraiment sur une question que ça devient de plus en plus l'épée d'Arthur exclusivement, c'est l'épée qu'il reçoit de la... Cette dame, qui n'est pas la dame du lac, en fait, c'est une damoiselle dans un... C'est une servante de la dame du lac, apparemment. Bah non, parce que la dame du lac, c'est Ninienne, il me semble, qui n'est pas vraiment devenue magicienne jusqu'à après. Donc il me semble improbable que ce soit la dame du lac elle-même. Je crois qu'il mentionne une espèce de parenté dans le... C'est possible. Mais enfin, en tout cas, c'est une damoiselle dans un lac qui va aussi avoir pas un très bon destin, on va le voir plus tard, mais qui, en tout cas, lui donne cette épée. C'est là que ça vient chez Mallory, du coup, ce qui fait que tous les anglophones qui disent « Ah, actually, Arthur had two swords. It's not the sword in the stone that is... » etc., etc. Puis celle-là, en l'occurrence, effectivement, plus tard, on lui dira, elle s'appelle effectivement Excalibur. Mais ce qui est assez intéressant, j'ai trouvé, c'est que quand il doit aller au milieu du lac, il voit une main qui tient qui tient l'épée, et puis la demoiselle lui dit, je vais vous donner une épée, vous devez me promettre quelque chose, que vous me donnez quelque chose, de nouveau un don contraignant. il accepte, et puis là elle marche au milieu du lac et elle prend l'épée d'un bras qui l'attendait, puis elle la ramène à Arthur. Et donc quand... c'est pas la même dame qui tend l'épée depuis l'eau, ouais, et qui donne à Arthur, hein, on est. Et puis quand il demande à Merlin comment c'est possible, Merlin dit il y a un enchantement, mais en fait il y a un pont de bois, mais on le voit pas. Donc c'est un peu ça me fait penser un truc où tu sais au fluide non newtonien, tu sais, c'est rempli de la maïzena dans le lac, puis du coup elle peut courir comme dans, la... aller chercher. Comme dans cette BD de Boulet. Exactement, on a pensé à la même chose. Et du coup la dame lui donne l'épée, et du coup Arthur retourne à Carduel. Il faut préciser qu'elle lui donne l'épée avec un fourreau qui vaut 10 fois la valeur de l'épée, parce que le fourreau permet à son porteur, en fait, de il pense automatiquement, en fait, toutes les plaies que le porteur reçoit. C'est un peu compliqué. Alors, Marcotte et Roussillon pointent que c'est un peu incohérent. On va en parler quand ces effets sont discutés. Mais basiquement, ça fait que vous ne saignez pas. Alors, est-ce que ça referme les plaies, ou bien est-ce que simplement c'est que vous avez une plaie ouverte, mais elle saigne pas, parce qu'il y a un moment où justement, quelqu'un qui a ce fourreau, puis on lui enlève, et puis toutes ses plaies se remettent à saigner. C'est quelqu'un qui dit, c'est débile, parce que vous pouvez jamais, enfin, Marcotte et Rossignol disent, mais du coup, ça veut dire que vous pouvez jamais enlever le fourreau, parce que du coup. Après, tu peux soigner la plaie. Mais du coup, ça veut dire que, mais il y a des moments où c'est incohérent, parce que des fois, on a l'impression que ça soigne immédiatement, puis d'autres fois, on a l'impression que j'ai l'impression que ça, c'était surtout pour l'effet, parce que c'est super cool, c'est que là, dans le méchant, finalement, on lui retrouve le truc, puis toutes les blessures qu'on lui a faites. C'est super métal comme truc, je trouve, j'adore. Mais il y a Merlin qui se paye un peu la tête d'Arthur, fait, est-ce que tu préfères l'épée ou le fourreau? Puis Arthur qui a l'épée, bien sûr, fait espèce de crétin, bien sûr que non, c'est sur la tête. Non, c'est très très drôle, effectivement, ce bout là mais du coup il s'en retourne à Carduel. Tout le monde est très content parce qu'Arthur est revenu sain et sauf, et là c'est là que le roi Urien demande à Arthur la permission de marier Morgane, qui est sa sœur, en fait, hein. Alors, sa ici, petite mise à jour justement généalogique, Morgane est donc la mère d'Yvain, puisque Urien est le père d'Yvain, ça c'est standard, mais donc là c'est Morgane qui est la mère d'Yvain, et donc Yvain est aussi un neveu d'Arthur, et étant donné que, ouais, enfin, on peut se demander un peu ce fait qu'Yvain et Gauvin sont cousins, du coup, mais bon, tout le monde est cousin d'habitude, donc c'est pas... Oui, exactement. Enfin, quand on y repense, c'est pas en lisant ça que j'ai réalisé, c'est juste que quand j'ai réalisé ça, qu'en fait, Galad est le cousin germain, le petit cousin de... Il est le petit cousin de... petit cousin, une génération de différence, disons, de Perceval, tandis que de l'autre côté, Bor, techniquement, est son oncle, donc tout le monde est... enfin, son cousin, le cousin de son père, donc tout le monde est à peu près parent dans l'Anse Graal et dans la Post-Vulgate. Effectivement, Urien et Morgan, d'ailleurs, ou Morgane, ou Morgue, si vous êtes comme Micha, conçoivent Yvain la nuit de leur mariage, et Arthur s'en va de Carduel pour Carlion, où un chevalier lui amène un message du roi Rion du Norgal, qui demande que Arthur lui rende hommage et lui donne sa barbe, ce à quoi il réplique de façon très défiante. C'est le roi Rion qu'on a déjà vu dans le Tristan, dans les Tristan Courtois. Hein. On a déjà vu mais ce motif typiquement de demander la barbe à un méchant roi. Fait ça aussi, non? Non, c'est pas Gallo, c'est un autre qui justement chope la barbe des gens pour s'en faire un manteau. Oui. Je crois que c'était peut-être déjà le roi Rion aussi. D'ailleurs, ça arrivait aussi Lancelot, dans le Lancelot en prose, il rencontrait des gens qui volaient les barbes des chevaliers pour en faire des airs pour ermites, en fait. Oui, c'est ça. C'est, désolé, pensez aux pauvres ermites qui n'ont rien sur le dos, il fait froid. Oui, c'est ça. Non, je pense que je confondais, parce que Gallo vole les couronnes des rois, oui, c'est ça, pas les barbes. Du coup, Rion demande, et Arthur, bien sûr, refuse. Et c'est là qu'il se décide finalement à agir sur le présage de la destruction de son royaume. Il se dit, bon, vu que c'est il sait quand l'enfant va naître, mais il ne sait pas qui ce sera, parce qu'on ne lui a pas dit que c'était son propre fils, du coup. Ouais, il a pas vraiment connecté les deux bouts. Voilà, mais parce qu'il a pu se dire, tiens, j'ai conçu un enfant et on m'a dit qu'un enfant me détruirait. Non, alors du coup, il décide de kidnapper tous les enfants nés à peu près à ce moment-là, donc c'est vraiment très massacre des innocents, pour le coup. Mais du coup, ça pose la question, pourquoi il ne va pas chercher... C'est-à-dire que s'il comprend que c'est à ce moment-là la conception... Enfin, ça suppose quand même qu'il comprend pas que c'est son propre enfant qui va détruire le royaume. Non, il se dit juste, c'est quelqu'un qui a été conçu. Probablement rien à voir avec le fait que j'ai conçu un enfant avec une femme qui n'était pas ma femme. Et dont Merlin m'a aussi prophétisé que ça aurait des graves conséquences. Bref, Arthur est un peu bébête quand même, parfois, dans la suite du roman de Merlin. Il kidnappe donc, du coup, tous les enfants, enfin, il les emprisonne, tous les enfants du royaume, et Lot. Sa femme, qui vient d'avoir Mordred, justement, dont Lot ne suspecte pas qu'il n'est pas son fils, décide quand quand même de l'envoyer avec, parce qu'ils disent bon, on n'a pas tellement le choix. Sauf que ça c'est marrant, les gens savent pas pourquoi, parce qu'en fait Arthur accumule, il accueille tous les enfants qui sont nés à ce moment-là, et les gens savent pas exactement pourquoi il fait ça. Et d'ailleurs, en chemin, le bateau sur lequel Mordred se trouve est détruit par une tempête. Tout le monde périt, sauf Mordred justement, qui est amené par un pêcheur et sa femme au un seigneur qui s'appelle Nabour. C'est Nabour aussi en français, je sais plus comment c'est. Nabour le Desré. Nabour le Desré, voilà. Qui l'élève avec son propre fils, Sagremor. Qui est aussi Sagremor le Desré. Apparemment, cette famille, leur espèce de dérèglement. L'impétueux, non C'est l'impétueux, ou c'est régulièrement ce truc où on dit qu'apparemment il entre dans une espèce de frénésie et il se met à se battre très bien, mais après il a très faim. Il mange énormément. Le berserk, effectivement. Voilà. Et du coup, Mordred a une note dans son berceau qui dit qu'il s'appelle Mordred. Oui, c'est un peu comme. C'est pas du tout comme Moïse pour le coup. Mais c'est assez marrant parce que du coup, ça veut dire qu'on s'attendrait à ce que Lot et compagnie le retrouvent avant qu'il ne le retrouve parce qu'il pourrait. Enfin, on s'attendait à ce qu'il sache du coup que c'est le nom du fils du roi Lot, enfin bref. Toujours est-il qu'entre-temps, Arthur décide de tuer les enfants à la base, décide finalement de ne pas le faire parce qu'il a un rêve dans lequel on dit que ce serait un grave péché de le faire et que ce serait juste beaucoup mieux de tous les mettre sur un bateau puis de l'envoyer à la dérive. Donc il le fait. Et le bateau s'échoue à Amalfi, donc dans l'Italie, où le roi Orient découvre tous les enfants et décide de les cacher parce que tous ces enfants sur un bateau, c'est probablement quelqu'un en veut. Donc il les cache sur le château des garçons, enfin le château des bébés ou le château des enfants, je sais plus comment c'est en français. C'était la Gens. Ouais, des jeunes gens quoi. Le château aux jeunes gens. J'imagine que c'est tous des hommes, j'imagine qu'il n'a pas kidnappé les femmes non plus. Mais en même temps, c'est peut-être le château des genres alors, c'est peut-être. le trouble dans le château des genres. Trouble at Gender Castle. Les barons commencent un peu à s'inquiéter parce que leurs enfants ont littéralement tous disparu après avoir été mis sur un bateau, mais heureusement Merlin les rassure et leur dit ouais, c'est bon. Tout est sous contrôle. C'est horrible, mais c'est très très drôle. Mais c'est ça aussi, on voit jusque là le fait que Arthur n'est pas forcément un très très bon roi en fait. Ouais. Dans la suite du roman, comparé à la suite Vulgate où Arthur est genre le chevalier héroïque un peu standard, là Arthur sème quand même beaucoup la merde et ça va. On comprend assez facilement que ça va lui revenir dans la figure en fait. Donc c'est aussi un peu en partie en raison de ça que je pense qu'on peut dire que c'est. Que tous les événements qui mènent après à des problèmes à Camelot sont généralement imputables à des problèmes qu'Arthur cause. C'est pas simplement la mauvaise destinée, c'est pas forcément le voilà, il y a vraiment des les conséquences sont toujours un peu ont toujours un peu une origine quelque part chez des gens qui sont pas forcément juste des méchants purs, mais vraiment des gens un peu des pêcheurs quoi. Et donc finalement il y a une vision peut-être un peu moins noir et blanc comparée au Lancelot Graal, mais plus vous voyez votre héros Arthur il kidnappe des enfants quand même. Je trouve que c'est assez, assez intéressant pour le coup. Mais du coup, justement, une de ces guerres va redémarrer avec le roi Rion. Arthur apprend que Rion est entré dans ses terres et qu'il est en train de les dévaster. Il assiège notamment le château de Tarabelle, ou Carabelle, bon ça voilà, comme d'habitude. Il convoque ses barons pour repousser cet envahisseur. Et le jour où il doit partir en guerre, justement, il y a une demoiselle envoyée par la dame de l'île d'Avalon. Alors c'est pas la dame du lac, mais bon, c'est un peu la même idée, la dame de l'île d'Avalon. Qui se présente à la cour, elle a une épée et personne ne peut enlever cette épée, ne peut la dégainer, la sortir du fourreau s'il n'est pas le meilleur chevalier du pays. Tout le monde essaye, ça marche pas, mais seul un pauvre chevalier, donc c'est un chevalier qui apparemment est déshérité, qui a été fait prisonnier pour un meurtre, qui a été exilé de Northumberland. Alors, on nous dit que c'est le Northumberland, mais en fait, on nous dit qu'il y a deux Northumberland. Il y a le Northumberland au nord de l'Angleterre, d'où vient Blaise, et il y a le Northumberland, mais à côté de la Bretagne. le Northumberland en Normandie, en fait. Le Northumberland du sud. Oui, il a dû se dire, Northumbres, voilà. C'est les hommes du nord, donc les Normands, voilà. Tout à fait logique. Et donc, il est assez aigri et un peu décrit comme un peu acide, comme ça, en assistant à la cour, alors qu'il est extrêmement pauvre, justement, c'est quelque chose qui revient beaucoup et il supporte pas bien le face de la cour. Il tente le coup alors qu'on lui a pas proposé à la base, donc il est aussi un peu vexé justement, et il y arrive. La demoiselle lui dit ne garde pas cette épée parce que tu tueras un chevalier avec cette épée et que toi-même tu périras lors du combat, et il l'écoute pas. Vient la demoiselle qui avait donné à Arthur Excalibur, elle réclame au roi la tête de la demoiselle qui a apporté l'épée. Donc là on a une espèce de guerre interne entre demoiselles magiques. Justement, la dame qui avait apporté l'épée, qui avait demandé une faveur à Arthur, lui dit « Donnez-moi la tête de cette dame. » Elle ou celle du chevalier qui l'a détaché, parce que justement elle déteste aussi apparemment celui qui va s'appeler plus tard Balin, parce qu'il avait la première avait tué son, la femme avait tué son père, et puis Balin avait assassiné son frère, donc justement il était condamné pour meurtre. Mais le chevalier exilé accuse, donc là on sait pas exactement ce qui se passe, il y a vraiment une histoire contre une autre histoire, ce chevalier Balin accuse la demoiselle d'avoir empoisonné son frère à lui. Donc là il y a tout le monde qui s'accuse d'avoir tué tout, des membres de sa famille. Et puis, pour se venger, il tire son épée et il coupe la tête à la dame alors qu'on est à la cour d'Arthur. Alors là, c'est quand même une transgression assez importante. Normalement, on peut pas se battre à la cour. On peut pas, en tout cas, tuer quelqu'un à la cour, ça ne se fait pas, parce qu'ils sont sous la protection d'Arthur pendant qu'ils sont là. Arthur est très énervé, il le chasse de sa cour. On apprend qu'il s'appelle Balin le Sauvage, et qu'on l'appelle également aussi le Chevalier aux deux épées, parce qu'il a deux épées, celle qu'il portait avant et celle qu'il a gagnée à ce moment-là. Donc c'est un personnage qui est très... Le personnage de Balin est extrêmement négatif, là on le voit vraiment brutal, violent, il refuse de rendre l'épée quand on lui le demande alors qu'il l'a accompli, il est assez aigri et envieux. Mais plus tard, je trouve que le traitement de Balin est assez bizarre parce que Merlin va dire justement à Arthur, faut pas être méchant avec lui parce qu'il va vous rendre service. Moi j'ai juste un peu de peine à comprendre, enfin j'ai bien suivi dans cet épisode-là, il tue bien la dame qui avait aidé Arthur à récupérer l'épée et qui demandait la tête de la dame qui avait donné l'épée à Balin, on est d'accord? Parce qu'il y a une lady, enfin le résumé anglais parle d'une dame et d'une damoiselle. C'est la damoiselle qui vient d'Avalon qui donne l'épée à Balin, l'épée aux étranges ranges, en fait, l'épée qu'on ne peut pas retirer. Et puis d'un autre côté, il y a la dame qui avait donné Excalibur à Arthur qui arrive et qui demande la tête de cette jeune fille ou celle du chevalier qui a tiré l'épée, on est d'accord? Oui, exactement. C'est la demoiselle qui a donné Excalibur à Arthur qui vient et qui demande la tête du chevalier. Et le chevalier dit, puisque vous demandez ma tête, je vais donner au roi la vôtre. Et puis là, il lui tranche la tête. Mais c'est pas la demoiselle qui tendait l'épée, vu qu'on vous souvenait, hein, c'est bien celle qui était allée sur l'eau pour aller récupérer l'épée chez le bras. Il y a beaucoup, beaucoup d'intermédiaires pour transmettre des épées dans cette suite. Oui, donc du coup, c'est un peu vraiment ce passage curieux où, en fait, on explique que la demoiselle cherchait la revanche sur son frère qui avait tué son amant, et du coup la demoiselle d'Avalon avait dit que qui libérerait l'épée vengerait donc celle-ci en fait. Mais aussi le chevalier qui tirait l'épée allait aussi tuer les deux meilleurs chevaliers à l'ogre, et du coup Balin doit être pardonné par Arthur. Même s'il a tué cette dame du lac, du coup. Et comme tu le dis, hein, il le rassure, il lui rendra un grand service. Effectivement, Balin veut aller en fait tuer Rion pour rendre service à Arthur. Mais donc ça, c'est un peu. Donc là, vous avez un peu le début vraiment des aventures après la fondation du règne d'Arthur. Il faut noter justement que là, le motif d'Excalibur, l'épée du lac, c'est assez symétrique de ce qu'on avait vu à la fin de la mort. De la mort le roi Arthur, où il y a une main qui rattrape l'épée, et là ça devient un peu plus impliqué que oui c'est une demoiselle, alors que dans la mort le roi Arthur on avait cette main qui l'attrapait, mais on n'était pas sûr de la main de qui c'était. Est-ce que c'était juste une représentation de la providence? Est-ce que c'était juste la main de... On n'est pas vraiment sûr de qui c'est la main. Là, par contre, ça devient cette espèce de société de demoiselles magiques. Enfin, là, il y a une collaboration, parce qu'entre la main tendue de soie qui tend l'épée, et puis la demoiselle qui va la récupérer sur le lac, il y a tout un écosystème, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas nécessairement des demoiselles qui n'ont rien à voir avec ce monde-là et qui vivent dans un autre monde un peu pur. Non, elles ont aussi des frères et des sœurs et des familles qui se sont fait tuer. Voilà, elles font partie du monde, et de la même façon qu'on va voir avec Ninienne ou Viviane juste après. Et je trouve assez intéressant justement comment c'est présenté le début de la quête de Balin, parce que c'est un personnage qui reste quand même ambigu. C'est-à-dire, on sait pas si... Est-ce qu'il avait raison de se venger, ou est-ce que c'est la dame qui avait raison de se venger? On a des histoires. Lui-même se vengeait pas tellement, en fait. Il s'est surtout défendu, parce que la dame qui arrivait. Il dit aussi qu'elle a empoisonné son. Il dit aussi qu'elle a empoisonné mon frère à moi, donc il a aussi une histoire. Mais Balin, on va le voir, l'autre frère de Balin va arriver dans l'histoire juste après. On arrive sur une histoire, en fait, de Lancor. Enfin, je sais pas comment il s'appelle en français. Lancor, c'est son nom. C'est celui qui vient d'Irlande, là, je suis plus. Oui, je crois. Oui. Qui est ami d'une demoiselle nommée Lyon, ou bien quelque chose comme ça. En fait, sur les ordres d'Arthur, il va challenger Balin à un combat, mais il est percé en fait de part et d'autre par Balin, qui est un meilleur chevalier. Et là, cette demoiselle-là arrive, voit son amant mort et se tue sur sa propre épée. Et du coup, c'est un peu tragique. Balin voit alors son frère Balan et il lui explique tout ce qui lui est arrivé à la cour d'Arthur. Et un nain explique là à Balin que en fait, il lui viendra des problèmes parce qu'il a tué le fils d'un roi en faisant son acte. Et là, on le remarque qui est en chemin vers la cour d'Arthur, c'est la première apparition de Marc dans ce récit, arrive sur place et voit l'histoire du chevalier et de sa dame et demande à ce qu'on mette une riche pierre tombale sur leur tombe. Et c'est là que Merlin écrit en fait que Lancelot et Tristan se rencontreront en bataille ici, mais aucun d'entre eux ne mourra. Mmh. Et Balin apprend alors qu'il va, c'est lui qui va donner en fait le coup douloureux duquel trois royaumes vont souffrir. Et Merlin s'en retourne du coup vers Blaise pour l'aider à finir son livre à lui. Trois royaumes vont souffrir, mais aussi pendant 22 ans, on nous précise que la ruine de ces royaumes va durer 22 ans. Oui. Et que ça blessera gravement aussi le plus saint homme qui soit au monde. Et effectivement, la pierre tombale, ce sera en fait le fameux Perron Merlin dont on a parlé dans le Tristan en prose, pardon. Donc ça, c'est une annonce c'est justement une annonce du Tristan en prose. Donc c'est probable que l'équivalent, l'épisode du Tristan en prose du Perron Merlin a été intégré. Je sais pas s'il est dans la caste ou s'il est seulement dans la, il aurait été dans la version intermédiaire. Mais enfin, il existe en Tristan en prose, ça c'est sûr. Là, Marc, qui est toujours là, demande le nom de Balin, et c'est là que Balin en fait s'identifie pour la première fois en se nommant le chevalier aux deux épées, puisqu'il a l'épée, son épée à lui, et puis l'épée qu'il a reçue, qui n'est pas celle avec laquelle il a, soit qui est celle qu'il a reçue de la dame, mais qui n'est pas visiblement celle avec laquelle il a, soit c'est pas la celle avec qui il a décapité la dame, soit c'est la prophétie qui avait été faite qu'il tuerait une personne chère à lui par le premier coup de cette épée, et enfin c'est pas, elle compte pas vraiment, donc c'est un peu curieux. Mais en fait, il a deux épées et l'épée magique il n'utilisera que rarement. Et Merlin du coup donne conseil à Balin et Balan comment ils peuvent intercepter Rion et ils vont pouvoir le battre. Et donc du coup s'ensuit toute une espèce de quête un peu de Balin et Balan pour aller après Rion. Et ils arrivent relativement vite à les choper, mais Merlin dit qu'il va devoir livrer bataille contre deux ennemis relativement puissants, c'est Nero, le frère de Rion, et Lot, le beau-frère d'Arthur, donc, qui croit que son fils Mordred a péri en mer avec les autres enfants, parce qu'il avait eu un naufrage. Mais en fait, non, il n'était même pas arrivé dans le bateau. Il avait bien eu un naufrage, mais il n'était pas arrivé dans le bateau. Ouais, enfin, il blâme surtout Arthur pour l'avoir fait envoyer Mordred, quoi. Et puis, du coup, il y a une espèce de dans la plaine de Tarabelle, il y a une espèce de grande bataille. Lot est furieux. Merlin essaye d'apaiser Lot en lui expliquant que Mordred est toujours vivant. Lot ne le croit pas. Merlin le retient donc par enchantement jusqu'à ce qu'Arthur ait battu complètement l'armée de Nero. Il y a des combats qui suivent et c'est là que Pélinor, qui sera plus tard le père de Perceval, tue Lot en allant au secours d'Arthur. Donc l'armée de Lot est vaincue, mais Lot a été tué justement sur le champ de bataille. Et Gauvin vengera, on annonce que Gauvin vengera plus tard son père. En fait, on nous explique que Merlin arrange un peu tout. Merlin a déjà fait confesser Arthur, il dit c'est la meilleure chose que vous pouvez faire dans la bataille, confessez-vous. Puis après, il va s'arranger en fait pour que d'un côté Nero attaque seul, en retardant Lot par des enchantements. Et du coup, Nero, qui essaye de cacher en fait que Rion a été emprisonné, va d'abord avoir un avantage, mais après, une fois qu'il révèle que Rion est pas là, en fait, tous ses hommes vont un peu être moins sûrs, et du coup, il va perdre. En retour, du coup, quand Lot arrive, c'est trop tard pour lui, et il est quand même, même s'il a pas, il pense qu'il a pas le choix, il attaque, mais ils vont être défaits. Et du coup, Pélinor, effectivement, dans la bataille, qui est devenu un des proches compagnons d'Arthur entre-temps, tue Lot, ce qui pousse Gauvin, parce qu'il y a quand même 12 rois et des tas de chevaliers qui sont morts, mais Gauvin va prêter serment de se venger de Pélinor, le tueur de son père. Et il y a tout un truc avec Arthur qui fait faire des statues des 12 rois qui sont morts, puis après il fait une statue plus grande de lui qui tient Excalibur, et du coup le Merlin enchante le tout pour que les bougies brûlent jusqu'à ce qu'au jour où lui meurt, et prédit que un jour le jour où il meurt en fait, le chevalier aux deux épées frappera le coup douloureux et initiera les aventures du Saint Graal, et que pendant 22 ans après, des tempêtes et des troubles, et enfin bref, le temps des aventures en fait tombera sur la Grande-Bretagne. Ce qui n'est pas super cohérent, parce que le coup douloureux, on va le voir, il arrive un peu avant la mort de Merlin. D'ailleurs, Merlin fait des trucs après le... Oui, il y a pas mal de précisions un peu comme ça qui ne sont pas exactement... Cet épisode-là est probablement... Peut-être pas... Cet épisode-là est peut-être une interpolation, parce que justement, on a ces... dans la version de Roussillon, d'ailleurs, je crois que c'est des statues de 13 rois. Alors peut-être après, est-ce que c'est 12 rois, plus la statue d'Arthur, etc. C'est clairement inspiré de la scène qu'on a dans Lancelot propre avec Gallo, qui avait prévu de se faire couronner sur une... Il amène Lancelot à une forteresse où il avait prévu de se faire couronner quand il aurait conquis, je crois, 100 rois. Et il avait prévu de faire justement des chandeliers qui fassent tout le tour de la tour avec des couronnes de tous les rois qui seraient sur les chandeliers, et puis au milieu il y aurait son chandelier qui serait le plus grand. Donc là on a la même chose mais avec des statues. Et le problème c'est que Merlin dit les bougies vont s'éteindre quand je mourrai, mais plus tard quand Merlin est emprisonné et meurt vraiment, personne pense à vérifier les bougies. Ça fait partie des signes que Merlin annonce pour le jour de sa mort, mais personne est averti de sa mort à cause de ça, alors qu'on imaginerait que ce serait la suite logique de cet épisode. Oui, effectivement. Ce qui laisse penser que voilà, il est pas. Sur ces entrefaites, Rion fait hommage à Arthur et Merlin avertit Arthur qu'il devrait faire bien attention à veiller à son fourreau parce qu'il et à son épée. Et c'est à ce moment-là aussi que Morgane décide d'apprendre des enchantements de la part de Merlin, parce qu'il semble qu'elle veuille se venger d'Arthur. Peut-être aussi parce qu'Arthur va finalement causer la mort de son beau-frère et de son neveu. Donc elle se dit bon, pas terriblement sympa. Et elle décide du coup de se rapprocher de Merlin, qui est amoureux d'elle en fait. Oui, Merlin est assez. Il tombe amoureux de toutes les damoiselles hein, qui veulent apprendre la magie. Puis surtout, super orni en main. Il y a un peu une espèce d'incohérence dans les différentes traditions sur qui est. Est-ce que Morgane est belle ou pas. En l'occurrence, là, elle est belle, mais elle a été rendue laide par ses années de pratique de magie en fait. C'est les enchantements démoniaques qu'elle va faire qui vont prendre sa magie. Alors qu'il y a d'autres moments où je crois dans la suite vulgate, on dit qu'elle est assez moche en fait. Et c'est juste après qu'elle commence à prendre la magie qu'Yvain va naître. Ce qui est assez rigolo, c'est que dans la traduction en anglais, dans leur résumé, ils se trompent. Ils pensent qu'Yvain, en fait, est le fils de Merlin. Alors qu'en fait, Merlin ne couche pas avec Morgane. Morgane lui refuse ses avances. D'ailleurs, personne n'accède aux avances de Merlin. Personne n'accède jamais aux avances de Merlin. Et Merlin incel. Merlin Joker. You wanna know how I got under that stone? Et du coup, il va quand même essayer de se faire bien voir d'elle en lui apprenant la nécromancie, la magie et tout et tout et tout. Et du coup, elle se dit que s'il se rapproche d'elle, elle est assez dégoûtée, donc elle le repousse. Puis elle lui dit qu'elle ferait torturer et tuer s'il s'approche d'elle encore une fois. Et donc, du coup. Il est un peu triste et du coup, mais il a pas envie d'agir quand même, donc pour pas se faire mal voir du roi Arthur, il décide de partir. Et c'est là en fait que on découvre qu'elle a un amant, qui est un chevalier. Alors elle a plusieurs amants. Le premier là, il est pas nommé, mais elle va en fait l'utiliser en fait pour tenter de se venger d'Arthur. C'est-à-dire que Arthur lui confie le fourreau de son épée, on ne sait pas trop pourquoi. Bah, il semble qu'il est très confiance en elle. Il a vachement confiance en elle. Et puis elle en fait une copie pour remplacer le fourreau et pour l'offrir à son amant. Mais à un moment, justement, elle les pose sur un lit, puis elle dit, ah, les deux copies sont parfaites. Puis là, il y a Arthur qui se balade dans la pièce, puis là, genre, oh, je ne peux pas rester ici. Puis donc elle sort de la pièce quand Arthur arrive. Et puis quand elle revient, elle ne sait plus laquelle est l'originale et laquelle est la copie. Et du coup, elle les confond et elle donne la copie à son amant. Et du coup, l'amant est grièvement blessé dans un combat. Et il croit qu'il a été trompé volontairement par Morgane, que Morgane l'a envoyé à la mort avec le faux fourreau, mais en fait, c'est pas vrai. Merlin, qui aime apparemment toujours Morgane, même si elle l'a chassé de sa compagnie, avertit Morgane avertit Morgane de ce qui est en train de se passer. Morgane va vers Arthur et lui dit « Ah, votre fourreau m'a été volé !» Et puis Arthur tranche donc la tête de l'ami de Morgane qui prend le coup. Donc là, on a une première version de cette histoire-là qui va se répéter après. C'est intéressant parce que du coup, ça fait une version, disons, une première fois, comme une première répétition qui donne le sens de ce qui va se passer, mais qui ne marche pas pour Morgane. Et après, quand ça va plus ou moins, enfin, ça va pas marcher parce qu'elle va pas réussir à la fin, mais ça va marcher mieux, on a la version où elle est vraiment beaucoup plus assertive, elle sait comment ça fonctionne ce coup-ci. Donc c'est intéressant de voir ces deux versions un peu. C'est clairement pas une répétition involontaire ou par erreur, hein, c'est vraiment l'idée que le plan va mettre du temps à arriver à l'état de perfection. Ensuite, ça, on arrive bientôt à la fin de la première partie du livre de Robert de Boron, puis on va peut-être faire une pause musicale après, mais ça se conclut par le fait qu'Arthur voit un chevalier qui se plaint douloureusement, puis il veut pas s'arrêter apparemment, donc il envoie Balin à sa rencontre, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans la première continuation. Balin va avec lui, et tandis qu'ils chevauchent, qu'ils reviennent ensemble, le chevalier meurt brutalement, il est frappé par une lance qu'un chevalier invisible tient. Donc Balin voit pas d'où vient le coup, puis donc je lui dis « Ah, moi, je vous ai déshonoré, car je suis mort sous votre garde », et il tombe par terre. Et le type lui dit justement qu'il doit trouver une demoiselle qui va lui permettre de connaître le but de la quête de ce type. Il a promis au chevalier inconnu de poursuivre sa quête. Et c'est ici que le récit nous dit « À cet endroit de la narration, finit la première partie du livre de Robert de Boron. La seconde et la troisième partie, qui sont de même grandeur que la première, s'achèveront respectivement au commencement des aventures du Graal et à la mort de Marc et de Lancelot. » Alors, encore une fois, le commencement des aventures du Graal, c'est probablement le début de la quête du Graal proprement dite, et pas le commencement des aventures du Graal, parce que ça commence immédiatement après le coup douloureux, donc ça ferait une deuxième partie très courte. Non, effectivement, ça va prendre un peu plus de temps. Peut-être préciser que c'est juste aussi là que Merlin fait la prédiction que Baud Magueux, le cousin d'Urien, sera tué par Gauvain. Et il avertit aussi Sagremor que son fils adoptif va le tuer lui et Sagremor, donc c'est Mordred, hein, mm-hmm. que va le tuer lui et Sagremor le jour de la bataille de Salisbury Plain, donc la bataille des plaines de Salisbury, qui détruira le royaume de l'Ogre. Donc il y a cette prédiction dont tu avais parlé, hein, qui est déjà introduite ici. Vraiment, c'est intéressant, c'est vraiment au parcours, c'est là qu'on commence vraiment à se projeter vers la fin, en fait. C'était déjà le cas au début, hein, quand on avait vu avec la prédiction, mais là, on a vraiment des trucs plus spécifiques qui commencent à arriver. Qui se précipite, qui se cristallise autour de l'approche du coup douloureux, en fait, j'ai l'impression. C'est comme on avait dit que justement dans le Lancelot Graal, on avait beaucoup ça dans la préparation à la quête, on avait beaucoup de prophéties et d'annonces de la fin du royaume arthurien. Il y a des gens qui ont dit, par exemple, que la Post-Vulgate, c'était un remaniement du cycle qui avait un peu le ton toujours de la mort le roi Arthur. Donc on avait vraiment cette espèce d'idée de fatalité, cette idée vraiment de fatalité, en fait, de destin auquel on peut pas échapper. Typiquement, Arthur, le massacre des nouveau-nés, qui est un motif très biblique, mais c'est, Arthur essaie d'échapper à son destin et à la prophétie qu'il a mise en branle. Il a couché avec sa sœur sans le savoir. Il a donc causé cette chaîne de conséquences qui va aboutir à sa fin. Il essaie de l'éviter en tuant tous les bébés qui sont nés à ce moment-là. Mais ça marche pas. Le Mordred échoue, il est récupéré par quelqu'un d'autre. Les bébés, finalement, ils sont élevés dans un coin pendant le temps qu'Arthur se calme, on les cache dans un château. Donc, on peut pas échapper à son destin, et ça, c'est clair que c'est un des thèmes énormes de la Post-Vulgate. L'incident va continuer quand même pour le. On va vous en reparler juste après la pause musicale. J'aimerais juste, enfin, avant qu'on fasse cette pause. Mentionner quand même que le chevalier mort, Merlin fait une prédiction que le moment où on apprendra le nom du chevalier mort, une grande joie arrivera à la cour d'Arthur. Et je sais pas si finalement on révèle le nom de ce chevalier mort. Alors je suis plus sûr honnêtement que ça se. Je crois que c'est une de ces annonces un peu amputées. Ouais, c'est un peu un des problèmes récurrents avec la suite du roman de Merlin. C'est quand même plus cohérent, effectivement, mais ça reste très disparate par moment. Par moment, il y a vraiment ces incidents un peu dispersés. Et là, en l'occurrence, Marcotte ne le relève pas, mais il le fait régulièrement quand même quand il y a des trucs qui ne sont pas révélés. En l'occurrence, là, cet élément, ce nom de ce chevalier inconnu que Merlin donne l'ordre d'enterrer, il n'est pas repris plus tard, hein, dans la Post-Vulgate. Donc, non. C'est vraiment un peu curieux qu'on dise, le nom de ce chevalier sera réveillé, il y aura une grande joie. Puis finalement, ça c'est cohérent, il n'y a pas de grande joie après, tout le monde meurt et le royaume est détruit, triste. Donc finalement, c'est peut-être pour ça. toujours est-il que voilà, c'est là, en fait, sur la mort de ce chevalier, l'enterrement de ce chevalier inconnu, que va s'ouvrir le temps aventureux, qu'on va commencer à vous relater après encore une autre petite pause musicale. Cette fois-ci, j'avais envie de vous passer. Un morceau pour mettre dans l'entrain le deuxième mouvement Vivace in Anthropo de la symphonie écossaise de Mendelssohn par l'orchestre de chambre d'Écosse avec la direction de Raimi Laredo. Thank you. Miroir, miroir, magique au mur, je veux entendre le meilleur podcast culture. Sur Radio Kawa, il y a Allô Central. Alors je veux l'écouter. Tout de suite, Votre Majesté. Allô Central, votre fantastique condensé de culture. Présenté par Morgane et ses fabuleux ménestrels. Une fois par mois, sur Radio Kawa. Radio Kawa. Alors, c'était le deuxième mouvement de la symphonie écossaise de Mendelssohn, interprété par l'orchestre de chambre d'Écosse. Et on s'ouvre maintenant le deuxième livre du livre du Graal, selon Robert de Boron, comme nous le revendique son auteur, qui en fait n'est pas forcément une distinction extrêmement nette dans le texte. Ça continue, on ne va pas comprendre pourquoi exactement jusqu'à quelques pages plus loin, mais c'est vraiment là qu'intervient la première coupure qui, on le voit, intervient au milieu du roman tel qu'on le connaît, donc qui peut un peu complexifier la tâche quand il s'agit de le voir comme un cycle complet. En l'occurrence, Balin se lamente et est découvert par un autre chevalier inconnu, et lui demande pourquoi il est triste. Le chevalier le menace quand Balin refuse de dire pourquoi, et il est mis à bas par Balin, mais il le rejoint dans sa quête. Et Merlin apprend là à Balin qu'il est en fait à la recherche de Garlon, le frère de Péléan, qui est lui ce chevalier invisible, ce Garlon qui a tué le chevalier qui était sous sa garde avant. Et il lui dit d'interrompre sa quête, parce que s'il continue dessus, il finira par donner un coup qui amènera de la grande tristesse. Et Balin refuse, parce qu'il est, il se sent, disons, attaché à son serment de venger le premier chevalier sous sa protection. Et à nouveau, le chevalier qui l'accompagne est percé par le chevalier invisible. De nouveau, il perd quelqu'un sous sa garde. Et là où, quand on l'enterre, on voit que la pierre tombale, pour une raison curieuse, ça n'a rien à voir avec l'affaire. La pierre tombale de ce chevalier prédit que, de la même façon qu'on avait la prédiction du combat entre Tristan et Lancelot, là, que c'est Gauvain qui tuera Pélinor. Bon, ça, on s'en doutait parce que c'est lui qui a prêté serment, mais c'est une confirmation que ça se passera. C'est assez triste pour ce type qui vient de se faire tuer. Non seulement il meurt, on ne sait pas trop qui il est, puis en plus, sur sa tombe, il y a Merlin qui laisse un post-it qui n'a rien à voir. Voilà, c'est un écuyer qui dit en fait que c'est Merlin qui avait bien écrit ces mots. Et Balin retombe sur une damoiselle. La demoiselle en fait qu'il avait poursuivi avant, qui était le chevalier, la demoiselle du chevalier qui a été tué en premier, hein, le premier chevalier inconnu. Il la suit, en fait ils vont ensemble vers un château, mais quand Balin entre dans le château, devant la demoiselle, il y a une herse qui tombe, et du coup le Balin est piégé dedans, alors que derrière la demoiselle est dehors, et elle est menacée par deux chevaliers. Et ils lui promettent en fait ils lui font promettre de suivre la coutume du château. Et la coutume du château en fait, c'est que elle doit remplir un bassin d'argent avec son sang, mm-hmm, pour soigner la lèpre de la dame du château. Tu sais, quand j'ai lu ça, je trouve que c'est vraiment un bon remaniement pour les gens qui connaissent ce genre d'histoire, parce que ils disent vous devez suivre la coutume du château, puis je me demande ce que ça va être, et ils amènent une écouelle, et j'étais là, oh non, c'est le château que oui. C'est le château où la sœur de Perceval va aussi mourir dans la quête du Graal. En l'occurrence, Balin dit, mais vous pouvez pas faire ça, vous allez mourir si vous donnez tant de sang. Il n'y a que les 12 précédentes qui sont mortes, vous inquiétez pas, tout le monde le fait. Et en fait, finalement, il y a toute une affaire, en fait, ça arrive à s'en sortir. Finalement, elle réussit à se vider de son sang sans mourir, mais... Mais ça ne marche pas, en fait, ça ne guérit pas. Et on nous dit que ce sera la fleur de Perceval, en fait, qui guérira la dame. Donc ils poursuivent leur chemin, ils tombent chez un vavasseur, le premier vavasseur d'aventure, le klaxon vavasseur, dont le fils a été blessé en fait par le chevalier inconnu. Et en fait Balin apprend au vavasseur qui il est en fait, et pourquoi il le poursuit, et le vavasseur en fait dit, ah mais je sais où on peut le trouver, si c'est Garlon, il sera à la cour de Péléan au château Périlleux. Et seul le sang de Garlon, qui est celui qui a blessé le fils du vavasseur, pourra soigner ses blessures. Du coup, ils décident d'aller les trois au château Périlleux, et ils vont entrer pour... c'est la fête, il y a un dîner, mais malheureusement, c'est comme une boîte de nuit où tu dois venir avec tu dois amener une fille avec toi, parce que sinon, ils ne te laissent pas rentrer. Mmh. Et du coup, le vavasseur, qui n'est pas accompagné par une dame, est obligé de rester dehors. Du coup, au festin donné par Péléon, Balin apprend quel chevalier, de quel il s'agit, il regarde Garlon, et en fait, il néglige en fait de se nourrir parce qu'il est tellement absorbé qu'il contemple Garlon, et Garlon se sent insulté parce qu'il dit: ah mais il mange pas la nourriture de mon frère, c'est une insulte sur ma famille. Et du coup il va le gifler et du coup Balin immédiatement sort son épée et lui brise la tête en fait. Et Péléon du coup demande à qu'on lui permette de venger le meurtre de son frère, mais son frère était un salaud visiblement, lui il est plutôt gentil mais il veut quand même venger son meurtre, et il brise en fait la première épée de Balin en faisant ça. Donc le chevalier de Zépin avec une perche de bois d'ailleurs, il dit: non, je vais même pas prendre une arme pour me faire. Oui, il est très mais en fait il y a l'idée Péléon. En fait là il y a quelque chose d'assez intéressant qui est pas explicitement dit dans le texte, c'est que on lui demande de se désarmer en entrant en Balin, et en fait c'est probablement l'idée que qu'on trouve dans la quête du Graal, que le service du Graal on peut pas porter d'épée quand on va faire le service du Graal, et donc le château, il n'y a pas d'armes, et c'est pour ça que Péléon prend une perche en bois pour se battre contre Balin, parce qu'il n'y a pas d'armes, et ça va expliquer aussi l'épisode qui se passe juste ensuite. Ouais, exactement. Donc là, ce que je trouve marrant, c'est le moment où il essaie vraiment de récupérer, on va le voir, Balin est poursuivi à travers tout le château, et en fait il tombe dans une chambre, il cherche une arme en fait pour remplacer Balin, son épée, et il tombe sur une lance qui se tient droite dans un vaisseau d'argent et d'or. Alors on sait pas si le vaisseau en lui-même c'est le Graal ou si il s'agit juste du support de la lance, mais effectivement c'est la sainte lance en fait, c'est la lance de Longin, celle qui a blessé le Christ sur la croix. Et une voix lui dit: ne touchez pas à la lance. Une voix qui lui dit: fais pas ça. Faites pas ça, mauvaise idée. Do it for the vine. Do it for the vine. Et du coup, la lance dit: vibe check. pour être à même plus récent. Et du coup, la lance, malgré tout, il la prend. Et il l'utilise pour en fait la plante dans les cuisses de Péléon. Et donc si vous savez, ah tiens, un roi qui est blessé entre les cuisses, eh bah oui, du coup Péléon c'est le roi blessé, c'est un des rois pêcheurs, si vous voulez, c'est un des cinq rois pêcheurs différents. Oui, c'est là qu'on commence à avoir toute une série de rois pêcheurs. Il était déjà présent, noté dans la Vulgate, où il était le père de Pélès, le roi pêcheur, et donc du coup le grand-père de d'Hélène et l'arrière-grand-père de Galad. Et là, en l'occurrence, c'est un peu plus ambigu parce qu'on ne sait pas exactement quelle est sa relation à Pélès. C'est sous-entendu que Pélès et Pélinor sont ses frères dans cette version-là. Oui, parce que je vous spoil, mais enfin, on révélera que Pélès et Pélinor sont ses frères, puisqu'on est au royaume de l'Istenoise. Hein. Et là, au moment où la lance court dans ses plaies, la voix annonce que les aventures du royaume des aventures ont commencé, et le palais commence à s'effondrer. C'est un peu très Metroid, il doit s'échapper. Le palais tremble, menace de s'écrouler, les murs sont à deux doigts de tomber, les habitants du château tombent par terre ou meurent de peur, il y a des pierres qui tombent dans tous les sens et qui écrasent les gens. Il y a vraiment le château entier, le pays entier est genre bousillé par un tremblement de terre, et tout le monde s'évanouit. C'est très Akira comme ça. Et Balin se réveille et il découvre que son hôte, la demoiselle, tout le monde est mort. Son hôte n'est pas mort, le Vavasseur est mort. Son hôte. Ouais, le Vavasseur qui l'hébergeait avant est mort. L'hôte du festin, Péléon, est encore vivant. En fait, Merlin envoie un moine dans la chambre où se trouvait le Saint Graal pour chercher Péléon et Balin. Et du coup, il mène Balin hors du château, et en sortant, il voit que la demoiselle et le Vavasseur ont été tués. En fait, tout le royaume de l'Istenoise est maintenant en ruine. Et c'est donc l'origine de la Tergast, c'est le fameux coup douloureux dont on vous avait parlé, et c'est la faute de Balin, du coup, qui est un chevalier très ambigu. On avait dit que dans le Lancelot Graal, il y avait genre 3-4 versions différentes du coup douloureux, une dans l'histoire du Saint Graal, une qui concerne Mordrin, une qui concerne. On avait différents rois blessés, etc. Là, par contre, on a une espèce de synthèse, on va essayer de tout mettre ensemble et dire: non, en fait, il y a un seul coup douloureux, le coup douloureux. Voilà. Et les autres, alors il y a quand même les blessures, parce que l'histoire de Saint Graal n'a pas été tant modifiée que ça, mais du coup c'est un peu plus des présages en fait de ce fameux roi blessé. C'est ça, une répétition du coup douloureux, mais qui n'est pas toujours la même. Et là du coup, en repartant, il tombe sur un chevalier qui est un peu triste parce que sa dame n'est pas venue à leur rendez-vous, et du coup il va se suicider. Et Balin, pour essayer d'éviter ça, va essayer d'aller chercher cette demoiselle. Il est mené en fait à un château où il voit cette demoiselle au lit avec un chevalier horriblement laid. Puis il dit: non mais c'est pas possible. Donc du coup puis il dit hey, tu dois venir voir ça. Puis il l'amène voir ça. Alors et puis le chevalier les décapite les deux, et puis ensuite il se tue. J'ai meilleur temps de me barrer parce qu'on va croire. On va croire que c'est moi. Balin est là, j'ai vraiment pas de bol aujourd'hui. Oui, alors Balin est vraiment, fait vraiment. Je me semble que ça doit être probablement une espèce de présage de Gaëriette qui tue sa mère, peut-être. Il doit y avoir un peu avec ça. Enfin, on reverra plus tard, il y a plusieurs incidents où un couple au lit est surpris par quelqu'un qui les voit, en fait. C'est pas seulement dans le Tristan, vous allez voir. Et du coup, la Balin tombe sur un château bien protégé où il y a une croix de pierre qui avertit que les chevaliers errants ne devraient pas approcher le château. Il refuse de revenir en arrière parce qu'il est un peu têtu comme ça. Et là, des dames l'accueillent. Il doit se battre avec le chevalier de la Tour de Lille au milieu de ce château bien protégé. Et le sénéchal lui donne un nouveau bouclier pour se battre. Et une dame dit que, à Balin que le changement de bouclier va amener sa mort et que Dieu, en fait, lui envoie cette mauvaise fortune parce qu'il doit être... En fait, il doit venger les mauvaises actions de Balin au château de Péléan. Et en fait, ça ressemble un peu au château aussi, au duel sur l'île dans Mérogis, en fait. Oui, la tour, ouais. Là, le chevalier est très élégant, le chevalier qui sort de la tour. Il rappelle à Balin, son frère Balan. Tiens donc, évidemment, la bataille est longue. Ils se blessent à mort. Aucun des deux ne gagne, mais ils se blessent à mort. En fait, ils s'entretuent, quoi. Voilà. Et puis, alors qu'ils sont en train de se vider de leur sang, ils disent « Ah, mais dites-moi quand même votre nom !» Puis ils disent « Ah, je suis Balin !» Oh non. Et du coup, ils demandent à être enterrés ensemble. Et Merlin arrive, parce que Merlin, en fait, visiblement, son principal hobby, c'est d'aller écrire sur des pierres tombales. il va écrire sur leur tombe qu'il la tombe abrite Balin, qui a frappé le coup douloureux. Et il enchante un lit sur lequel tout le monde qui dort perd sa mémoire et replace le pommeau de l'épée de Balin. C'est très compliqué. Disant, en fait, c'est une façon de dire que la personne pourra prendre cette épée de Balin jusqu'à ce que Lancelot essaye. Et avec cette épée-là, il tuera Gauvin. Il met l'épée dans une pierre de marbre et il l'envoie dans la mer. Et en fait, petit à petit, cette épée va arriver à la cour d'Arthur où Lancelot l'extraira. Et il revient à la cour d'Arthur qui vient d'adouber Beaudémagu. D'ailleurs, c'est un peu incohérent parce que en fait, le bloc de pierre, c'est celui qui va. En fait, c'est le bloc de pierre que Galahad va enlever pendant la quête. Ouais, donc je sais pas. L'épée, elle est pour Galahad, mais elle ne. C'est assez curieux parce que c'est. Non, en fait, c'est ça. Il y a cette épée de Balin, elle pourrait être empoignée que par Lancelot. Mais ensuite, il fiche apparemment une autre épée dans le bloc de marbre qui va être l'épée de Galahad. Ah, d'où la confusion, effectivement. Voilà. C'est vraiment très compliqué. Hein. Il distribue les épées comme des cigares pas chers. Hop, hop, hop. Ça. Et du coup, quand il revient, Arthur lui demande conseil pour choisir une femme. Alors là, c'est pas très cohérent si vous avez juste lu le Merlin 8, parce qu'il choisit Guenièvre et on se demande d'où vient le fait qu'il connaît Guenièvre comme ça. En fait, il y a toute une histoire dans la partie de la Vulgate qui était exploitée au début, que en fait, il était passé en Carmélide, il avait aperçu ou il avait entendu parler de la grande beauté de Guenièvre sans pouvoir la voir, mais il décide de choisir Guenièvre. Et Merlin dit ouais, t'es sûr que tu veux une femme si belle, parce que ça pourrait te poser des problèmes. Et puis il y a Merlin qui dit d'ailleurs que la beauté à cause de la beauté de Guenièvre, indirectement, Gallo rendra un jour à Arthur toute la terre qu'il aura conquise. Alors, assez indirectement, je veux dire, oui, Gallo le rendra, mais c'est pour l'amitié de Lancelot qui a été retenu par Guenièvre. Enfin, ça lui servira. Donc, en gros, c'est une manière de dire, oui, alors certes, ça causera la ruine du Toriome, mais d'un autre côté, tu pourras récupérer un peu de terre. Qui peut dire si c'est bon ou si c'est mauvais. Du coup, c'est là qu'on va avoir le mariage d'Arthur, où il va demander la main de Guenièvre à Léodagan, qui accepte avec joie et qui lui donne un truc en plus, c'est la table ronde qui, voilà. a été fondée par Merlin pour Uther Pendragon. Et de nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas expliqué dans le texte en lui-même, si vous avez juste lu le Merlin et la suite, mais si vous avez le bout de la Vulgate qui faisait partie du texte à la base, c'est parce que, entre-temps, entre la mort d'Uther et le couronnement d'Arthur, il y avait eu des troubles, et du coup, les chevaliers étaient partis de Camelot, et c'était allé, la table ronde avait été rétablie en Carmélide chez Léodagan, et du coup, elle revient. Le roi demande à Arthur de choisir des chevaliers pour remplir les tables manquantes de la table ronde, les places manquantes, parce qu'il y en a 150, mais il n'y avait que 100 chevaliers qui étaient chez Léodagan, et il choisit 48 chevaliers, et précise qu'il reste encore le siège périlleux, qui sera pris par un chevalier qui n'a pas encore 2 ans, il a même un peu moins de 2 ans parce qu'il n'a pas été conçu, mais bon, voilà. L'archevêque de Canterbury blénit les sièges de la table, et à ce moment-là, les noms de chaque chevalier qui doit être sur la table apparaît sur les sièges. Et on va voir que ça va être en fait une indication directe, parce que quand un chevalier meurt, son nom disparaît automatiquement. Arthur, donc, le jour de maintenir la table ronde, et Arthur accepte d'adober Gauvin, qui n'est pas encore un chevalier de la table ronde, il deviendra après, et il veut que Arthur le fasse chevalier le jour où il épouse Guenièvre. Et en même temps, un paysan qui arrive avec son chevalier, son fils, veut que Arthur adoube son fils, qui est paysan donc aussi, hein, qui s'appelle Thor. Et puis ça c'est un passage un peu justement très darwinisme social, mais bah justement pas darwinisme où justement Arthur on dit Arthur le regarde et dit ce sera un excellent chevalier et il doit probablement être fils de roi, genre littéralement il le voit phrénologiquement que c'est un fils de roi, et il accuse à moitié Arès d'avoir menti, genre il dit mais ça peut pas être un paysan parce que pourquoi un paysan voudrait être adoubé, il aurait pas en lui-même l'instinct de vouloir être chevalier, donc ça doit être un fils de roi, et évidemment il a raison, en fait c'est un fils de Pélinor. J'ai le gène du chevalier. Et donc c'est Pélinor qui va aussi être élu à la table ronde d'ailleurs. Parce que vous savez, il y avait 48 chevaliers qui ont été nommés, c'était une place à le siège périlleux. Le dernier c'est Pélinor évidemment, et c'est là que Gauvin et Gariette qui est son écuyer maintenant que Gauvin a été fait chevalier vont commencer à mettre leur plan à exécution, mais ça va pas être avant un moment que Pélinor sera tué. Là, il y a une section qu'on pourrait appeler les aventures de Gauvin, Thor et Pélinor, justement, genre les trois qui viennent d'être adoubés. Enfin, deux qui viennent d'être adoubés plus un qui vient d'être reçu à la table ronde, qui vont justement ce que Merlin décrit comme étant la première aventure qui s'abat à la table ronde, c'est un cerf blanc qui débarque dans la salle, qui court dans toute la salle, tous les gens se demandent ce que c'est. Il y a un chien qui vient ensuite, puis après il y a une demoiselle avec 30 meutes de chiens. Un des chevaliers assis à table s'empare du chien, le premier, le braque, il monte à cheval et il s'enfuit. Donc il y a un chevalier qui vole le chien de la dame. Merlin demande à Gauvin de poursuivre le cerf blanc, à Thor de rattraper le chevalier, et puis ensuite il y a un autre chevalier à cheval qui arrive et qui emporte la demoiselle, et Merlin dit bon bah Pélinor, vous allez chercher la demoiselle. Donc il y a, comme je l'ai dit, Gauvin va devoir trouver le cerf blanc, Thor va trouver le chevalier qui a volé le chien, et Merlin Pélinor devra trouver la demoiselle elle-même. La demoiselle en fait c'est Vivienne ou Nivienne, la dame du lac en fait, la demoiselle chasseresse. Qui est habillée comme une chasseresse effectivement. Qui est habillée comme une chasseresse. Alors là je peux peut-être parler un peu. Bon, son personnage sera introduit un peu plus en détail après. L'aventure est assez marrante dans le sens où c'est vraiment l'aventure qui inaugure les aventures de la table ronde. Parce que la table ronde vient d'être établie en compagnie d'Arthur et que Merlin dit justement. Essayer de parler des règles, et il dit, Arthur dit basiquement, ouf, c'est pas évident ça, puis Merlin lui dit, t'as intérêt à t'y habituer parce que ça va se produire tout le temps. Il faut toujours avoir des règles. Et c'est là aussi qu'arrive, en fait, il me semble, c'est là aussi qu'arrive la règle selon quoi il faudra toujours attendre qu'une merveille se passe. Il faudra toujours attendre. Sauf cas de force majeure, donc genre, s'il y a une guerre, on peut quand même manger. On a besoin d'attendre une merveille, mais en général, à une grande cour, il faudra attendre qu'il y ait toujours un grand repas avant la. Avant le début du. Enfin, une quête avant le début d'un grand repas. Gauvin va donc poursuivre le cerf avec son écuyer Gariette. Ils vont tomber dans une forteresse où le cerf est entré. Et là, les chiens de la forteresse, les chiens qui poursuivaient le cerf, tuent le cerf. Ils finalement le rattrapent. Et un chevalier commence à tuer les chiens, un chevalier de la forteresse. Donc. Alors Gauvin commence à s'énerver justement parce qu'il dit mais vous êtes en train de tuer mes chiens, etc. C'est John Wick, c'était la blague que j'avais fait. Oui, c'est exactement. Et puis Gauvin se jette sur lui, puis là va avoir le vrai problème de cette aventure, c'est qu'il y a une demoiselle qui va essayer de s'interposer. Et le coup de l'épée de Gauvin était déjà parti, donc Gauvin tue cette demoiselle sans le vouloir. Quatre autres chevaliers viennent attaquer Gauvin, il se défend mais il est atteint par une flèche empoisonnée. La dame du château demande à ce qu'on l'épargne. Mais elle veut qu'il se rende à la cour d'Arthur avec le corps de la demoiselle comme une espèce de pénitence. Et en fait, il doit soumettre à la pénitence que les dames de la cour vont lui soumettre. Donc les dames vont être. Il revient à la cour, les dames de la cour se réunissent dans une espèce de parlement. Gauvin raconte tout et elles lui disent à partir de maintenant, tu dois promettre de ne plus jamais faire de mal aux demoiselles et de leur porter secours toutes les fois qu'elles te le demanderont. Et c'est pour ça, Gauvin tient si bien sa promesse qu'il fut surnommé le chevalier aux demoiselles. Et il va aussi donner toujours la merci à ceux qui le demandent. Et il va aussi. C'est là aussi qu'on établit la coutume de décrire toutes les aventures de tous les chevaliers, avec toute une meute de scribes qui est prescrite pour ça. C'est intéressant parce que Gauvin est présenté sous un angle très négatif au début, puis après, bon, on le présente sous un angle un peu bon, ok, on met une sous-règle pour, comme quoi maintenant il est bon, mais Gauvin va garder un caractère vraiment très pas très positif en fait. C'est vraiment, je trouve vraiment que c'est là qu'on commence à voir Gauvin sous un angle plus négatif qu'avant. Et puis, en l'occurrence, la dame qui tue, c'était aussi. Ben là, c'était accidentel. C'était pas une dame qui l'avait voulu tuer ou à qui il avait voulu faire du mal. Elle s'était interposée. Donc c'est un peu. Il y a aussi quelque chose d'ironique ou que ce soit même pas. Enfin, c'est un méfait un peu. Oui, il va faire pire après, disons. On verra. Mais disons, en tout cas, par rapport aux demoiselles, il va être plus ou moins innocent jusque-là. De son côté, Thor poursuit le brachet, le braque qui en fait qui a été enlevé par un chevalier qui s'appelle Abelin apparemment. Abelin est vaincu, donc ça va assez vite. Il refuse de demander grâce, demander la pitié. Il y a une demoiselle qui survient et qui demande la tête d'Abelin. Abelin commence à supplier Thor de pas écouter la demoiselle et il finit par décider de se rendre à ce moment-là. Mais c'est trop tard et Thor lui tranche la tête. Alors on comprend pas très bien ce qu'il voulait parce qu'il dit vas-y tue-moi, puis il y a la demoiselle qui vient qui dit oui tue-le, donne-moi sa tête, puis là non ne me tue pas. Enfin, Thor rentre à la cour avec le chien, il raconte, on lui demande de prêter serment de dire la vérité, il raconte son aventure. Oui c'est ça, ils doivent jurer de dire je vais te dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Et puis justement Merlin révèle à Arthur que Thor est le fils de Pélinor et il envoie chercher sa mère. Il va y avoir un petit révélation après et il reste plus que les aventures justement de Pélinor qui est le père de Thor. Et là, une dame, en fait, arrive, en chemin, Pélinor va chercher la demoiselle, il tombe sur une dame qui est auprès de son amant blessé, et lui demande son assistante, et elle lui reproche de ne pas l'avoir aidée, et, parce qu'il part sans l'écouter, et elle se tue, du coup, sur le corps de son ami. Le chevalier qui a, disons, kidnappé la demoiselle, la dame du lac, donc, Ninienne, est en train de se battre avec son cousin Germain pour l'avoir. Pélinor demande à reprendre la dame pour l'amener à Camelot. Les chevaliers refusent et décident de s'allier temporairement pour se battre contre Pélinor. C'est un motif très récurrent, c'est deux chevaliers qui s'aiment pas ou qui se battent pour quelque chose. Un chevalier de table ronde arrive pour le reprendre, puis du coup ils décident bon, on va s'allier contre lui. Pélinor tue un des deux chevaliers, puis l'autre finalement accepte de lui rendre la demoiselle. Là, dame et Pélinor, en revenant vers Camelot, entendent deux chevaliers parler d'empoisonner Arthur. Et c'est très drôle, ils disent voilà, c'est bon, Merlin a le don de. Merlin sait tout et voit tout, donc il va probablement l'en empêcher. Et on n'a pas confirmation de ça, donc probablement que ça s'est effectivement passé. Mais... Il tombe sur en fait la dame qui s'était tuée au-dessus du cadavre de son ami et que Pélinor avait ignoré. Et il voit que des bêtes sauvages ont mangé l'essentiel de son corps et qu'il ne reste plus du coup que ses os. Il ne reste plus que sa tête qui est posée sur. Ouais, c'est ça. Et du coup, Pélinor fait enterrer l'amant et il prend la tête de la demoiselle pour l'amener à Camelot où il raconte l'aventure. Pélinor demande quelle est l'identité de cette demoiselle morte, si quelqu'un sait, et Merlin lui rappelle qu'un fou lui avait une fois dit que le fils d'un roi qui a été tué enlèverait sa couronne et que les lions mangeraient sa chair l'année où il deviendrait le vassal d'un autre homme. Et du coup, il avait dit que la dame qu'il avait ignorée avait, disons, fait vœu que son destin à elle, il le subirait aussi, donc que les bêtes mangeraient son corps à lui comme il mangerait son corps à elle. Merlin fait appeler la mère de Thor, donc la femme du paysan, et elle lui demande qui avait conçu Thor, puis elle finalement admet qu'elle avait été violée par un chevalier qu'elle ne peut pas identifier, mais en donnant des détails, il peut identifier Pélinor comme celui qui l'avait vraiment... Et bien là, tout le monde se réjouit, genre « Ouais, elle a été violée !» Ce qui était rigolo aussi, c'est qu'il y a une démonstration d'allégresse alors qu'elle est là, genre ouais, il m'a violé. Ouais, peut-être pas. Du coup, ce qui est très rigolo, c'est que Thor, qui avait été. On lui avait donné le nom en fait de Thor fils d'Arès, parce que c'était son seul nom en fait quand il a été adopté chevalier, mais il reste Thor fils d'Arès en fait. Mm-hmm. Même si on sait que c'est Pélinor son père, et il garde le nom de son père adoptif. Donc ça clôt la première aventure vraiment de la table ronde avec la demoiselle chasseresse qui justement est Ninienne. Qui va accepter de rester quelques temps à la cour. On dit qu'elle vient de Petite-Bretagne, ce qui est logique parce que c'est plus tard elle qui va élever Lancelot, donc oui. Elle est proximité géographique. La forêt de Procéliande et tout ça. On avertit aussi que Arthur, c'est là aussi que Arthur apprend que la damoiselle, par Merlin évidemment, que la damoiselle morte, mangée par les bêtes, était en fait la fille de Pélinor, enfin une des filles de Pélinor, parce que visiblement il a encore une fille, la sœur de Perceval. Elle a déjà la sœur de Perceval, hein, mais on s'entend. Et le chevalier était aussi son cousin en fait. Du coup il dit à Arthur qu'après 12 ans Pélinor mourra au moment où Thor comme lui il a ignoré les cris de sa fille, Pélinor ignorera les cris de son fils et Arthur apprend, disons, décide de cacher ce secret là de Pélinor et apprend aussi que son propre fils est encore en vie. Mordred, c'est vrai, il demande à Merlin plusieurs fois est-ce qu'on pourrait pas empêcher ça, et Merlin répond plusieurs fois. Basiquement, il dit plusieurs fois « je perdrai mon âme ». Genre, il dit « il y a peut-être moyen de le faire, mais j'y perdrai mon âme, ce serait une trop grande transgression ». Et surtout, justement, c'est à ce moment-là qu'il dit à Arthur « tu peux pas empêcher ça, pas plus que t'as pu empêcher, que t'as pu tuer justement ton enfant maudit, là, il est encore en vie ». Et c'est là que donc on va avoir un petit passage sur justement cette demoiselle chasseresse. Alors il faut mentionner qu'elle est habillée d'une robe verte, elle a un corps en ivoire, elle a un arc et des flèches, donc vraiment elle va être rapprochée d'ailleurs du personnage de Diane, qui est quand même relativement bien connue au Moyen-Âge. Et Merlin tombe immédiatement amoureux d'elle, ben voilà, parce que voilà, il tombe amoureux de toutes les dames qui veulent apprendre des enchantements. Il l'initie à l'art justement de la magie et des enchantements, et elle ne l'aime pas. Elle n'aime pas Merlin, elle le craint, notamment à cause de sa nature démoniaque, parce que c'est un enfant de démon, donc elle ne lui fait pas confiance, mais elle apprend de ses enchantements, et elle accepte qu'il l'accompagne en Petite-Bretagne, où ils vont au château de Trèbes, où ils sont accueillis par Hélène, qui sera l'épouse de Ban, et qui leur montre le petit Lancelot, qui a genre un an à ce moment-là. Et du coup, Merlin prédit que Lancelot sera l'un des plus grands chevaliers, et prédit la future défaite de l'ennemi de Ban, de Bénoïc, Clodas. On verra que Clodas est... On verra ça dans la folie Lancelot. Précision, ils vont en Bretagne parce que Ninian a été rappelé par son père, le roi de Northumberland, comme je vous le dis, Northumberland sur le continent. Le petit Northumberland. Le petit Northumberland. Là, ils tombent sur le lac de Diane, qui se trouve donc du coup visiblement en Petite-Bretagne, et la tombe de Faunus. En fait, il raconte l'histoire de Faunus, donc l'amant de Diane, et on dit que Diane vivait à l'époque de, je sais plus quel personnage romain on dit à l'époque de, je sais plus, dit à l'époque de Virgile, je crois. Oui. C'est une façon de le voir, et comme une numérisation assez standard. Et du coup, il raconte que elle était amant, que Faunus aimait Diane, mais que Faunus est tombé amoureuse de Félix. Du coup, elle a tué Faunus. Et du coup, Félix, en représailles, parce qu'il sait qu'elle était maléfique, a coupé sa tête à elle et a jeté son corps dans le lac. Et du coup, Ninian, pas du tout suspect, Ninian dit « Oh, j'aimerais bien avoir une maison ici ». Et Ninian se fait construire une maison par Merlin, qu'il la cache par magie en la faisant apparaître comme partie du lac, en fait, un peu comme le pont caché qui permettait à la dame de récupérer l'épée Excalibur dans le lac. Il crée un beau manoir invisible. Et Ninian, en fait, enchante Merlin, en fait, en l'empêchant de lire ses pensées. Donc, du coup, lui, il ne sait pas qu'elle le déteste. Il est toujours très, amoureux, comme Ornion Main. Refuse vraiment toujours ses avances. Il la convoite. Alors, il faut dire une chose, c'est que Ninian, dès qu'elle est introduite, on dit qu'elle n'a pas d'amis ni de mari. Et que quand on lui propose l'idée d'avoir un amant ou un mari, elle rigole, en fait. Ça la fait rire. Ça ne l'intéresse pas du tout. Elle aime tellement la chasse, en fait, qu'elle ne fait rien d'autre. D'où ce lien avec Diane. Et quand Merlin, par contre, lui, il essaie de convoiter son pucelage. Alors, on nous dit qu'il fait rien, genre, il fait pas des avances plus agressives que ça, mais elle se rend bien compte qu'il convoite son pucelage, ça la dégoûte un peu. Et justement, elle l'enchante, et il y a l'idée, en fait, il y a deux idées qui se chevauchent. C'est l'idée que Nivienne l'enchante, et que c'est pour ça que Merlin ne va pas voir sa propre fin. Il a le pressentiment, ils vont retourner au royaume. Il connaît à peu près sa fin, mais à mesure que l'histoire avance, il a de plus en plus de mal à voir le futur, en fait. Et c'est peut-être dû soit à ses enchantements, soit simplement parce que sa mort s'approche. Et en fait, elle voudrait revenir en Bretagne parce qu'elle veut se débarrasser de lui là-bas, mais lui, il sent que ça va pas être bon pour lui, donc il refuse d'abord. Mais en fait, elle va, et puis il voit pas exactement ce qui se passe. Mais en fait, elle le convainc de retourner à Camelot parce que Morgane est en train de préparer un complot contre Arthur pour échanger de nouveau son épée et son baudrier, enfin son fourreau. Et du coup, ils vont à travers la forêt périlleuse vers la Bretagne. Alors Merlin brise un enchantement où il y avait deux trônes avec des harpistes dessus qui essayaient de... Des enchanteurs qui arrivaient à immobiliser les gens avec leur harpe, en fait. Et il arrive à les vaincre et il les balance dans des tombes, dans des espèces de fossés en feu. Et il dit que ce feu ne s'éteindra que quand Arthur est mort. Il précise aussi justement qu'il a fait ça parce qu'il se rend compte, il réalise que sa mort est prochaine. Et donc il a fait ça pour que les gens se rappellent de lui et de sa puissance de magicien. Oui, toute cette partie-là avait été éditée sous le titre Les enchantements de la Bretagne en tant que fragment. Y a une vision, disons, que ce bout-là est particulier. C'est là que les rois du Danemark, d'Irlande, de la vallée du Val, de Sorelois et de l'île des îles lointaines envahissent la terre d'Arthur, le prennent par surprise. Ils sont obligés d'aller se réfugier de l'autre côté de l'Imbert, et ils ont donc y a toute une histoire de où dont les ennemis essaient de traverser un gué car que Guenièvre leur montre, et Guenièvre en fait réussit à leur montrer une façon de s'échapper du gué, et il est nommé le guet de la reine, alors que l'armée ennemie peut pas traverser et se noie, du coup. Les chevaliers de l'ogre arrivent à leur secours, ils vainquent les ennemis d'Arthur, et Arthur construit une abbaye qu'il nomme l'abbaye de Bonaventure. Dans toute l'histoire, il y a toute une série de chevaliers qui sont morts, il y a 8 chevaliers qui sont morts. Quand ils sont de retour à Camelot, on demande à Pélinor de nommer 8 chevaliers pour les remplacer. Et du coup, Pélinor choisit Gauvin, Guirflay, Urien, Lar, donc le père de Derek, Hervieux Drivel, donc Hervé Drinel, Galigar le Rouge, et il reste un choix, et ce sera soit Thor, soit Beaudemagu. Et alors lui, Pélinor, il dit, bon, vous savez, je peux pas être impartial parce que Thor, c'est mon fils, mais il dit, moi, je prendrais Thor, mais sinon Beaudemagu. Et Arthur dit, vous avez raison, Thor est meilleur, et il le choisit. Et là, il y a Beaudemagu qui a une crise existentielle parce qu'il se dit, Thor est plus jeune que moi, il est déjà admis à la table ronde. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai gâché ma vie. Et du coup, il part en quête d'aventure et il dit qu'il ne reviendra jamais avant d'avoir vaincu un chevalier de la table ronde. Et là, on a un passage, justement, l'auteur dit « Je ne raconte pas ces aventures parce que c'est déjà raconté. Élie de Boron les a déjà racontées dans la branche du Bray, le conte du Bray, qui est le récit du cri. » Et tout ce qui implique Beaudemagus semble lié à ce récit du cri. Alors, est-ce que ce récit du cri a vraiment existé? Est-ce qu'il y avait vraiment un... Ça a l'air cohérent. Disons, c'est des références qui sont un peu plus cohérentes que les habituelles. Oui, j'ai une source cachée. Surtout que là, c'est pour pas raconter des histoires. Donc, ça me laisse penser que ça existe. Oui, c'est ça. C'est comme les références au grand livre de Lancelot quand on évince des bouts de Lancelot. C'est là qu'intervient du coup l'affaire du complot. Le complot de Bis. Le complot de Bis. Effectivement, Morgan va mettre son complot à exécution. Alors, pendant qu'Arthur et Pélinor regrettent le départ de Beaudemagu, bon, Beaudemagu va l'avoir pas trop mal, hein, il va finir roi de Gore quand même. Hein. Il va pas mal s'en sortir. Mais pendant une chasse au cerf, Arthur, Urien et Accalon, donc l'amant de Morgan, tombent sur une rivière. Où ils tombent sur le cerf qu'ils poursuivent, comme Urien l'avait prédit. Et là, ils voient une espèce un bateau, un esquif qui arrive, couvert de soie rouge. Et là, il y a 12 dames dedans qui invitent les 3 chevaliers à être leurs hôtes pour la nuit. Et le lendemain matin, ils dorment dans le bateau qui est très bien aménagé. Mais le lendemain matin, Urien se réveille à Camelot dans les bras de Morgan, donc sa femme. Arthur se réveille dans une chambre sombre où il y a 20 chevaliers qui sont emprisonnés, et Accalon se retrouve dans une clairière près d'une tour. Accalon maudit les femmes, il dit « Je n'aiderai plus jamais une femme de ma vie, je les déshonorerai, elles m'ont trahi. » Et là, il y a un nain qui amène les paroles de Morgane à Accalon. Elle lui avait promis qu'il combattrait un chevalier, et il lui donne Excalibur et le fourreau qu'elle a subtilisé à Arthur. Et le peuple de la tour, en fait, près de laquelle il est arrivé, lui le remercie pour leur aide parce qu'il il va les aider. Arthur, lui, est dans la tour de l'embuscade, la tour de l'embûche, je ne sais pas comment c'est en français, la Tower of Ambush dans la traduction anglaise. Mm-hmm. Et là, le seigneur de la tour, Domas, en fait, espère qu'il va trouver un chevalier en emprisonnant les chevaliers d'Arthur pour se battre contre son propre frère parce qu'ils ont une espèce de rivalité. Et Arthur promet de se battre en échange pour sa liberté et celle des autres prisonniers. En fait, les chevaliers, au début, il y avait quelques-uns qui avaient voulu se battre, après ils avaient renoncé, enfin, c'est toute une histoire. Mais ils décident finalement de se battre pour libérer ces anciens hommes. Et c'est là, on est en chemin, que va intervenir le moment de la mort de Merlin, en fait, alors que le combat n'a pas encore eu lieu. Donc là, on a une espèce... Voilà, c'est ce passage qui pose un peu problème, je trouve, en termes de chronologie, où justement, on saute entre l'histoire, justement, de... C'est même assez moderne, finalement, cette espèce de montage, si on veut, entre... On passe du combat d'Arthur et d'Accalon, donc on a la montée de la tension, Arthur est emprisonné, et en prison, loin de ses hommes, loin de tout soutien, Accalon reçoit Excalibur, donc les enjeux augmentent. Ensuite, on passe à Merlin et Morgane qui sont en chemin pour les aider. Et puis, c'est là, justement, que Merlin et Viviane, pardon, pour les aider. Et puis, justement, il montre à la demoiselle du lac, Ninienne, une chambre somptueuse où deux amants ont vécu ensemble loin du monde. Donc, c'est ce thème un peu tristanien des deux amants qui vivaient dans une espèce de grotte, c'est des espèces de cavernes. Et la nuit, la demoiselle du lac endort Merlin par enchantement. Et donc, quand il est endormi, elle le montre à ses gens qui l'accompagnent. Elle fait regarder l'enchanteur qui enchantait tout le monde. Le voilà enchanté à son tour. Elle le prend, elle soulève la dalle de la tombe qui est énorme, et où il y a les deux amants qui reposent. Elle l'envoie, elle jette Merlin dedans, et elle scelle ensuite la dalle par des paroles magiques, si bien que personne ne vit plus jamais Merlin, mort ou vif, jusqu'à ce qu'elle revienne. Alors là, il y a une annonce qui n'est pas révélée, où on dit qu'elle revient à la prière de Tristan. Donc Tristan, apparemment, aurait voulu faire ouvrir la tombe pour voir Merlin, peut-être. Mais 4 jours plus tard, Beaudemagus parla à Merlin, qui était encore vivant dans la tombe, alors qu'il tentait de soulever la dalle. Merlin lui dit que ça ne sert à rien, et que personne, hormis celle qu'il y avait mis, ne pourrait ouvrir la tombe. Et de nouveau, Cette aventure c'est relatée. C'est un flash forward, ça. Hein. C'est un flash forward. Et il dit cette aventure est relatée dans le conte du Bray de Maître Élie. Le cri dont parle Élie est le dernier cri que jeta Merlin. Donc le Bray, le, vous savez comment on dit. Le Braiment. Le Braiment, les ânes qui braient. C'est que quand Merlin a été jeté là-dedans, on nous dit que c'est le dernier cri qu'il a jeté et qui fut entendu dans tout le royaume et qui provoqua maints événements extraordinaires. Donc là, ça laisse penser justement que Baudemagus va revenir après, justement, parce que Merlin va lui dire quelque chose que lui, il va dire à la cour. Mais là, on a une annonce. Une espèce de flash-forward qui pose un peu problème dans la chronologie. Là, en ce moment, Arthur est à quel on se prépare à se battre. Morgane donne à Arthur l'épée contrefaite qu'elle a fait fabriquer. Et en se battant ensemble, bah, évidemment, Accalon, qui a Excalibur, parvient à gagner, à briser l'épée d'Arthur. Et Arthur est à sa merci. Sauf que là, la Dame du Lac arrive, jette un sort qui arrête Accalon suffisamment longtemps pour que le roi puisse prendre Excalibur et son baudrier. Et la bataille, en fait, tourne visiblement immédiatement à son avantage. Et c'est là, en fait, que Accalon va refuser de se rendre, Arthur se prépare à le tuer, demande son nom, ils disent leur nom, et du coup Accalon révèle la trahison de Morgane et sa haine pour Arthur, et du coup Arthur jurer vengeance sur elle. En fait, c'est un peu l'inverse de ce qui s'était passé avec le premier amant. La première fois où le premier amant avait essayé de croyait qu'il s'était fait avoir, et puis finalement Arthur l'avait tué, c'est lui qui avait porté la faute. Du coup, les deux frères qui étaient en train de se battre, Arthur et Accalon, arrivent à les réconcilier finalement, et ils se réconcilient parce que leur peuple en a marre de la bataille. Puis aussi, les gens réalisent que, oh merde, c'est le roi Arthur. Genre, ils réalisent que celui qui est en train de se vider de son sang et qui est tailladé au milieu du combat, c'est le roi Arthur, et que c'était pas vraiment ce qui était censé se produire. Du coup, les deux hommes blessés, ils ont quand même été bien blessés avec toute la bataille, malgré le fourreau d'Arthur. Il y a des nonnes qui s'occupent d'eux, mais Accalon meurt de ses blessures, et du coup, Arthur fait envoyer le corps dans une litière à Camelot pour le présenter à Morgane avec toute une série de menaces contre elle. Ouais, c'est assez menaçant. Justement, quand Arthur s'était emparé du fourreau d'Excalibur, c'est à ce moment-là qu'Accalon s'était remis à saigner. Donc c'est là qu'on se pose question de est-ce que ça guérit les plaies ou pas. C'est aussi peut-être pour ça qu'il est mort, en fait, et qu'Arthur a pu survivre. Urien, pendant ce temps, on l'avait vu, il était dans le lit avec Morgane. Morgane décide de le tuer. Et donc envoie un servant pour chercher une épée, mais Yvain, qui dormait à proximité, leur fils donc, entend le plan et empêche le meurtre, et elle demande à Yvain de le pardonner parce qu'elle dit « Ah, je suis sous le pouvoir du diable !» Et du coup, Urien se réveille, et Morgane feint de s'inquiéter d'Arthur. Elle envoie Urien chercher Arthur, mais il ne trouve pas de traces du bateau dans lequel ils l'ont vu pour la dernière fois, donc ce fameux bateau avec les 12 demoiselles. Le corps d'Accalon en tout cas arrive à Camelot. Morgane comprend ce qui est arrivé, elle fuit. Elle doit trouver un prétexte pour s'enfuir. Elle dit « Je dois partir pour aucune raison. » Puis elle voilà. Pareil toute sa suite. En chemin vers elle passe par l'abbaye où Arthur est en train de se reposer. Elle parvient à voler le fourreau et à le lancer dans un lac. Donc le fourreau va être perdu pour toujours. Et Arthur, qui s'est rendu compte de ça, le poursuit. Mais à un moment donné, elle arrive à se tourner, elle et son escorte, en pierre. Et donc, du coup, Arthur croit qu'ils ont été figés par une magie. Donc, du coup, il se dit, bon, bah voilà, bien fait pour eux, ils vont mourir, ils sont morts maintenant. Ouais, et il s'en va. Il croit même que c'est Dieu qui les a punis, en fait. Il se dit, finalement, le monde en a eu marre de ses maléfices, et puis ça s'est retourné contre elle. Et puis, du coup, il s'en va, et puis elle reprend, ils reprennent leur forme normale. Morgane, du coup, parvient à fuir. Alors, elle sauve un homme nommé Manassès de Gaulle. Bon, il y a une petite aventure. Elle parvient à avertir, elle menace Arthur, elle lui envoie une lettre très you'll never get me alive, copper. Non, c'est ça, elle envoie le message à Manassès, elle lui dit à Arthur que je suis toujours vivante et puis que, en fait, j'ai pas été chanté. C'est grâce à Lignane que tu étais protégé. Ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'elle précise que justement ces enchantements sont contrés par ceux de Ninienne. Donc c'est là qu'on commence à avoir l'idée d'une espèce d'opposition entre Viviane et Morgane, où il y a la bonne fée et la méchante fée, où Morgane dit qu'elle n'arrive pas à opérer de magie directement sur Arthur ou dans le royaume de l'ogre à cause de ce qu'il est protégé par Viviane et Edith. Elle dit « Ah, cette satanée chasseresse, elle m'empêche d'agir mes pouvoirs. » Et du coup, elle s'en revient vers Garlo, en fait, donc la terre dont elle est la dame, enfin, c'est la terre du rien, quoi. Là, on dit qu'il y a une tombe dans laquelle le récit de la mort d'Arthur et Gauvin est inscrit. Donc c'est méta, c'est la mort le roi Arthur qui est genre juste dans la tombe. Il y a des épisodes qui vont se passer là, notamment Gauvin et Hector sont presque tués par Lancelot quand ils s'en approchent. Et puis je crois que ça revient à cette idée aussi qu'il y avait, la lance avec laquelle Mordred allait tuer Arthur, qui est un épisode assez similaire du de la préparation à la quête. Tu dis que le fourreau est perdu, mais en fait le texte mentionne que la fée Marsic donna le fourreau à Gauvin pour combattre l'enchanteur Mabon. Oui, alors, il y a juste un événement, effectivement, il est bénéficié du fourreau. Une fois, le fourreau va ressurgir, mais bon... Après, il va être perdu de nouveau. Sur ces entrefaites, je pense qu'on va avoir la dernière partie, en fait, de la vraie dernière partie de ce qu'on peut appeler la continuation telle qu'on l'a maintenant, va commencer là. C'est dont la moitié, en fait, le texte des manuscrits, on vous l'a dit, s'interrompt à la moitié de ces aventures qui vont arriver, et elles sont complétées par l'édition donc, des aventures de Gauvin, de Divin et du Morolt. On vous en parlera juste après une nouvelle petite pause musicale, je pense. Oui. Que tu veux nous faire écouter, Laïs? Je voulais vous faire écouter une chanson de Jason Weebly qui s'appelle Pyramid, qui parle du fait d'être enfermé dans une tombe. Je trouve que ça colle bien avec l'histoire de Merlin. En fait, elle est inspirée parce que dans sa ville natale, je crois qu'il y avait une espèce de famille de patrons, un peu la grande famille de la ville, ils avaient un mausolée en forme de pyramide, et cette chanson lui a été inspirée par le fait qu'il se demandait qu'est-ce que ça ferait en fait de faire partie de cette grande famille, ou quoi qu'il vous arrive dans la vie, quand vous mourrez, on ramène vos cendres et on vous met dans la pyramide et on rajoute votre nom dessus. Donc Jason Weebly, Pyramid. What is coming down the strip? You've been watching so much longer now than I. Do you know, Margaret, just what will this day deliver? Does it work out tooth for tooth and eye for eye? You started stacking up the storms the very day that you were born. No matter how you grew, tower above you could change your name, move all the way to sunny California. But when you start your life anew, does that long shadow follow you? Who was it, Margaret, that chose to resurrect you here for me in scattered lines of poetry? This distant, wistful girl I see reflected in your eyes. Forgive me, Margaret, all the ways I am mistaken, all the liberties I've taken. I've projected you in costumes I don't think were quite your size. Now here I'm climbing up these stones 100 years from where you were born, looking for a song. Past your home in Burbank, California. You were not inside. You found a better place to hide. And tell me, Margaret, when I'm gone, what will I want? To be left at the bottom of a garbage bin, dusted off and pulled up onto stage. Will it please me when someone lights a candle and says my name? Will I say, leave me in my pyramid, blow out the flame and close the lid? This story's done, why can't we turn the page? The bottom of a garbage bin, at the bottom of a garbage bin, the bottom of a garbage bin, at the bottom of a garbage bin, at the bottom of the garbage bin. At the bottom of the garbage bin. At the bottom of the garbage bin. Leave me in my pyramid. Just leave me in my pyramid. Will it please me when someone lights a candle and says mine? Will it please me when someone lights a candle and says mine? Alors c'était Pyramide de Jason Whibley, et maintenant on va revenir pour vous parler des aventures qui suivent justement cette déclaration de conflit ouvert entre Morgan et Arthur. Ce qui se passe, c'est qu'à cause de la trahison de Morgan, Arthur décide de bannir Yvain. Il dit c'est son fils, il est, tu es, je veux même pas te voir, tu es maléfique comme elle, etc. Et y a, c'est un de ces trucs que Arthur fait et que les gens osent pas vraiment protester contre, mais tout le monde est d'accord que c'est pas une bonne idée. Parce que il a quand même aidé à sauver son père, enfin il est clairement pas du côté de sa mère, mais enfin bon. Donc il se fait bannir, Gauvin décide d'accompagner Yvain parce qu'il dit allons ensemble vivre des aventures chevaleresques. Ils arrivent dans un bois où il y a des dames qui détestent le Morholt, parce que le Morholt c'est un bon chevalier, mais il traite très mal les femmes en fait, et du coup les femmes le détestent, et du coup elles sont en train de cracher sur son écu, et quand le Morholt arrive elles s'enfuient dans tous les sens. Et puis donc si vous n'avez pas suivi, le Morholt c'est l'oncle d'Isolde, c'est le chevalier qui vient chercher le chevalier géant qui vient chercher le tribut de Cornouailles, mm-hmm. et qui dont la défaite aux mains de Tristan ouvre un peu les histoires de Tristan et d'Iseu. Et régulièrement, ce qui, dans ce canon qui se constitue, c'est un des meilleurs chevaliers du monde aussi, jusqu'à ce que typiquement Tristan prend son siège à la table ronde. Ouais, en fait, le Morholt du coup se bat contre Yvain, le vainc. Ensuite, il se bat contre Gauvin. La bataille dure toute la journée. Et en fait, là, on a de nouveau un de ces épisodes où Gauvin voit sa force augmenter avec la montée du soleil. À l'heure de midi, il a une force plus grande. Et on nous explique qu'en fait, grâce à ça, il a vaincu tous les chevaliers contre qui s'est battu, sauf 6, Lancelot, évidemment, Morholt, qui n'a pas pu vaincre, Tristan, parce que Tristan, on sait que c'est un des hommes chevaliers, Hector, le frère de Lancelot, Bor, leur cousin, et Gaëriette, c'est son propre frère. Et du coup, la bataille là, en l'occurrence, se termine par une trêve, et Yvain, Gauvin et le Morholt décident de faire leurs aventures ensemble, parce que finalement, ils s'entendent pas plus mal. Et là, dans la forêt d'Arwë, ils tombent à la source des aventures sur 3 demoiselles qui sont chacune associées avec une aventure différente. Et du coup, Yvain, qui est un peu le plus courtois des 3, parce que Gauvin, il doit bien aider les demoiselles, mais il est quand même plutôt il a tendance à être un peu le joli cœur. Le joli cœur. Yvain accepte de prendre la plus âgée, parce qu'il lui fait honneur, elle est très vieille, elle a tous les cheveux blancs. Gauvin prend la plus jeune, et du coup, Morholt prend celle qui a. prend la troisième, quoi. Qui a 30 ans, ouais. Et il décide de se retrouver à cette source-là dans un an. Et puis, comme d'habitude, ils vont pas réussir à le faire, parce que les aventures vont retenir certains d'entre eux. Il y a une petite coupure d'aventure à ce moment-là, parce qu'il y a une vieille femme qui est en fait de 60 ans, qui est la demoiselle du lac, qui vient prévenir Arthur que Morgan va lui envoyer un manteau empoisonné. Et puis, c'est effectivement ce qui se passe, une messagère arrive. Arthur dit: vous m'offrez ce manteau, est-ce que vous pourriez l'essayer vous-même? Elle essaye le manteau, elle meurt instantanément, puis il se dit elle avait effectivement raison. La demoiselle du lac prend congé d'Arthur sans lui révéler qui elle est. Elle lui dit je ne peux plus être là, mais continue à exalter, à être le parangon de la chevalerie, à exalter les vertus chevaleresques. Gauvin, les aventures de Gauvin, je vais vous les résumer un peu. L'épisode principal, c'est celui d'Arcade et Pélias, où il voit un chevalier qui est traîné à terre, en fait. Il voit des chevaliers qui chopent un autre chevalier, puis qu'il traîne à terre derrière son cheval, puis il dit mais c'est. Après qu'il les ait battus, les 10. Après qu'il les ait battus, puis il se dit mais c'est vraiment infamant, pourquoi il se laisse faire comme ça? Et en fait, il apprend que ce chevalier, c'est Pélias qui aime une femme qui s'appelle Arcade, et que cette femme, en fait, c'est le seul moyen pour lui de la voir. Elle ne veut pas le voir, elle le déteste, elle le honnit, mais justement, il se fait traîner chez elle, et puis comme ça, il peut la voir brièvement, et c'est le seul moyen de la voir. Ça continue comme ça, en fait. Et en fait, entre le moment où il a vu ça, puis il est allé appris la chose, il s'est fait, en fait, voler sa demoiselle, son écuyer, et un. et l'autre qui l'hébergeait par un chevalier en fait qui il y avait deux chevaliers qui sont arrivés, il s'est battu contre un, puis pendant qu'il se battait contre lui, l'autre a dit ouais votre chevalier il est pas terrible, suivez-moi, et donc du coup la jolie dame qui était avec lui a été emportée ailleurs. C'est un peu le motif de du chevalier à l'épée, de la demoiselle qui abandonne le chevalier, la dame ingrate, et puis les femmes machin, mais sauf que ce que la post-vulgate aime bien faire c'est mettre un exemple positif et un exemple négatif. Donc là vous avez une demoiselle et un nain qui sont infidèles, et puis Gauvin les retrouver après, puis ils vont dire ah, reprenez-nous, puis il va dire non pas du tout, vous m'avez trahi. Mais plus tard on va voir une demoiselle et un nain qui sont à deux doigts de se faire brûler injustement et sans raison, donc on a c'est pas forcément, on nuance pas beaucoup les clichés, mais on a un cliché positif puis un cliché négatif si on veut. Voilà, et là il y a tout, ouais, c'est vraiment toute une histoire en fait cette pleine d'aventures. Il y a aussi l'histoire de c'est une demoiselle avec qui doit choisir entre un nain et un chevalier. Il y a ces aventures, ces chevaliers qui se battent contre Gauvin, il y a ce chevalier qui se fait pas. Il semble que la pleine des aventures là où tout ça se passe, soit une espèce de centre un peu nerveux où il y a des tas d'aventures qui se passent automatiquement. Puis donc Gauvin veut rendre service à Pélias et il lui dit je vais aller chez Arcade et lui faire croire que je t'ai tué, comme ça on va voir si elle tient à toi. Et il parle à la demoiselle, mais le plan ne marche pas parce qu'elle est super contente quand elle apprend la mort de Pélias, et quand elle voit à quel point Gauvin est issu d'un noble lignage, il est le neveu du roi Arthur, elle tombe immédiatement amoureuse d'elle, et puis Gauvin tombe immédiatement amoureux d'elle aussi, et donc ils commencent à convoler ensemble. Pélias commence à attendre, Gauvin ne revient pas. Gauvin prend la virginité de la dame. Gauvin prend la virginité de la dame, et il décide d'aller lui-même parler à Arcade, et il la découvre dans une tente, toute nue, endormie aux côtés de Gauvin. Il devient extrêmement trahi, il pense d'abord à les tuer, puis il se dit, bon, c'est pas terrible, et il dépose son épée au-dessus de la tête des deux amants pour dire qu'il est passé par là. Donc un peu ce que faisait le roi Marc dans le mythe tristanien. Arcade et Gauvin découvrent l'épée de Pélias, ils se disent, tiens, quelqu'un a posé ça ici. Gauvin se reproche sa déloyauté envers son ami, surtout que Pélias était assez noble, fait preuve de noblesse en ne les tuant pas. Bon, c'est très gentil, mais en même temps, c'est un peu le minimum, Pélias. Et pour réconcilier pour réparer sa faute, il arrive à les faire réconcilier. Et ils se marient, et de leur union naquit Guivray le Petit, qui fut compagnon de la table ronde. Marcotte pense qu'ici il y a une allusion un peu comique, c'est-à-dire que étant donné que Gauvin a pris la virginité de la dame, on pourrait penser que Gauvin est le père de Guivray le Petit. Effectivement, on lui dit que Gauvin a une taille relativement petite pour un chevalier, en fait. Oui, c'est vrai, Gauvin est un short king dans le. Donc ça pourrait être une blague, justement, que ce mariage engendre Guivray le Petit, ça pourrait être un signe qu'en fait Guivray est le fils. Oui, mais on nous dit quand même que le test nous dit quand même explicitement que quand Pélias et Arcade couchent pour la première fois ensemble, ils engendrent Guivray le Petit. Ouais. En général, il nous dit assez fidèlement l'auteur quand c'est un engendrement que quelqu'un est. Mais ça pourrait être une espèce d'allusion comique cachée là-dessus. Effectivement. Ils sont ensuite. Alors de nouveau, ils retrouvent ils refusent de prendre les gens qu'il avait abandonnés. Et ensuite, il se bat. Il tombe sur la dame qui avait choisi de quitter le chevalier beau pour un nain. Et en fait, elle a été maltraitée par le nain et six chevaliers. Et finalement, il a réussi à la sauver, puis à la récupérer, à la ramener à son château. Et là, le Morholt, du coup, c'est ses aventures à lui, tombe sur les célébrations d'anniversaire du règne de Pélinor. Il refuse de participer. Il continue son chemin. Et en fait, il bat un chevalier. Et du coup, Pélinor envoie Thor apprendre l'identité du Morholt. Et avec ses compagnons, ils arrivent dans un bois où ils trouvent des chevaliers justement qui, comme tu l'as dit, il y a une dame en fait qui va être brûlée sur le bûcher avec un nain parce qu'ils sont suspectés d'adultère en fait ensemble. Ouais. Et là, il parvient à les abattre, les chevaliers qui les retenaient prisonniers, à les sauver. Et en fait, le nain explique que un chevalier qui aimait la dame a fait croire au mari de la dame qu'elle le trahissait avec le nain parce qu'il espérait que du coup, il la répudie. Mais en fait, du coup, le roi a voulu les exécuter tous les deux. Et il est parti, Morholt repart après avoir sauvé ces gens et prouvé la vérité. Il tombe sur une pierre, dans un bloc de marbre, en fait, à une croisée des chemins. Et c'est la pierre du cerf. Le perron du cerf. Ouais, et sur la pierre, il y a des inscriptions qui annoncent des merveilles du Graal et qui menacent les chevaliers qui voudraient rester ici. Il voit deux chevaliers qui arrivent, se battre, qui s'embrassent, puis qui partent. Puis après, il voit un cerf tué par quatre chiens qui sont tour à tour mangés par un dragon. Puis après, le dragon ressuscite le cerf et vomit les chiens vivants et tout le monde repart. Et du coup, pendant la nuit, après avoir vu ces merveilles, la demoiselle qui l'accompagne, donc la demoiselle qui a 30 ans, et le cheval, l'écuyer du Morholt sont tués, et Morholt est blessé à travers les cuisses. Donc c'est un peu une allusion au mystère du Graal. Un chevalier accepte de l'amener avec les corps à une abbaye, et là le chevalier apprend que Morholt, c'est le Morholt et qu'il a tué son père. Donc du coup il attaque le Morholt et le laisse pour mort. Gauvin arrive, prend le Morholt vers une abbaye où il peut être soigné avec les corps des deux en enterrant les corps des deux enfin de la demoiselle et du lécuit qui ont été tués par la pierre, et il impose et dessus sur la tombe on écrit l'histoire des au fait Gaëriet pour une raison qui m'échappe. Enfin bref, le Morholt est soigné et Gauvin et lui peuvent s'en aller. Il tombe sur une tente dans laquelle il tombe de sommeil, donc il dort. Et là, une vieille dame arrive, les reconnaît et leur demande d'être ses amants. Et il refuse. Et il se moque d'elle aussi. Il se moque d'elle, mais en partant, il semble qu'elle leur a lancé un sort parce qu'ils commencent à se battre en fait et à se détester, comme s'ils avaient été ensorcelés en fait. Et là, une dame arrive qui sert la dame du lac. Elle les reconnaît, elle brise l'enchantement. Et en fait, la vieille dame était une belle jeune femme qui avait changé de forme. Et je me suis demandé si on allait avoir droit à une lovely lady comme dans la tradition anglaise, mais visiblement pas. En fait, c'est juste ils sont pas tombés amoureux d'elle finalement. Et ils vont dans une abbaye cistercienne, on nous dit, hein, pour être soignés. Et c'est là qu'ils arrivent sur après être guéris à l'abbaye cistercienne vers la roche des pucelles. Alors la roche des pucelles, c'est en fait une espèce de version de l'esplumeur du Merlin qu'on a vu dans Merogis le mois dernier. Vous avez des dames qui sont très savantes en enchantement, surtout l'aînée, on nous dit, qui sont 12 dames et qui parlent des choses à venir, en fait, qui prophétisent sur l'avenir. Du coup, les gens parfois viennent leur parler pour connaître leur destin. Et en fait, Morholt sait que la plus vieille d'entre elles, ces 12 dames, la plus vieille d'entre elles avait essayé de tuer Merlin, et du coup, comme punition, elle et ses sœurs avaient été bannies sur le rocher, ou dans le rocher, c'est pas très clair. Elles sont sur une espèce de c'est probablement comme l'esplendeur Merlin, donc une espèce de plateau qui est inaccessible, donc une espèce de rocher promontoire qui est complètement lisse et on peut pas grimper. Et visiblement, il y a un logement au sommet. Et c'est notamment les deux chevaliers qui passent ici entendent prédire que Gauvin sera tué par l'homme qu'il aura le plus aimé et que le père de la table ronde périra par la main de son fils. Donc c'est évidemment Lancelot et Arthur respectivement. Et quant au Morholt, il sera tué par le plus beau et le plus fidèle amant du monde, Tristan. Et donc ils veulent monter, ils demandent aux dames laissez-nous monter, puis les dames disent ok pas de problème. Alors ils s'endorment au pied de la roche et puis le lendemain ils se réveillent sur la roche, mais ils sont enchantés et ils perdent toute notion du temps. Ils savent plus combien de temps ils passent là-bas et ils perdent complètement la mémoire. Donc là, Gauvin et le Morholt sont coincés là, ils vont être là jusqu'à ce que, en fait, Gaëriet va devoir venir les délivrer. Là commencent les aventures divines, qui vont un peu nous conclure. Il arrive un mois avant le rendez-vous fixé à la fontaine, donc il a fait plein d'aventures. Il y a un moment où Gauvin et Morholt sont à un château et ils mentionnent que Yvain a tué un géant. Puis ils disent « Ah, il doit être dans le coin, on va probablement le croiser ». Mais du coup, on n'a pas vu Yvain jusqu'à maintenant, mais on a eu des vavasseurs qui ont fait allusion à ses exploits. Il va au perron du cerf aussi, avec une dame et un écuyer, et avant le lever du jour, les deux sont tués aussi, mystérieusement. Il a l'épaule traversée par une lance, donc cette fois-ci c'est l'épaule. Le matin, Girflay et Queux n'étaient pas restés avec lui, parce qu'ils voulaient justement pas risquer les aventures du Graal, et ils le retrouvent le lendemain, et ils essaient de le consoler, parce qu'ils disent « bah il n'a pas réussi à protéger cette demoiselle non plus ». Les demoiselles, finalement, elles n'ont pas servi à grand-chose, parce que voilà, elles n'ont pas été elles n'ont pas été jusqu'au bout des aventures. Il se soigne chez un vavasseur pour soigner ses plaies. Il va vers la fontaine. Le jour du rendez-vous, il n'y a ni Gauvin ni le Morholt. Le soir, il y a une demoiselle qui vient et qui lui apprend. Ils sont à la roche aux pucelles et ils n'ont d'aucun autre souci que de se divertir avec leurs nouvelles amies. Et elle dit c'est inutile de chercher à se venger de l'affront qu'il a subi au perron du cerf. Parce que justement, il pouvait se dire « Ah, c'est un chevalier invisible, je dois me venger, etc. » Mais non, on lui dit « Ça ne sert à rien. » Parce que ces événements participent aux aventures du Graal et que c'est seulement le jour où le bon chevalier débarque qu'on pourra y mettre fin. Et ce chevalier n'est pas encore né, mais Yvain, elle lui dit, tu le verras chez Arthur lors d'une fête de la Pentecôte quand il s'asseyera sur le siège périlleux. Il arrive près de la roche aux pucelles, Yvain finalement, il se bat contre un chevalier qui est énervé parce que l'aînée des 12 demoiselles de la roche aux pucelles l'a abandonné pour vivre avec Gauvin, parce qu'elle est amoureuse de Gauvin. Donc il est conduit par le chevalier au pied de la roche. Et il apprend de l'aîné des demoiselles qu'il aura la tête tranchée par celui qui blessera mortellement le père de la table ronde, donc Yvain sera décapité par Mordred. Il arrive à voir, à parler à Gauvin et à Morholt, mais en fait ils ne le reconnaissent pas. Ils sont complètement enchantés. Et du coup ils désespèrent de pouvoir aller les chercher. Et il va se coucher dans une forêt de Camelot près de l'ermitage de Nacien, donc Nacien de l'histoire d'El Saint Graal et compagnie. Et il y a la reine et ses suivantes qu'il trouve. Donc là, il y a la cour qu'il retrouve. Il avait prêté serment de ne pas retourner à la cour, sauf cas de force majeure. Et justement, la reine le force, lui arrache le don de venir à la cour, parce qu'il a peur de se confronter à Arthur. Mais entre-temps, Arthur a regretté un peu sa décision de le chasser, et du coup, il est content de le revoir. Donc Yvain avertit Arthur que Gauvin et le Morholt sont retenus prisonniers à la roche aux pucelles. Et du coup, Arthur se dit, on a besoin de Merlin pour les délivrer, on envoie des chevaliers. Thor et Aglant rencontrent et combattent Baudemagu en cherchant Merlin, mais Baudemagu leur dit que Merlin est mort et que il leur raconte ce qui lui est arrivé en fait, l'épisode du cri quand il l'a trouvé 4 jours après son emprisonnement, que Merlin lui a dit que seule Gaëriet, pour une raison ou une autre, c'est Gaëriet, une fois qu'il aura été adoubé, seul lui pourra libérer Gauvin et le Morolt du rocher. Et du coup, Arthur décide, on va adouber Gaëriet. Gaëriet est un personnage assez central de la suite un peu de cette suite du Merlin. Donc il est vraiment dans un angle aussi un peu ambigu, il est positif, mais d'un côté on va le voir, il va tuer sa mère quand même. Donc du coup, Gaëriet est adoubé par Arthur. Alors il y a toute une histoire, parce que Agravain, qui est l'aîné, enfin il est techniquement... Le second après Gauvin. Je crois qu'il est le second après Gauvin. Enfin, il demande à être adoubé le premier. Et Arthur, du coup, dit oui, voilà, pourquoi pas. Sauf que il y a un fou, le fou marin, qui a été muet pendant des années, donc un peu comme la pucelle muette de qui avait après la pucelle, enfin qui avait ri quand Perceval est arrivé à la cour chez Chrétien, et qu'on va retrouver juste après. Il demande à Arthur d'adouber Gaëriet le premier, parce que c'est lui qui sera le plus prestigieux de tous ses chevaliers. Et du coup, Arthur lui obéit. Et puis aussi que Merlin lui avait dit apparemment de veiller à ça. Oui, c'est ça. Et c'est Merlin qui avait averti Marin. Et du coup, Arthur accepte, il adoube Gaëriet. Et en fait, Gaëriet, il dit à Gaëriet, ce sera à vous d'adouber vos frères. Sauf que Gaëriet... Pas de problème à adouber Gaëret, qui l'adore, ils s'adorent tous les deux, mais il y a d'autres jeunes hommes avec eux qui sont aussi adobés, mais Agravain, lui, il pète les plombs, il veut vraiment être adobé que par je veux parler au manager du fou. Je veux parler. Et du coup, il demande à être. Agravain, t'as presque envie de lui dire ok, boomer, par moment. C'est vraiment cette idée. Il a tous les droits, il veut absolument avoir tout. Tu viens de dater notre épisode, absolument. Ouais, absolument trop. Du coup, Agravain est adoubé par Arthur finalement. Là, il y a une demoiselle qui est envoyée par la reine de l'île Fae, qui donne à Gaëriet une couronne de roses. Puis alors, on est à Noël, alors une couronne de roses en plein Noël, c'est impressionnant. Et du coup, tout le monde est stupéfait par ça. Et puis, Marin prédit d' ailleurs que Gaëriet aura beaucoup de qualité, mais aussi qu'il aura un grand péché. On nous dit quel sera le péché, évidemment. Et vous le savez, c'est le fait de tuer sa mère, donc quand il la trouvera au lit avec la Morak. Et il meurt, Marin meurt comme ça. Marin tombe mort. Alors il dit justement, à l'imitation de la rose, qui est la plus belle des fleurs, Gaëriet sera le meilleur des chevaliers, mais il pourrait tous les surpasser, mais la mort de sa mère, qui l'attrape par son péché, l'en empêchera. Alors c'est pas complètement. On ne dit pas exactement qu'il va tuer sa mère, mais on dit quand même que la mort de sa mère va l'empêcher d'accomplir complètement son potentiel. Alors il y a un chevalier rouge qui est là, battu, qui insulte Arthur et ses chevaliers, qui est battu par Gaëriet, bat ce chevalier rouge Baudon, le fils du duc d'Avarlan. Alors, toute une histoire, il y avait toute une histoire de un chevalier qui devait le battre. Qui devait le battre, puis il veut s'interposer, puis il n'a pas le temps. Gaëriet le bat. Et puis, Agravain lui court après pour se battre contre lui incognito, en fait. Et d'ailleurs, on nous dit qu'en honneur de l'aventure de Gaëriet, qui a battu donc, le chevalier rouge, les demoiselles de la cour ont écrit la balade de la rose, mais la musique de la balade de la rose n'était pas terrible. Donc, du coup, quand Tristan est arrivé à la cour, il a entendu la balade et a composé une meilleure balade, meilleure musique. Donc, Tristan, c'est un peu le David, un peu de la cour d'Arthur, Secret Court et tout ça. Donc du coup, Agravain, lui, effectivement, poursuit Gaëriet. Il change d'armure, il ne veut pas être reconnu. Il attend Gaëriet. Quand Gaëriet arrive, il le bat, mais... donc Gaëriet bat Agravain sans problème. Plusieurs fois, d'ailleurs. D'ailleurs, il le fuit. Et d'ailleurs, il est tellement... Il déteste tellement Gaëriet que ça choque son écuyer. L'écuyer d'Agravain décide non mais c'est pas légitime de détester votre frère comme ça, et il l'abandonne. Du coup là Gaëriet tombe sur Baudemagu qui est nu et attaché, et en fait apparemment Baudemagu a couché par erreur avec la femme de Pélinor, et du coup il a été puni comme ça. Alors Pélinor, ça me semble être quelqu'un d'assez équilibré quand même en général, parce que quand il tombe, tant qu'il couche avec sa femme, il le lit puis l'attache, il va pas le buter immédiatement quoi. Il est un peu plus disons, il est en un peu meilleure forme. Il décide de se retrouver au Rocher des Pucelles après chacun une bataille. Donc il va battre effectivement Baudon. Il y a toute une histoire de paix entre Baudon et Galinor. Bref, il tombe sur une dame à qui il doit un vœu. Et elle lui demande la tête d'une dame qui a volé son amant. Et du coup, Gaëriet n'aimerait pas tuer une femme, mais on lui dit si tu ne tiens pas cette promesse, tu ne pourras jamais libérer Gauvin et le Morolt. Donc il va chez la femme et le chevalier en question et dit je vais décapiter cette dame. Alors l'amant en question veut la défendre, Il parvient à battre l'amant, mais la dame qui a été rejetée arrive et dit finalement je renonce. Non, ce qui se passe, c'est que le chevalier. Gaëriette bat l'amant de la dame. C'est ce que je dis, ouais. Et puis ensuite, le chevalier qui a été battu. Oui, c'est ça. Prend la dame de base en otage et dit renonce à ta demande. Et puis. Oui. Littéralement, la solution du problème, c'est littéralement. Toute la solution de la fin de cette histoire, c'est de prendre des gens en otage. Genre, littéralement, il dit. Oui, parce que non, mais quand même, la dame, il a décidé d'épargner. Le chevalier. Mmh. Et c'est parce qu'il a épargné le chevalier et qu'il s'apprête à décapiter l'autre dame que le chevalier peut se jeter sur la première dame qui avait demandé la tête de l'autre dame et voilà. Puis lui dire d'abandonner ça. Parce que la première dame avait demandé à Gauvin de ne pas tuer le chevalier avant de tuer la dame parce que c'est son amant. Et du coup, y a une prise d'otage et finalement, bon, la damoiselle qui a été rejetée dit bon, finalement, j'aimerais pas avoir un type qui est prêt à me tuer comme ça pour avoir une autre dame, donc je te libère de ta promesse et tu pourras aller au rocher des pucelles. Et donc, alors c'est une histoire de nouveau avec un vieux chevalier et un nain. Il est prisonnier, mais il doit prêter un serment pour se libérer des gens d'une aventure où il doit donner 12 demoiselles à un géant. Mmh. Et il bat le géant Patrice, le père de Caradoc le Large. Caradoc le Grand, ou je sais pas comment il s'appelle en français. Le gros, et il bat le géant, et du coup les gens du château font une statue de cuivre de lui qui est en train de tuer le géant, une statue qui sera détruite après la fin du royaume par les fils de Mordred, nous un présage de la fin. Il voulait abattre le monument qui glorifiait le lignage d'Arthur, logiquement, même si ils font partie du même lignage, mais bon voilà, c'est leur oncle après tout. Gaëriette donc se rend à la Roche aux Pucelles, il demande aux dames de lui dire comment il va mourir, on lui apprend que le chevalier étranger qu'il aime le mieux le tuera, mais sans le savoir. Je sais plus à quel chevalier ça se réfère. Est-ce que c'est Lancelot du coup ou est-ce que c'est Lancelot qui tue Gaëriette quand il va sauver Guenièvre. Oui, Guenièvre va être. Mais il sait pas qu'il l'a tué parce que c'est pas dans la confusion. Parce que dans la confusion, il l'a tué et puis il le regrette immédiatement. Voilà. Gaëriette ne peut pas monter, mais en fait, la damoiselle qui est avec lui lui conseille de se battre contre le frère des demoiselles et en fait du coup de le prendre en otage. Pour libérer Gauvin tous les problèmes. Et Morholt. Alors les deux sont libérés. Évidemment, ils retournent. Ils n'ont pas de mémoire de leur temps sur le château, sur le roger. Ils leur expliquent le temps. Gaëriette Gauvin retourne à la cour et Gauvin décide d'aller visiter le Morholt en Irlande qui est retourné là-bas. Sur son chemin, Morholt bat Agravin, Gaëriette, Mador de la Porte et Dodinel le Sauvage, qui sont des chevaliers qu'on voit depuis longtemps, hein, et ainsi que Sagremor, évidemment. Et ils arrivent en Irlande où il reçoit Gaëriette. Et là, on dit que un jour, il reviendra en Cornouailles où il battra Tristan et il sera tué. Et c'est là que se termine le récit le plus long, donc le récit du manuscrit Hult et du manuscrit de Cambridge est terminé avant. Là, c'est vraiment la fin du dernier fragment qu'on a continu, disons, qui va du Merlin jusqu'à du début du Merlin jusque là. Et là, il y a un trou. Il y a ce fameux trou qui a posé problème à beaucoup de gens jusqu'à ce que Fanny Bogdanov édite ce fragment, cette folie de Lancelot qui se retrouve qui existe dans plusieurs manuscrits, dont certains très liés au Tristan. Une folie Lancelot qui, pour elle, signale que le récit se continuait et qu'il y avait pas vraiment un Lancelot, mais vraiment un bloc de texte un peu plus long qui couvrait ce que couvrait traditionnellement le Lancelot, l'Agravin, bref, toute cette partie intermédiaire en synthétisant beaucoup. Et on va le voir effectivement, tout ce qui concerne Lancelot est extrêmement synthétisé, mais on y ajoute toute une série d'aventures développées de la Vulgate. Alors elle pense que les aventures qu'on va voir là sont dérivées de la première version du Tristan. Baumgartner pense plutôt que c'est là qu'elles ont été inventées et que la première version du Tristan qu'on a maintenant les a insérées a posteriori, ce qui ferait plus de sens selon Baumgartner parce que c'est plus ça conserve plus les termes entre Pélinor et Gauvin, semble plus être cette espèce de revanche entre les deux familles, semble plutôt être là. Toujours est-il qu'on n'a pas le texte direct, donc on n'a pas les aventures qui interviennent à partir de maintenant, donc l'arrivée de Lancelot, les enfances de Lancelot, la défaite toutes les histoires des guerres en Bénoïque, par exemple, ne sont pas du tout relatées. La mort de Pélinor aux mains de Gauvin n'est pas relatée. Ce sera dans la folie de Lancelot. C'est dans la folie de Lancelot, mais c'est pas relaté directement. Oui, il nous manque, en fait. Dans la folie de Lancelot, on nous dit, Pélinor est mort, mais on n'a pas le récit exact de ça. On n'a pas non plus le récit, par exemple, de toutes les aventures de Lancelot, son arrivée à la cour. On ne sait pas, je ne crois pas qu'il y a de traces de notre de la conception de Galad, par exemple, non plus. Je penserais juste une chose, c'est que sur cette fin, je trouve qu'il y a un truc qui est très discordant, comme tu l'as dit, c'est que ces demoiselles magiques sont quand même connectées au monde. Genre la solution de la roche aux pucelles qu'apparemment seule Garriott pouvait trouver, c'est en fait il y a le frère de cette, il y a le frère de la dame qui est sur la roche. Il habite à 2 km d'ici, on va le prendre en otage, puis après le libérons de nos potes. Littéralement. On a ce côté d'histoire, c'est des dames qui peuvent voir le futur, elles ont des enchantements, elles sont sur cette roche inaccessible, elles vivent dans cette espèce de monde parallèle, à moitié invisible. Et de l'autre côté, ouais, leur cousin habite juste à côté, en fait. Oui, il y a de nouveau un retour à la mondanité assez fort avec cette suite du Merlin. C'est là donc que se termine effectivement la suite propre, disons, dans ces éditions. Mais effectivement, Fanny Bogdanov ayant édité La Folie Lancelot, ça nous offre la possibilité d'avoir un petit regard sur ce qu'il avait dû y avoir entre ça et le début de la caste d'El Saint Graal post-Vulgate. Alors, en l'occurrence, il y a un trou, comme on l'a dit. On retombe plusieurs années après et on retombe sur la haine de Gaëriet pour Lamorak. Alors, Lamorak, on le présente avec Aglovale, Drian et bientôt Perceval, c'est un des frères de Thor, un des fils de Pelinor. Qui sont parmi les meilleurs chevaliers du monde. Et après avoir Lamorak, qui est un bon chevalier, mais il est très bon, c'est la haine de Gaëriette pour lui n'a vraiment plus de limite. Puis il sait surtout, le principal problème, que Lamorak couche avec sa mère, la reine d'Orcagny. Tout le monde le sait, en fait, c'est de notoriété publique. Alors, faut pas oublier qu'évidemment, la reine d'Orcagny est veuve, mais pour lui, c'est vraiment pas terrible pour son estime de lui-même de savoir qu'un chevalier comme ça fait ce qu'il veut avec sa mère. Et après la victoire de Lamorak, il n'en peut vraiment plus. Il décide d'aller courir à leur château, au château de sa mère. Et il découvre, en rentrant discrètement, que sa mère est endormie, nue, avec Lamorak dans le même lit. Donc c'est un thème assez récurrent dans cette suite. On a vu pas mal d'aventures assez similaires. Et là, de rage, en fait, il tue la reine, mais épargne Lamorak, parce qu'il se dit non, c'est sa mère qui a fait le... C'est un crime d'honneur, en fait. C'est sa mère qui a causé la honte. Lamorak, lui, est un très bon chevalier, ce serait dommage de le tuer, en gros. Puis aussi, il y a l'idée que, ouais, si je le tue alors qu'il n'a pas ses armes, ce serait déshonorable. Oui, c'est parfaitement honorable de tuer une dame désarmée, mais tuer un chevalier désarmé, non, ça serait pas... Alors, parfaitement honorable, ça va quand même être vu comme quelque chose d'affreux. Ouais. Personne... Non, mais disons, c'est comme... Mais il ne se pose pas la question, disons, avant de tuer sa mère. Dans son raisonnement, il ne se pose pas la question. C'est-à-dire qu'on a vu les trois, du coup, on a vu l'amant, l'amant bafoué qui épargne les deux amants qui le trompent, c'était le cas de Péléas. On a vu celui qui tue les deux, qui avait un chevalier qui avait vu sa deux personnes décapitées. Puis là, on en a un qui tue que la femme. Donc on a vraiment les trois. Il n'y en a pas encore qui a tué que le chevalier, mais on a déjà les trois combinaisons. Alors il part, il fait partir Lamorak, en fait, qui doit s'équiper devant le corps de son amante et de la mère de Garrett qui est en train de faire de rage, mais Lamorak doit s'équiper puis de partir comme ça, un peu contrit. Là, les courtiers de la reine d'Orcagny amènent son corps à Camelot, où tout le monde apprend qu'il a tué. Et du coup, Gauvain, Agravain et Mordred doivent jurer vengeance contre Gaëriette, puisqu'il a tué leur mère. Gaëriette, lui, est un peu ambigu, parce que lui, c'est son préféré, Gaëriette. Il trouve Gaëriette et le console, parce que Gaëriette s'en veut quand même, est très triste. Gaëriette et Hector, le frère de Lancelot, qui se dirige vers un tournoi, qu'il a retrouvé sur un chemin, rencontre Gauvain, Agravain et Mordred. Alors Hector défend Gaëriette. Il a pris Gaëriette sous sa protection. Donc en fait, il doit le défendre. Et puis il dit ce serait triste qu'il ait tué surtout par ses frères. Alors Gauvain, Agravain et Mordred se battent contre eux. Ils sont en train de perdre quand Lamorak arrive. Il les sauve et il réconcilie tout le monde. Alors Lamorak dit bon, ok, il a tué mon amante, mais mieux vaut, je veux dire. En gros, il se dit, le tuer, ça la ramènera pas, et en plus, de toute façon, sa vie à lui est bien plus précieuse, parce que c'est la vie d'un homme, d'un chevalier de la Table Ronde, que la vie à elle. Donc c'est vraiment super misogyne, hein, la suite Vulgate, de bout en bout, c'est vraiment, les femmes, ne leur faites pas confiance, ne leur donnez pas de droits, elles ne valent rien, la seule femme qui est présentée à peu près positivement, et encore, c'est Ninienne, parce qu'elle, au moins, quand elle tue Merlin, elle a une justification, parce qu'il en était après son pucelage, mais c'est à peu près tout. Toutes les autres femmes de ce récit sont vraiment toutes sadiques et méchantes, en général, à part Guenièvre, mais bon, elle va quand même trahir Arthur. Donc du coup, ils sont tous réconciliés, Gauvain reconnaît Lamorak, parce qu'il ne sait pas qui il était, Mais du coup, Gauvin est fâché contre Lamorak parce que, vous vous souvenez, Pélinor, le père de Lamorak, avait tué le père de Gauvin. En fait, je crois qu'il s'en tire dans une espèce de pirouette où justement il se dit « Merde, j'ai tué Pélinor et il faut pas qu'il le sache. » Alors il riposte en faisant « En fait, votre père a tué mon père. » Alors qu'en fait, déjà, en plus, la vengeance, s'il y avait une vengeance à avoir, elle est terminée parce qu'il a bel et bien tué Pélinor. Mais on se dirait qu'à ce moment-là, la vengeance devrait être quitte et il ne devrait pas en vouloir plus à Lamorak. Mais Gauvin est très très rancunier pour la mort de Lot. Je crois qu'en fait dans le texte, ce qui m'a semblé, c'est qu'il servait de ça pour pas, en fait, il voulait pas être dans la compagnie de Lamorak de peur qu'il découvre qu'il avait tué Pélinor. Oui, et mais... du coup, il sert de ça comme une raison pour refuser sa compagnie en disant c'est vrai. Mais vous avez tué Lot. Ah. Mais même après, ça va être un motif récurrent des fils de Gauvin qui détestent Lamorak, non seulement parce qu'il a couché avec leur mère, mais aussi parce qu'il a tué leur père. Son père a tué leur père, et même après que Gauvin ait tué Pélinor, ça reste un argument. Puis il y a d'ailleurs Lamorak qui répond et qui dit mais les enfants ne devraient pas être tenus quittes des péchés du père parce qu'ils n'étaient pas là quand les péchés ont été commis, en fait. Oui, et Gauvin lui dit n'en parlez. Ce qui est très rigolo, c'est que même si Lamorak et Gaëret sont de côtés différents en théorie, en fait le roman semble vouloir être plutôt de leur côté à eux, aux deux, même s'ils sont opposés, plutôt que de ceux des frères de Gaëret, en fait. Mm-hmm. Donc là, ils se retournent tous à la cour après s'être séparés. Gauvin, Gravin et Mordred reviennent chez Arthur, qui les envoie rechercher Gaëriette parce que il est pardonné, plus ou moins. Arthur envoie aussi Gauvin, Bor, Hector et d'autres en Gaule parce qu'il doit battre Claudas, donc l'ennemi héréditaire de Lancelot. Et donc toutes les batailles en Gaule sont expédiées, mais en 10 secondes. Arthur va vaincre Claudas, se battre contre Frollo, le prince d'Allemagne, et le tuer, et il ramène Lancelot à l'ogre. Alors Lancelot était visiblement exilé pendant un moment. C'est là qu'il est introduit, en fait. On l'a pas vu avant. On n'a pas eu toutes ces aventures avec Guenièvre, mais elles se sont clairement bien passées, parce que quand il revient à la Pentecôte, la fille de Pélès, donc l'un des rois pêcheurs, le frère de Péléan, Hélène, amène Galahad à la cour, qui est donc le fils de Lancelot, donc toute leur aventure s'est déjà déroulée. Guenièvre découvre Lancelot qui a été enchanté, en fait il croyait qu'il était en train de coucher avec Guenièvre, mais il était dans le lit d'Hélène, et vu qu'elle découvre qu'il couchait avec Hélène, elle le chasse, elle le bannit de la cour, et donc il part devenu fou, en fait. C'est un épisode qu'on avait déjà dans le Lancelot d'ailleurs deux fois. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est extrêmement résumé. Autant toute l'aventure de Gaëriette, c'est dans le détail, autant tout ce qui est par rapport à Lancelot, c'est vraiment 10 secondes. Et on nous renvoie volontiers au Lancelot propre, en fait, pour en savoir plus. Donc effectivement, c'est possible que, sans même avoir besoin d'adapter beaucoup le Lancelot, dans les grandes lignes, l'auteur se dit, bon, voilà, c'est plus ou moins la même chose, je résume, mais de toute façon, il existe un Lancelot non cyclique, donc si mes lecteurs veulent s'y référer, ils peuvent y aller, quoi. Dans l'ensemble, c'est assez similaire, effectivement. Alors là, il va y avoir une quête assez similaire aux quêtes de Tristan, d'ailleurs, dans dans les Tristan en prose. Les chevaliers de la famille de Lancelot, donc Bor, Hector, Lionel, vont aller le chercher. Ils vont être aussi suivis par Gauvin et ses frères, ainsi qu'Erek. Alors, Erek est appelé Eric par ma traduction d'anglais, donc j'ai l'impression de dire un prince viking. Donc c'est tout à fait dans la ligne de J.L. le Danois, tu sais, t'as Eric le viking. C'est bien Erek. Hein. En tout, 32 chevaliers s'en vont sur la quête, mais ensuite Gauvin doit sélectionner une partie parce qu'ils ne vont pas tous aller, donc seuls les 20 plus prestigieux vont continuer la quête, mais Erek fait partie de ceux qui doivent retourner à Camelot, sauf que lui il refuse de renoncer à la quête et il va continuer seul. Il va tomber sur la mer parce qu'il est un jeune chevalier, en fait il est considéré comme trop faible. Il va tomber sur le château des 10 chevaliers. Alors en fait, où il apprend qu'il va devoir combattre 10 chevaliers. Alors il aurait pu s'y attendre. Il va combattre 10 chevaliers. Une fois qu'il a battu les 10 chevaliers à la suite, donc sans avoir de pause, il doit aussi se battre contre le seigneur du château. Le seigneur du château le bat. Évidemment, après avoir battu 10 chevaliers, il est un peu faible. Mais le 11e chevalier, le seigneur du château, qui est en fait Hector, qui a été pris par l'aventure du château, renonce au château, au seigneur du château, et lui dit maintenant c'est toi le seigneur du château, et il part en l'abandonnant. Il vient de quitter genre Camelot pour partir en quête de Lancelot, et déjà il s'était fait happer par le château des 10 chevaliers, donc il a été quand même vachement rapide. Oui, un petit temps. Alors on explique en fait l'origine de la coutume, c'était un roi qui avait promis à sa fille un prince qui avait été malheureusement tué, et puis donc du coup en fait la fille du roi qui est depuis mort, la fille est dame du château, le seigneur du château sera toujours un homme qui est parvenu à battre les 10 chevaliers. Et ensuite, si le seigneur du château bat le chevalier qui a battu les 10 chevaliers, il peut choisir soit de rester, soit de partir. Et le chevalier qui est battu, si on lui donne le château, doit posséder le château. Et en fait, aucun chevalier ne peut épouser la fille, sauf s'il a gagné contre le seigneur du château. Si le seigneur du château a battu le chevalier qui a battu les 10 autres chevaliers, il doit rester comme seigneur, mais il ne peut pas épouser la fille. Donc Hector n'a pas épousé la fille du château. Par contre, Hector et Eric non plus d'ailleurs. Et on va voir après, un des chevaliers va parvenir à battre le seigneur du château et du coup va recevoir la femme, comme femme, cette damoiselle. Pendant ce temps, Lancelot rencontre, qui est donc complètement fou, hein, on le décrit comme quasiment nu, il est les cheveux longs, la barbe en bourrique, en pagaille et tout. Il rencontre un chevalier qui s'appelle Blian, qui va essayer de le soigner. Alors il l'emprisonne, enfin il l'attache pour pas qu'il se blesse, mais il parvient à s'extraire de ses chaînes au prix de beaucoup de sang. Alors il va rester à la cour de Blian pendant 2 ans, mais un jour, en poursuivant un sanglier sauvage, il s'en va dans les bois, il est blessé, il est soigné par un ermite qui le reconnaît. Il reste pendant 3 mois dans la forêt, puis après 6 mois à une source. Et là, on apprend qu'il est nourri par des bergers qui viennent lui donner du pain, et il dort sur le perron d'un ermite. Pendant ce temps, Eric, lui, reste 3 mois au château des 10 chevaliers. Il arrive que Gauvin, finalement, vient et il parvient à battre les 10 chevaliers. Il est défait par Eric, qui le laisse, du coup, seigneur du château. Eric, lui-même, arrive vers la source des merveilles, où, en fait, il y a des chevaliers qui se battent contre des chevaliers errants. Et si on se bat contre un chevalier de la maison d'Arthur et qu'on le vainque, le bouclier est pendu d'un arbre. Et en fait, Eric voit que le bouclier de son père, Lac, en fait, pend d'un arbre. Et il se bat contre Mordred parce qu'il pense que Mordred a été celui qui a battu son père, en fait. Alors, une damoiselle lui dit qu'elle va lui donner des informations sur son père contre un don. Il jurera qu'il ne il ne rompra jamais une promesse ou mentir, ce qui mènera, comme tu l'as dit dans l'introduction, au meurtre de sa propre sœur, en fait. Et là, elle lui dit que Lancelot est à proximité et que son père est blessé pas loin et qu'en fait c'est Hector qui a vengé son père déjà. Donc on ne voit pas son père du tout, il me semble, mais par contre Lancelot est à proximité, mais quand Hector et Eric arrivent près de lui, Lancelot ne les reconnaît pas et fuit, et du coup Hector fait promettre à Eric et à la demoiselle qu'ils ne diront jamais ce qui a la tenue de Lancelot parce qu'il ne veut pas qu'il ait honte, en fait. Il continue à chercher Lancelot et Hector est malade et tombe il est en deuil parce qu'il n'arrive pas à trouver Lancelot. Et pendant 4 ans, Eric reste auprès de lui pour le soigner, pour lui tenir compagnie. Et pendant ce temps, Arthur désespère de voir retourner Lancelot et Hector parce qu'il sait qu'ils sont encore en vie, leurs noms sont toujours sur leur siège à la table ronde, mais ils ne reviennent pas. Lancelot finalement est guéri parce qu'il revient par hasard après 5 ans à Corbenic, donc le château du roi pêcheur. Il est incapable de rester en présence du Graal parce qu'il y a un démon dans sa tête, en fait. Et finalement, Lamorak, qui est là, parce qu'il est chez sa famille, en fait, Lamorak, on se rappelle, hein, le fils de Pélinor, est le neveu de Pélès et de Péléon. Il apprend à Pélès qui est Lancelot, en fait, parce qu'il le reconnaît. Lancelot parvient à le laisser dans le palais des aventures avec le Graal, où en fait le démon qui l'habite va être libéré, et du coup Lancelot veut se retirer par honte d'avoir été fou, et Pélès lui donne une tour en fait sur l'île de la joie où il va vivre pendant 10 ans et s'appeler le mauvais chevalier et jouter contre tous les chevaliers qui viendront se battre contre lui. Pendant ce temps, Gauvin lui reste 6 ans au château des 10 chevaliers. Il y a vraiment des durées extrêmement longues dans la folie Lancelot. Il arrive à battre tous les chevaliers, en fait, il n'a pas l'occasion de se battre contre aucun chevalier, en fait, parce que les 10 chevaliers parviennent à battre tout le monde, jusqu'à ce que Lamorak arrive, batte les 10 chevaliers, batte Gauvin, et du coup, il est seigneur du château et il peut épouser la dame, c'est la première fois que ça arrive. Il épouse la damoiselle, la coutume se termine, et Aglovale, Drian et Thor, donc ses frères, viennent l'aider à célébrer et ils repartent avec lui, et du coup, il ne reviendra jamais parce que quelque chose de tragique va lui arriver. Là, Drian est blessé par Agravain, Mordred et Gauvin, et il tue Lamorak, en fait, dans une embuscade. Donc ça, c'est un élément qu'on avait déjà retrouvé quand on en avait parlé brièvement. Ça a été repris après par la version 1 du Tristan, en prose. Et là, un ermite emporte la tête de Lamorak avec lui pour la donner à Arthur. Et en fait, elle est préservée miraculeusement, mais quand Arthur la prend dans ses mains, elle change de couleur, elle devient noire et elle pourrit instantanément, parce que c'est quelqu'un du sang d'Arthur qui a causé la mort de Lamorak. Et effectivement, c'est les 3 chevaliers, ses 3 neveux. Enfin, c'est 2 neveux et son fils, techniquement. Hein. Ouais. Pendant ce temps, Aglovale, lui, qui est en train de chercher pour Lancelot, arrive à une tour. En fait, c'est la tour où vit sa mère, la femme de Pélinor, la veuve de Pélinor. Elle vit seule avec Perceval parce que après la mort de son mari et la disparition de ses autres fils sont partis comme chevaliers, elle est désespérée, elle veut pas que son fils devienne un chevalier. Et là, on est vraiment sur une reprise assez directe de Chrétien, en fait, qui est elle-même reprise en partie de la Vulgate, hein, bien sûr. Là, on a justement, Perceval veut devenir un chevalier en voyant Aglovale, et il part avec lui, mais Aglovale le ramène. Puis sa mère meurt et là Aglovale peut le prendre. Donc c'est pas exactement. Enfin, sa mère meurt, mais il pense qu'elle s'est juste évanouie. Puis ils disent bon, elle s'est évanouie, bon, on peut repartir. Puis ils pensent pas, ils savent pas qu'elle est morte. Ouais. On, il apprendra pas qu'elle est morte dans ce texte-là, en tout cas. Tout le monde donc arrive à Carduel. Là, Perceval va être fait chevalier. Tout le monde est revenu de la quête, à l'exception évidemment de Bor, Hector, Lionel et Erek. Puis bien sûr, Lancelot est toujours sur son île. Pendant ce temps, donc, Perceval est fait chevalier. Et alors, on nous explique qu'il y a trois tables, en fait, au château d'Arthur. Il y a la table ronde. Il y a la table des chevaliers qui sont des chevaliers aventureux, mais qui ne sont pas de la table ronde. Et il y a la table des chevaliers... la troisième table, la table des poufsouffles, en fait. On ne sait pas trop ce qu'ils font là. Ils sont entrés, ils ont vu de la lumière. C'est les chevaliers qui sont chevaliers, mais qui n'ont pas fait d'aventure, qui refusent de partir ou qui n'ont pas encore fait d'aventure. Et donc, Perceval, automatiquement, bah, il entre comme chevalier là, parce qu'il n'a pas encore eu l'occasion de se prouver. Mais là, la demoiselle muette, donc c'est l'équivalent de la demoiselle qui a ri quand elle le voit arriver à Camelot dans le conte du Graal, elle le voit, elle le bouge à une table, à la table ronde, en fait, directement. Il est promu instantanément et il est assis à la gauche du siège périlleux, parce que c'est lui qui parviendra avec Galahad à trouver le Graal. Et elle va mourir instantanément aussi, comme Marin avant était mort après avoir prédit la grandeur de Gaëriot. Elle va aussi mourir instantanément après avoir rempli son office de messager. Perceval va partir vers d'autres aventures. Alors on va apprendre que la sœur de Perceval a emprisonné Gaëriot sur une île, donc c'est sa dernière sœur, hein, parce que la première, vous vous souvenez, elle est morte après que Pélinor ait refusé de l'aider. Elle a emprisonné Gaëriot sur une île pour se venger en fait de la mort de... Ouais, pour tout ce qui est arrivé de mal à sa famille à cause de la famille de Gauvin, de Lot. Et il doit vaincre, en fait il doit se battre contre tous ceux qui viennent se battre contre lui. Alors Perceval arrive, se bat contre Gaëriot, mais ils se reconnaissent et ils partent ensemble. Et du coup, la sœur de Perceval décide d'essayer de trouver Gauvin, en fait, en faisant un piège très, très ingénieux. Elle fait graver sur une croix un mot qui dit « Le meilleur chevalier du monde est sur cette île ». Alors, il n'y a personne sur l'île, évidemment, mais Gauvin va sans doute vouloir venir se battre ou penser que c'est Lancelot en arrivant et va venir trouver en fait, sa mort parce qu'elle veut le tuer pour venger son père. Pendant ce temps, Erek, lui, qui reste toujours avec Hector depuis 4 ans, vous vous souvenez, un jour, il rencontre un chevalier méchant qui va se battre contre lui, et Erek va être aidé par le Léardi, pas le Beaucoir, jusqu'à ce qu'il se reconnaisse et libère une dame. Alors, il y a toute une histoire, le méchant Montenard va se battre contre Sagremort, le Léardi va rester auprès d'Hector, puis du coup Erek va se battre contre Montenard. Il va d'abord battre le château de Nabon l'enchanteur, libérer Bor, et puis Bor lui explique qu'en fait Erek a une protection spéciale contre les enchantements. C'était un peu le rôle qu'avait l'anneau, je crois, qui lui était donné. Lancelot, ouais. C'était Lancelot qui avait un anneau comme ça, mm-hmm. Oui, c'est ça. Donc Yvan en a un et puis Lancelot en a un. Lancelot en a un. Bah, Erek a le même pouvoir, mais de façon innée, il a. Bor va retrouver Hector à l'ermitage pendant que Erek va se battre avec Sagremort contre Montenard, mais en fait Sagremort refuse son aide et donc du coup avec un certain Brandelys il va réussir à dériver Montenard, parvenir à le battre et envoyer sa tête à Sagremort, ce que je trouve un peu salaud. Il lui a volé, ouais. C'est un kill steal en fait, mais enfin Montenard étant battu, il peut revenir vers Hector. Et en ce chemin, en fait, il apprend de la part d'une demoiselle de la Dame du Lac que Lancelot est guéri, en fait. Et du coup, Erek va dire à Hector que leur mission est finalement presque remplie. Il est du coup immédiatement soigné parce qu'il apprend que, en fait, Lancelot va bien. Et du coup, ils vont chercher Lancelot. Et alors, ils tombent sur un château où chaque fois qu'un chevalier errant arrive, un habitant meurt. Ce qui est vraiment pas pratique. C'est pas pratique. Alors, de nouveau, il y a juste des chevaliers qui viennent. Je vais essayer de libérer la coutume. Ils arrivent et puis il y a quelqu'un qui tombe mort. Entre temps, ils tombent sur le Léardi et puis Lionel. Lionel arrive à battre Erek, et puis du coup les quatre se séparent de nouveau. Hector arrive sur l'île de Perceval parce qu'il pense que Lancelot est là-bas, vu que le message qu'elle a mis là, message dit le meilleur chevalier du monde de la, que la sœur de Perceval avait mis. Alors voilà, on lui force à, il est emprisonné, on lui force à prêter serment de tuer celui qui a tué la Morak. Gauvin arrive, ils se battent et du coup ils se reconnaissent, font la paix, et ils décident de, en fait, mais pourquoi en fait on se battrait pas contre les gens de l'île. Du coup il tue tous les hommes de la sœur de Perceval, qui révèle ce qui est arrivé, et du coup bah eux ils s'en fichent, du coup ils peuvent partir, et elle est un peu désespérée quoi. Erek de son côté arrive dans un château où il tombe sur Bor, qui est vraiment un don pour se mettre dans les embrouilles les plus pas possibles. Il va être décapité parce qu'il a tué le fils du seigneur du château. Alors il est pas même sauvé, il rencontre Bioberis et Sagremor, il reste quelques jours avec le frère de Bioberis. Là il y a une damoiselle LED qui reproche à Erek de ne pas avoir entré dans un château parce qu'il pourrait avoir mis fin à une aventure, mais en fait il l'a pas fait. Et de leur côté, Perceval et Gaëriette, qui avaient quitté, vous vous souvenez, l'île de la sœur de Perceval, tombent sur la dame qui avait amené Perceval là-bas. Et puis du coup, là, elle demande à Gaëriette de devenir son captif. Et elle lui dit que sinon, on le décapitera. Du coup, bah, il n'a pas tellement le choix, il accepte. Elle le soigne et veut en fait qu'il se batte contre le chevalier qui a tué son amant à elle. Et alors, le chevalier en question, c'est Lancelot, en fait. C'est le chevalier, le mauvais chevalier facile, qu'on avait dit avant. Hein. Gaëriette se bat contre Lancelot. Il perd complètement. Il perd, il sait pas qui c'est, en fait. Et il décide, bon, on va trouver Bor et on va se battre contre ce chevalier mystérieux. De son côté, Perceval, lui, qui a quitté Gaëriette, tombe dans un royaume un peu en ruine. Et il va dans un château, en fait, qui s'appelle Beaurepaire. Mm-hmm. Et vous doutez, bah, la dame en question qui habite Beaurepaire, c'est Blanchefleur. Là, une dame, donc c'est, je ne crois pas qu'elle est nommée explicitement, mais c'est Blanchefleur, clairement, lui dit qu'en fait, elle a la pauvreté parce qu'un nommé Clamadame a volé son héritage parce qu'elle a refusé de l'épouser, en fait. Donc, c'est très semblable à l'histoire de Blanchefleur. Évidemment, il le bat, il lui fait promettre de tout restaurer, et du coup, il la quitte, là. Il tombe sur une autre dame, cette fois-ci, c'est le Léhardi, je n'arrête pas de dire le Lécouard, je ne sais pas pourquoi, et Sagremor, qu'il avait kidnappé et qui se battait pour elle. Du coup, il parvient à la libérer des deux chevaliers. Les chevaliers sont en général pas très positifs. Perceval, c'est un des meilleurs parce que lui, encore, il généralement accepte de pas se battre trop entre chevaliers de table ronde. Mais là, Sagremor, l'écouard, aucun problème. Elle est libérée finalement. Je crois que tu penses, parce qu'il y a aussi le Beaucoir. Oui, il y a le Beaucoir et le Léhardi, j'arrête pas de les confondre les deux. Mais du coup, là, le Léhardi et Sagremor sont le bec dans l'eau, finalement, ils l'ont plus. Elle promet de récompenser Perceval, et en fait, il la laisse là, et il tombe sur quelqu'un qui est en train de pêcher dans la rivière, et qui est But Pelléan, le roi blessé, donc le roi Méhénier, qui aussi s'appelle le roi pêcheur, parce que c'est lui qui est en train de pêcher. Donc c'est un peu ambigu, est-ce que Pélée c'est vraiment le roi pêcheur, mais est-ce qu'il y a vraiment roi blessé, roi pêcheur, est-ce qu'il y a un seul roi blessé, puis après il y a plein de rois pêcheurs. Donc Perceval le voit, mais il va absolument pas voir la procession du Graal, là ça a été complètement enlevé, parce que maintenant vous avez la Pentecôte du Graal, et du coup, à la place, il va chevaucher pour rencontrer Hector, ce qui conclut en fait la folie Lancelot. Le fragment de la folie Lancelot. On peut remarquer que ça n'a pas tant développé ce qui était en fait la quête du Saint Graal, et en fait on n'a pas vraiment mis en place ce qui va venir avant. On a du temps qui se passe, là tu dis des assez longues durées, des gens qui restent 6 ans dans un château, mais on n'a pas tant d'éléments qui sont narrativement indispensables pour la suite. Quoi. Non, c'est surtout, y a toutes les affaires de Gaëriette et de sa mère, puis après la question de la vengeance entre les fils de Lot et les fils de Pélinor. Après, c'est aussi intéressant parce qu'on introduit Perceval, bon ça c'est assez similaire à ce qu'on connaissait dans la Vulgate, hein, même s'il y a un peu plus de détails. Il n'y a pas du tout la profession du Graal, comme tu le faisais remarquer, il n'est pas du tout impliqué, même s'il devient un des héros du Graal, il ne voit pas directement ici. Alors le Graal, bon, de toute façon générale, dans la Vulgate et surtout dans la post-Vulgate, c'est beaucoup plus... on le voit plus facilement, disons. On le voit plus facilement, ça devient ce truc qui se manifeste divinement à certains endroits, et c'est plus une procession dans un château qui est mystérieuse. Mais du coup, il y a ce côté un peu bizarre où Perceval voit le roi pêcheur, on a cette espèce de reliquat de la version originale. Il voit le type, puis après, il voit le type qui pêche sur la rivière, et puis il fait demi-tour, et puis ça... Enfin, il lui dit qui il est, quoi, mais... Ouais, voilà, c'est comme tu disais, on parlait de la mondanité qui investit certaines choses, quand tu disais, ouais, il y a l'Amora qui, en fait, il est chez Pélès, il est chez le roi pêcheur, il est en week-end chez Corbenic. Il n'y a plus du tout cette idée, c'est un château mystérieux, introuvable, hors du monde, ça joue plus vraiment ce rôle-là. Maintenant c'est plus oui il est juste là, il était de passage, il y a même pas, ça a même pas un statut spécial, c'est même pas oh, il a visité le château du Graal, c'est presque une évémérisation en fait de toute tout ce qui est Graal magique, c'est devenu un peu plus mondain, même si d'un autre côté on a aussi plus de magie mais elle est menée de façon plus claire, en fait. La, la magie est manipulée par quelqu'un comme par Merlin, par Viviane, par Morgane, mais elle n'est pas exactement cette force mystérieuse qui tire les ficelles derrière les scènes, en fait. Il n'y a surtout pas d'ambiguïté, en fait. Typiquement, dans le Merlin en prose ou dans la Vulgate en général, quand Merlin fait des prophéties, on ne le croit pas. Là, Merlin peut dire n'importe quoi, à part au début, quand Arthur doute un peu parce qu'il ne sait pas que c'est lui. Une fois qu'on sait que quelque chose a été dit par Merlin, tout le monde est là, ok, c'est un fait maintenant, et on ne peut plus vraiment y échapper. Et pareil, quand Arthur récupère cette épée, la dame marche sur le lac pour aller récupérer l'épée, Merlin lui dit oui, il y a un pont de bois, c'est juste que tu ne peux pas le voir. Donc on a vraiment un effondrement de ambiguïté, et puis on a quelque chose de très prosaïque par moment. D'un côté, c'est intéressant parce qu'autant les versions plus primitives ont une grande ambiguïté sur ce qui se passe vraiment, les miracles et tout, mais où tout le monde se comporte héroïquement, donc c'est plutôt une ambiguïté qui sert à mettre en évidence, à servir de canevas au comportement extraordinaire et héroïque de tous ces beaux chevaliers, alors que là, paradoxalement, tout est beaucoup moins ambigu de façon, disons, formelle, mais le comportement des chevaliers, leur adhésion réelle à leurs valeurs, c'est ça qui est beaucoup remis en question, en fait. Est-ce que ces chevaliers sont vraiment des gens nobles alors qu'ils se battent pour la moindre damoiselle, qui se battent entre eux alors qu'ils ont prêté des serments de ne pas le faire, qui se battent pour des serments qu'ils ont fait à des inconnus, qui tuent des proches pour aucune raison, qui sont prêts à décapiter des gens qu'ils connaissent pas parce qu'ils ont promis de le faire. Voilà, il y a une espèce de vision assez cynique de tout ça, quoi. Effectivement, et c'est pour ça que je trouve que la Folie Lancelot offre un complément intéressant parce qu'elle concentre ça vraiment de façon assez intéressante. Elle est surtout intéressante, effectivement, parce qu'elle nous apprend la façon dont le trou entre cette fin un peu mystérieuse avec le Morholt qui s'en va vers l'Irlande et le début bien plus tard de la quête dans sa version post-Vulgate, bah, elle nous apprend un peu, plus ou moins, en tout cas selon Bogdanov, comment ce trou a été comblé et de quelle façon il l'a été. Et on voit très nettement en regardant ça que, en fait, c'est clair que pour, en tout cas, la personne qui a rédigé cette Folie Lancelot, après, c'est peut-être qu'il y avait d'autres versions un peu plus désertes sur le statut de Lancelot, mais c'est clair que là, le cœur de ce qui est dans le Lancelot propre, en fait, finalement, soit on le comprime beaucoup, soit on le met. Mais par exemple, le fait que toutes les aventures du bannissement de Lancelot à la cour, c'est vraiment en deux phrases, quoi. On s'en débarrasse sans dire le détail, alors qu'on a prévu de dire beaucoup de choses sur les aventures d'Erec. Donc c'est beaucoup plus. On remarque un peu les points intéressants pour le compilateur, l'auteur, et ce qui, au contraire, va lui être superflu et qui va complètement renoncer, en fait. Donc pour ça, c'est intéressant quand même. Je trouve que c'est pas effectivement intéressant en tant que tel, on n'apprend rien de nouveau et tous les éléments qui sont dedans, bah, on peut les savoir autrement. À part peut-être le fait qu'il va élever Galad finalement comme chevalier dans cette tour de la joie, qui n'est pas la joyeuse garde, hein, c'est une île distincte. Alors que dans la version originale, Galad est dans un couvent jusqu'à ce qu'il se fasse sacré chevalier. Là, il est vraiment avec Lancelot dans un château. Donc finalement, Lancelot a son moment un peu sympa où il est avec son fils. Il peut avoir un bon moment de... Alors que dans la quête du Graal, originellement, ils ont juste des moments bizarres où ils sont baladés par des bateaux magiques et puis baladés séparés par des bateaux magiques. Là, c'est intéressant. Pour ça, je trouve qu'il y a vraiment ce côté... tu l'as dit, moins ambigu, plus prosaïque, mais qui, du coup, permet une richesse d'interaction entre les personnages qui n'est pas forcément toujours là, je trouve. Dans la Vulgate, par moments, c'est un peu trop attendu. Alors que là, il y a des textures un peu plus riches qui me rappelle celle qu'on trouvait dans le Tristan en prose, notamment. Ouais. On a vu qu'il y avait les problèmes de chronologie, comment est-ce qu'on bouche le trou. On a vu que c'était un peu le problème qu'on avait dans le Tristan en prose aussi, où vous avez la quête du Graal qui, du coup, se retrouve déclarée deux fois, ou bien vous avez une espèce de bégaiement, parce qu'on n'est pas exactement sûr de si... Ça fait, la quête du Graal, il y a un ermite qui annonce la quête du Graal deux fois, il l'annonce une fois, puis c'est comme si le scribe s'était rendu compte, ah mais attends, Galad est un bébé à ce moment-là. Puis du coup, il y a un ermite qui va la réannoncer plus tard. Là, on a exactement le même problème, parce que c'est la même chronologie qu'on essaye de concilier. Il faut dire, j'aime beaucoup ce texte, la suite du roman de Merlin. Honnêtement, c'est un de ceux que je pourrais conseiller, parce qu'il est déjà beaucoup mieux que la suite vulgate du Merlin, on va dire, en termes de digestion du truc. Après, elle est aussi plus intéressante, mais je trouve que la suite vulgate a quand même des avantages. Elle a aussi plus d'originalité, par un certain moment. Ouais, il y a plus de trucs qu'on ne retrouve pas ailleurs, disons. Alors que là, c'est vraiment... Peut-être parce que c'est aussi ça qui a donné naissance à Mallory, mais c'est peut-être aussi... On connaît. Ouais. Mais c'est là justement qu'elle est justement le conflit entre Morgane et Arthur, le combat d'Arthur contre Accalon, et puis la perte du baudrier qui fait qu'il perd son sang, personnage de Ninienne qui est quand même assez mémorable. C'est disons un moment original pour beaucoup de c'est là qu'on introduit beaucoup de choses qui vont être importantes après, et qu'il y a aussi ce côté vraiment où c'est mieux écrit, c'est plus simple à lire aussi bêtement que la suite vulgaire, aussi beaucoup plus simple à accéder, hein. Si, ne serait-ce que acheter une copie chez Champion, c'est quand même toujours plus simple que d'aller extraire un bout de la Pléiade correspondante. Mais disons, je trouve que les deux sont très différentes, quoi. C'est aussi ça. C'est pas du tout les mêmes buts remplis par les deux versions de la suite du Merlin. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant. Et pour moi, ça me fait un a priori plutôt favorable en fait vers la post-Vulgate dont on continuera à vous parler en fait la prochaine fois. On vous parle du reste qu'on a à disposition, qui est en fait cette combinaison de Kest et de Morartu, traduite essentiellement pour en large partie du portugais et du castillan où elle a survécu, et par moments d'extraits tirés des Tristan, surtout la version longue, la version 2 du Vulgate, comme on l'appelle parfois, du Tristan en prose aussi, qu'on abordera la prochaine fois. On en parlera la prochaine fois. Si vous voulez le lire d'ici là, il y a une version de la Quête et de la Morartu traduite d'une de ces versions ibériques qui est disponible sur Open Edition gratuitement si vous la voulez depuis quelques années maintenant. Donc si vous voulez la lire, vous pouvez. C'est celle-là qu'on va lire premièrement. Moi personnellement, c'est celle-là que je vais lire premièrement. C'est probablement celle qui a aussi servi de base à. C'est aussi cette version qui a servi de base à l'édition traduction, disons, en anglais de Norris. J'ai laissé dans cette grande collection en 5 volumes. C'est probablement moi celle que je vais utiliser. Mais d'ici là, effectivement, on reparlera un peu plus de la caisse en fait en elle-même une fois qu'on aura parlé de ces parties finales. Mais enfin, déjà, on est lancé sur une direction beaucoup plus efficace finalement. J'ai l'impression qu'avec le Lancelot en Lancelot Graal et ses longues ramifications et sa construction à rallonge. Et pour le coup, cette fois-ci, vu qu'on vous a déjà parlé de l'histoire d'Elsinga, on n'a pas envie de revenir au pays des bateaux magiques et des sarrasins sur les îles et les mahomeries en Grande-Bretagne. Ça, je trouve ça très drôle. Mais à part ça, c'est vrai que c'était moins. C'est un peu laborieux quand même. C'est pas forcément le plus intéressant. D'ici là, on vous souhaite un bon mois de novembre. On vous verra début décembre. Et surtout, n'oubliez pas, la quête continue. Thank you. Salut, c'est Delta Koch et une fois par mois, en gros, je présente la confrérie avec mes amis Akumasa et Davrous et Multa. On y parle de tous les sujets qui nous intéressent, que ce soit technologique, philosophique ou autre. Dans une ambiance désordonnée et franchouillarde, nous partagerons et nous débattrons autour de 2 à 3 sujets par épisode. Si vous aimez la technologie et surtout la bonne ambiance, venez nous rejoindre.